attendez la suite. Michael, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Exactement. Oui, on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Joyeux Bonsoir. Noël d'ailleurs. Bah, attends, musique. Attends, attends. Ah, on va déconner quand même. On va mettre la musique et tout ce qui va avec. Voilà. Comme ça on est bien là, comme ça on est parfait j'ai envie de dire. On vous l'avait promis, on est en direct ce soir pour passer le réveillon avec vous, toute la famille, vous êtes là, il est 19h36 secondes, 59 et 37 secondes tout pile. Voilà, donc on est là ensemble. Et bah c'est gentil d'être là, j'espère que vous êtes nombreux derrière votre radio. J'espère que vous êtes nombreux aussi à passer Noël en famille, avec les potes éventuellement. Là vous avez reçu des cadeaux éventuellement déjà aussi. Et puis bah on en parlera évidemment ce soir des cadeaux puisque bah on est là jusqu'à minimum minuit pour passer le réveillon avec vous. On va pouvoir faire la fête ensemble ce soir. Là, venez nous dire ce que vous faites justement vous là, qu'est-ce que vous faites actuellement. Venez nous en parler, je vais enlever la musique parce que ça peut me déprimer à tout moment. Non mais c'est bien, mais 30 secondes quoi, tu vois, pas non plus abuser hein. Donc venez nous dire un petit peu ce que vous faites chez vous. Vous êtes en famille, vous êtes pas en famille, qu'est-ce que vous avez prévu ce soir pour juste... Oh putain, quelle angoisse. Oh, il manquait plus que ça. Il est là. On l'a chez nous ce soir. Casse-toi. Oh putain, oh, le clochard du Père Noël. Oh merde. Oh là là, voilà. Donc Tof qui s'est habillé en mode Père Noël. Et avec un costume à 4€, tu t'attendais à quoi? Ça lui va bien moi. Attends. Il est aussi moche que d'habitude. Attends, je fais la photo là immédiatement là. Oh quelle angoisse. Alors attendez, je vous l'upload directement en live. Attends, approche-toi parce qu'on voit rien là. Tof, attends une seconde. Enculé. J'ai fait tout noir dans ce studio. Oh là là, c'est d'une horreur. Voilà. Avec les oreilles qui ressortent du bonnet, c'est parfait. Ah ouais, c'est vraiment le Père Noël du pauvre. Oh putain. Alors je vous l'upload là. En fait, live and direct. Cette année, il a pas de cheveux le Père Noël. Oui, c'est ça, exactement. Il n'en a absolument pas. Ah oui, c'est vrai, ça. Il a pas de cheveux blancs le Père Noël. T'as vu, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Je vous l'upload là. Bah, c'est le Père Noël du pauvre. Ah oui, bah ça, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, je vous l'upload dans quelques minutes là, le temps de terminer 2-3 trucs et de retoucher un petit peu la photo tant qu'on peut, comme on peut. On va dire ça comme ça. Bon, bah, en tout cas, soyez les bienvenus. Si vous venez d'arriver, il est 20h01. C'est Mickaël No Limit, spécial Noël ce soir, spécial réveillon de Noël. On est les seuls à être en direct avec vous, hein, donc cherchez pas ailleurs. Alors, il y a évidemment qu'ils ont mis en best-of, il y en a qui sont pas là du tout. Et puis là, ils vous font croire qu'ils sont là, mais en fait, ils sont pas là non plus. Ils mentent. Ils disent ça, ils mentent. Alors, vous pouvez nous appeler, nous, il n'y a pas de problème. Le 01 42 48 5000 fonctionne. Le 02 851 4x0 pour la Belgique. Vous pouvez nous appeler sans problème. Et vous passerez pour faire la fête avec nous, hein, tout simplement, comme Tom qui est avec nous là. Salut Tom. Tom, il est où? Il est Tom parti. Il nous entend pas. Tom, une fois parti. Tom, deux fois. Attends, Tom, on va te récupérer dans quelques minutes, là, c'est pas grave. Bon, Tom qui était donc avec nous justement. Et puis, bonne nouvelle également, le Père Noël a été autorisé à entrer aux États-Unis. Ah, il a fait les stats et tout. Oui, il a fait les stats, il a tout fait. Les petits Américains vont avoir enfin des cadeaux, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont sauvés. Exactement. Et toi, Sandro, t'as demandé quoi au Père Noël pour savoir ce qu'il t'a envoyé? J'ai demandé qu'il baisse le prix des jouets. Ah, qu'il baisse le prix des jouets. J'ai peur, je croyais qu'il allait dire qu'il me baise. Non, il a pas. Non, c'est pas ça, hein. Non, c'est une demande un peu bizarre. Oui, oui, spéciale quand même. Justement. Bon. Polo, on ne sait jamais. Polo, il a demandé quoi pour Noël? Il a demandé des stripteaseuses à foison, des milliers de stripteaseuses. D'accord, très bien. Voilà, et c'est tout. Moi, j'ai demandé à mes amis d'être par milliers pour m'insulter. Ah bah oui, Dieu sait qu'ils sont là, alors ça, y a pas de problème. Oui. Hein. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Cause toujours, enculé. Voilà, on fera d'autres appels tout à l'heure. Et alors, justement, comme ce soir, c'est Noël. Mais c'est Père Noël, qu'est-ce que tu veux? Donc, et Polo qui a son petit chapeau du Père Noël. Moi, j'ai oublié le mien dans le bureau, tiens, on va aller le chercher là dans quelques minutes. Et le stagiaire qui l'a porté toute l'après-midi, son bonnet du Père Noël, et maintenant il l'a enlevé. Stagiaire. Qu'est-ce qu'on avait dit, stagiaire? Le stagiaire, le bonnet. Mais je sais pas où il est. Arrête ton cinéma, il est à côté de toi là, il est là. Il est là. Bien vu. Il est, bah oui, c'est ça, bien vu, ouais. C'est cru où lui? Non, mais c'est ça, il a cru que c'était jour de fête ou comment ça se passe? Donc, alors, comment ça se passe? Ouais, bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, et Tof, il a commandé quoi pour Noël? Je te dis, des insultes à foison. Bah justement, voilà, c'est ça. Donc du coup, ce soir, tu vas appeler des gens pour essayer de te faire inviter. Bah pour Noël, oui, parce que je n'ai pas grand-chose. Bah voilà, c'est ça. J'ai faim. Et puis il faut que ce soit esprit de Noël, quoi. Mais oui. Mais voilà, c'est ça. C'est marrant parce qu'avec sa fausse barbe et moustache du Père Noël, son nez ressent encore plus. Il est encore plus laid que d'ordinaire. C'est énorme. Pourtant, les déguisements, c'est fait pour te cacher un peu. On a bien caché, mais pas la misère. J'en profite, comme c'est Noël, je tiens à embrasser mon ami David, qui est loin. Exactement, qu'on embrasse. Je l'embrasse fort, on t'aime. Tout à fait, et on embrasse la boucherie. La boucherie Sylvie, ouais. Exactement, si vous êtes sur Cannes, allez voir Boucherie Sylvie. Si vous dites que vous venez de la part de Fun Radio, vous avez 10%. Bah oui, mais allez-y. C'est les amis. J'embrasse Stéphane et j'embrasse Charlie. Voilà. D'accord, très bien, mais comme ça au moins que des mecs qui l'embrassent. C'est bizarre, effectivement, ouais. Bon, et tout ça en jouant du pipeau, bien sûr, avec ses stripteaseuses qu'il a commandées. Va-t-il les recevoir ou pas? On verra bien. Bon, en tout cas, ce soir, il y a du lourd en termes de son, évidemment. Je vous cale le son de Crowella dans quelques minutes, Enjoy the Ride. Je vous calerai aussi Hardwell. Il y aura aussi Azzy. Il y aura Lady Gaga. Quand je vous disais qu'il y avait du lourd, là. Il y aura aussi Zid. Il y aura aussi Tony Junior. J'aime bien ça. Jack. Demi Lovato. Wow, il y en aura du monde. Voilà, tout ça est là ce soir, évidemment. Et alors, je ne peux pas passer une soirée de Noël sans mettre, je vais dire, une de mes chansons préférées. Hein, ça tombe sous le sens. Ce soir, je serai obligé de partir avec ça. Bah oui, c'est Noël. Eh, hey, bientôt la Corée avec ce groupe. Ouais, bah ça va être beau, tiens. Ah bah, je suis impatient de voir ça. La Corée va être magnifique, à mon avis. Et puis ce soir, bah, comme c'est Noël, je vais essayer de... Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur, mais je vais essayer de parler avec ça. Oh, ah oui. Pendant toute l'émission. Oui. Ça va être une horreur. Voilà. On va avoir un mal de crâne. Ah oui, il y a de fortes chances, en effet, oui, ça c'est sûr. Bon, et puis on aura des cadeaux aussi, pas mal de cadeaux à vous offrir ce soir, puisque ce soir on a des PC portables, des netbooks à vous offrir. On a évidemment la Samsung Galaxy Tab 3, la toute dernière que j'ai à vous offrir. Elle est sur le Facebook de l'émission, vous pouvez aller voir, hein, si vous faites un like et un partage de la photo. Et bien tout à l'heure à minuit, on vous tire au sort pour vous offrir votre Samsung Galaxy Tab 3, voilà. Donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas. En plus là ce soir, c'est comme c'est réveillon de Noël, eh ben il y aura moins de gens derrière leur radio, donc vous avez évidemment plus de chances de repartir avec votre Samsung Galaxy Tab 3. Donc bonne chance tout le monde. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà. Et puis il y a Tom qui est de retour là. Ça y est Tom, t'es là? Ouais, c'est bon. Ça, bah alors qu'est-ce qui t'est arrivé ma gueule? Bah je sais pas, c'est mon téléphone. Ah bah il est pourri, hein. Ouais. Bah oui, je confirme. Bon alors Tom, qu'est-ce qui t'arrive toi? On parle de quoi avec toi? Ouais, je suis content parce que ce soir je vais avoir un super cadeau. Tu vas voir quoi? Un super cadeau. C'est quoi? C'est le Beyer Dynamics 770 DT Pro, votre casque. Ah, le même que le nôtre? Ah, c'est bien. Ouais. Hey, si tu veux, on a de la chance. Ouais, si tu veux, je te l'échange. Je te l'échange contre... j'ai une bouteille d'Evian, là. Non, c'est bon. Deux, allez, deux. Non, c'est bon, j'ai gagné les trois, ça. Non, je te l'échange contre la tenue de Père Noël de Toff, dégueulasse. Elle est magnifique. Oh, elle est horrible. Attends, faut que je la mette. Attends. T'es sur Internet, là, ou pas, Tom? Celui-là. T'es dessus là? Merde, ah, putain, il a vraiment un téléphone pourri, je te confirme. Il était sur Internet. Ah bah ouais, là il était dessus, mais là il est plus. Hein. Donc je mets, voilà le Père Noël du pauvre, Toff. Du très pauvre. En mode Père Noël. Voilà. Ah merde, en mode Peter Noël, bah non. En mode Père Noël. Voilà. Qu'en pensez-vous, hein? N'hésitez pas à liker, à partager également ce magnifique. Oui. Cette magnifique tenue. Je suis le plus beau Père Noël du monde. Oh là là, une horreur. Alors attention, je vous le mets là maintenant, live and direct. De toute façon, on est en direct pépère ce soir là. Plus beau que moi, tu meurs. Bah écoute, il y en a beaucoup qui vont y passer alors ce soir, hein, je pense. C'est dommage, c'est pas esprit de Noël ça pourtant. Hein, mais... Ah oui, pardon. Bon, alors attention, ça y est, tac, hop, c'est envoyé. Instagram, Facebook, Twitter. Tout est là. Oh, il est horrible. C'est une laideur sans nom. Bon, allez voir hein, facebook.com/MIKL officiel. Tapez MIKL_officiel sur Twitter. Et puis sur Instagram également, vous nous retrouvez avec MIKL officiel. Il y a Youb qui a envoyé un message qui dit où est-ce qu'il est. Salut MIKL, bonne émission à vous. Tu peux aussi me souhaiter la bienvenue avec plaisir. Pousse toujours, enculé. Voilà, il y a Abdou aussi qui dit bon réveillé en tous. Mangez bien, au calme. Dans 4 heures, ce sont les cadeaux. Il y a la friterie Alba également qui dit salut à tous. Jusqu'à quelle heure ce soir? Bah, minimum minuit. Après, on verra bien. Hein. On va voir comment ça se passe. Et la friterie jusqu'à quelle heure, effectivement. Et Stanislas qui dit on peut appeler pour les cadeaux pourris pour le faire les échanges parce que j'ai reçu un boxer, c'est bof. Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. Bon, bah oui, vous allez pouvoir appeler. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre toutes les heures, on fera un échange de cadeaux. On va prendre des auditeurs et vous allez avoir 30 secondes pour nous dire pourquoi est-ce que c'est vous qui devriez avoir l'échange de cadeaux. En gros, si vous avez reçu par exemple une paire de chaussettes, bah vous nous dites ouais, voilà, j'ai reçu une paire de chaussettes, c'est de la merde. Enfin bref, il faut vendre le fait qu'on doit échanger le cadeau. Et après, bah, les auditeurs voteront parmi les trois et puis bah on verra lequel repartira avec le PC portable ou avec une tablette en échange du... En échange du cadeau. Il y a Dragstore Defender qui dit aussi coucou la famille, je suis présent, c'est de la balle, bonne émission à vous, merci pour tout. Bah, avec plaisir, merci d'être là. Il y a CC Cool aussi, coucou à toute l'équipe, vous êtes là pour le réveillon, c'est trop cool, on va passer une bonne soirée. Bah, en tout cas, on fera tout pour. Et Maeva qui a envoyé un message depuis l'application iPhone de l'émission, MIKL No Limit sur iTunes, hein, téléchargez-la. Il y a sur Android, ça va arriver aussi, rassurez-vous. Merci MIKL d'être là ce soir, c'est un trop bon cadeau, bah merci beaucoup aussi. Et SFJ qui dit je bosse moi, mais je vous écoute, heureusement que vous êtes là. Love et Max également, joyeux Noël à toute l'équipe. Et un petit message de bienvenue. Bienvenue s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà, bon, on va essayer de l'intérioriser d'une manière ou d'une autre. Tom? Oui? Bon, ça y est, t'es de retour Tom? Bah ouais. Bon, bah parfait. Bon, donc du coup, je te disais que on vient de mettre la photo de Toff en mode Père Noël. Est-ce que t'as vu l'état du drame? Bah non, je vais aller voir. Ah bah, je me kiffe, je me trouve très beau. Va voir, c'est horrible. Voilà, facebook.com/mickaëlofficiel, n'hésite pas surtout. Bon, et puis ce soir, on va également faire un top tweetos de Noël, évidemment. On va faire le top 5, on va faire même le top 10. Ah oui, ça, ouais, on va faire le top 10. Pour être dans le top, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag et Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le classement des 10 meilleurs. Et ce soir, on va filer... Bah, y a les packs. On a des jolis coffrets. Ouais, hein. On a des coffrets également, des coffrets avec des boules de geisha à l'intérieur. Ouais, mais il y a des huiles de massage. Il y a des huiles de massage, des boules de geisha, et puis y a toujours les sextoys à faire part. Passagedudésir.fr. Voilà, exactement. Donc ce soir, allez-y, hashtag et Mickaël, balancez vos messages comme Anthony qui dit Père Noël de la fin de série. Bah, ça c'est sûr. Le prince Nadia qui dit Joyeux Noël, Mickaël, Tov, Sandro, Polo, bonne émission. Merci. Pour ce soir. Merci beaucoup. Et Marine, ah, j'ai plutôt envie de prendre mes jambes à mon cou que de l'avoir dans ma cheminée, celui-là. Ouais. Bah, ça c'est sûr. Donc voilà, la photo de Tof en mode Père Noël sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, Tom. Tom. Oui. Oh putain, ah ça y est, je crois que t'étais nouveau parti, dis donc. Bon, toi t'as dit que t'allais recevoir un casque, comme un casque de radio. Ouais. Enfin, pas comme, ça, un casque de radio. J'ai un super bulletin. Non. Alors combien, combien le bulletin? Est-ce que t'as fait mieux que ma nièce? J'ai fait 16,5. Ah oui, bah ah c'est oui, pas quand même. Hein. Ah oui, oui, 16,5. C'est une belle moyenne bien, quand même. Hein. Ah oui, la moyenne 16,5 donc. Ouais, j'aurais aimé avoir ça. Ouais. Ah oui, enfin, putain. Mes parents surtout. Oui, oui, ah bah, c'est sûr, effectivement. Et les miens donc. Bon, bah très bien, c'est bien. Du coup, ça a coûté cher à papa et maman quoi. Ah bah oui. Ah bah, mais comment ça se fait que t'as déjà reçu le cadeau? C'est à minuit que le Père Noël y passe? Oui, oui, non, non, je vais le recevoir. Ah, parce que tu sais déjà ce que tu vas recevoir toi. Dis donc, c'est pas une insulte du tout ça. D'accord, moi, ok. Je l'ai commandé. Ah en plus, ah bah très bien, bah voilà le Père Noël d'aujourd'hui tiens. Ah bon, bah reste avec nous Tom, tu vas faire un peu de radio avec nous ce soir, t'es pas en famille hein? Si si. Ah bon d'accord, ok, bah ça s'entend bien. Ah ouais, bah t'as raison, il y a Marine aussi qui est avec nous des Landes là, salut Marine. Oui, salut. Comment ça va Marine? Salut. Oh pas trop moral, mais merci d'être là moi. Oh bah qu'est-ce qui va pas ma chérie? Je suis toute seule. Oh mais non, t'es pas tout seul, on est là. Regarde, il y a Super Père Noël qui arrive. Regarde, il y a Super Noël. Est-ce que t'as vu le Père Noël sur le Facebook? Alors qu'est-ce que t'en penses? Je vais enlever les clochettes, ça m'en ouf. Est-ce que je te plais? Non, c'est moi qui ai un commentaire que je préfère pas voir. Je préfère pas. Ah, c'est toi. Très bien. Très bien. Eh bah, t'as raison, Marine. Bah, reste avec nous, on va faire un peu de radio ensemble ce soir, Marine, si oui, tu veux. Eh bah, très bien. Et puis, on va faire la colle également, là maintenant. Tiens, la colle avec Romain qui est avec nous. Salut, Romain. Salut. Comment ça va? Bon, ça va très bien. Bon, bah, très bien. Allez, hop, c'est parti. Romain, alors, on va faire la colle pour repartir ce soir avec la tablette. Samsung Galaxy Tab 3. Donc, vas-y, Romain, fais péter la colle. Alors, il s'agit de trois nains qui prennent un raccourci pour aller à la mine. Ouais. Ils font trois fois le tour du rocher. Ouais. Il y en a un qui prend la pelle, le second la pioche. Mais que prend le troisième? Ah, très bien, je la connais celle-là. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous de jouer, vous envoyez simplement Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Et si vous voulez gagner ce soir, je peux vous dire que c'est l'occasion, puisque bah forcément il y a moins d'auditeurs que d'habitude, puisque c'est soirée de réveillon de Noël, qu'il y en a plein qui sont en famille, entre amis, etc. etc. Donc en gros on est entre cassos quoi, hein, au final. C'est ça. Non mais ouais, c'est ça, hein, on est entre on est entre abandonnés. On est entre gens bien en fait. Non en fait c'est ça, on est entre gens de la haute. Ouais. Voilà, exactement, on est entre gens de la haute. Quand ouais, on voit, j'ai l'impression de voir Gérard Jugnot à côté de moi. Top dans les bronzés, dans le Père Noël d'une ordure. Mais pourtant il le porte bien le Père Noël d'une ordure. Bon je répète, ces trois nains qui prennent un raccourci pour aller à la mine, ils font trois fois le tour du rocher, l'un prend une pelle, le second une pioche, que prend le troisième? Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 63-22 pour la Belgique, au 64-900 pour la France, et puis évidemment sur le Facebook, vous pouvez jouer aussi, facebook.com/mickaëlofficiel, et on donne la réponse avant, avant 22h, voilà, Romain, ne bouge pas. D'accord. Allez, on gagne, on verra si tu repars avec le PC ou pas. Marine et Tom, restez là aussi tous les deux, d'accord? Pas de problème. Bon, parfait. Et puis ce soir également, eh bien on va penser à ceux qui n'ont pas forcément écouté l'émission pendant l'année, puisqu'on va vous mettre notamment bah, le canular. On en a parlé hier. Hein, il y avait des auditeurs qui voulaient qu'on passe le moment où Toff s'est lancé dans le dans l'acting avec le ce fameux ils ont buté les deux. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Donc on vous le remettra dans quelques minutes. Restez bien sur Fun Radio. On est en direct ce soir jusqu'à minimum minuit, et oui, même pour le réveillon de Noël, on est en direct avec vous. Et puis on va s'écouter aussi le son de Crewella dans quelques minutes avec Enjoy the Ride. Et si vous voulez échanger vos cadeaux, si vous savez déjà à l'avance que vous allez recevoir et que vous voulez les échanger, vous avez peut-être déjà reçu le cadeau, appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On fera des échanges notamment contre des nids, beaucoup des tablettes ce soir. Donc bah, on attend vos appels. Allez, bougez pas là, Crewella arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit et on est là jusqu'à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48. I love you, Fun Radio. tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, il est 20h16 là. Et oui, on est en direct ce soir pour le réveillon de Noël. Oui, joyeux Noël tout le monde. D'ailleurs, on avait des petites cloches. Ah, voilà, les petites clochettes sont là, ça fait plus Noël comme ça. C'est magnifique. On est en direct et on est les seuls à être en direct. Vous faites pas avoir, hein. Il y en a, c'est des best-of. Il y en a, ils font croire qu'ils sont en direct, mais ils sont pas en direct. Et puis il y en a qui ont rien mis du tout, hein. Hop, tranquille, pépère, à la cool. Donc voilà, on est là, profitez-en, c'est Fun Radio. Il y a Scott qui dit soirée de réveillon à écouter Mickaël. Ben, merci à toi, Scott. Il y a Elbibine aussi qui dit un peu maigrichon le pauvre. Rendez-nous notre Père Noël bientôt dû. Oui, ah oui, je confirme aussi. Ouais. Il y a la photo de Toff en mode Père Noël sur Facebook. Pour une fois qu'on me dit pas que j'ai du bide. Ouais, c'est sûr. Facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Jules qui dit on dirait un Père Noël pervers. Qu'il appelle quelqu'un pour savoir qu'il peut apporter les cadeaux. Et Ness qui dit bonne fête tout le monde avec Mickaël. Merci beaucoup. Tous vos messages, vous n'hésitez pas évidemment. Vous balancez ça sur soit par SMS. Hein, vous envoyez Mickaël suivi du message au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. Et puis bien entendu également tous les messages que vous pouvez balancer sur le Facebook et le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bon, 20h17 sur Fun Radio. Et si on se mettait le son de Creuella maintenant, tiens, Creuella avec Enjoy the Ride. Bonne soirée, bon réveillon de Noël, c'est Mickaël No Limit en direct jusqu'à minuit. We were born ready, ready to be free. Enjoy the ride. On est en direct ce soir sur Fun Radio. Le son de Creuella à l'instant, c'était Enjoy the Ride. Il y aura Jason Derulo à suivre aussi avec Marry Me dans quelques minutes. Hardwell pour Dare You. Il y a Eleonore qui dit qu'il est beau. Oh là là, t'as vraiment des goûts de chiottes, Eleonore. Oh, Eleonore, c'est pas en parlant de Toff, évidemment. Non, son, sa tenue de Père Noël. Elle a peut-être des problèmes de vue, cet enfant. C'est possible aussi, ouais. Il y a Noémie qui dit vite, Mickaël, je m'ennuie. Bah, je suis là, on est là depuis 20h. Là. Hugo Réo qui dit s'il y a Mickaël ce soir, on va bien se marrer. J'ai un nouvel ordi. Eh bah, bienvenue, Hugo Réo avec le nouvel ordi. Christouille aussi qui dit bon Noël à tous, il y a l'équipe de Fun, moi ce soir c'est Dodo et oui, début d'angine, amusez-vous bien. Bah tu peux écouter Christouille là du coup là, et Abdou aussi. Toff à la place d'une hotte, il a un plastique bac géant, exactement. Et Virginie, un joyeux Noël à toute l'équipe, gros bisous les loulous, merci Virginie. Tous vos messages vous les balancez bien sûr hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a également toujours la Samsung Galaxy Tab 3 qui est à gagner ce soir hein. Il suffit d'aller faire un like et un partage sur la photo où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3, c'est la dernière à gagner ce soir, donc si jamais ça vous intéresse, il suffit de faire un like et un partage, et si vous êtes tiré au sort avant minuit, eh bien on vous l'offre, pas plus compliqué que ça. Ouais. Et voilà, et en plus, le jeu est gratuit, donc profitez-en. Alors, on a toujours Marine qui est avec nous là. Marine ? Oui. Bon, alors Marine, là, Marine qui est toute seule pour Noël, mais comment ça se fait Marine ? Ben, mon chéri travaille, et puis voilà. Bon, au moins t'as un chéri, c'est déjà ça de prix. Et puis ma fille, elle dort. Et ta fille dort, oui. Bah réveille-la, quel âge elle a ? Elle a 14 mois. Oui, bah laisse-la dormir. Non, mais laisse-la dormir parce qu'elle va brailler toute la soirée et après, ça va être une horreur. Elle va se retrouver comme elle a fait hier. En plus, on a le vent, la tempête, là, je ne dis pas. Ah oui ! Ouais, putain, c'est vrai que j'avais mis ça sur le Facebook en plus hier soir, là. Ça a tapé aussi, là. C'est horrible, hein. Voilà, j'étais chez moi, il y avait beaucoup de vent alors qu'on n'était pas censé être dans la lignée du vent. Donc, quand j'ai vu tout ce qui se passait, là, sur la côte, là, ouf, bordel. Oui, bordel, comme tu dis, oui. Ah oui, toi, dans les Landes, toi. Alors, le vent, combien, là ? Oh, j'en sais rien, mais moi j'ai la baie vitrée qui, à chaque fois qu'il y a une grosse rafale de vent, la baie vitrée qui manque pas de s'ouvrir. Ah ouais, carrément. Sur le balcon, il y a des chaises qui ont volé, il y a le barbecue qui a fait tomber. Enfin, putain, bon, en même temps, il sert à rien le barbecue là, on est en hiver. Donc, ouais, voilà, c'est ça, mais bon. Ouais, il faut le prendre en rigolant au final. Mais bon, en tout cas, dites-nous. Dites-nous ça. Matin, pas d'électricité en plus. Ouais, c'est clair. Bah, dites-nous comment ça s'est passé chez vous là, on peut en parler ce soir. Il y a Sun Sun aussi sur le Twitter qui dit j'écoute que si c'est en direct, j'écoute pas encore. J'ai compris. J'écoute que si c'est en direct, j'écoute pas encore. Bah oui, Sun Sun. En direct. Il y a Sean Yubega qui dit c'est super d'être avec vous, un message de bienvenue possible bien dégueulasse tout à l'heure parce qu'il est 20h23, c'est dire réveillon de Noël et tu sais bien que le CSA nous empêche de dire, en gros, il nous empêche limite de faire parler Toff avant 22h30. C'est ça. On prend quand même le risque. On prend le risque, mais on verra. Bon, c'est pas esprit de Noël tout ça, moi je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va faire les échanges de cadeaux également tout à l'heure. Hein. Si vous avez reçu un cadeau pourri ou si vous êtes sûr de le recevoir, eh bien vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et on fera les échanges de cadeaux tout à l'heure. Mais attention, c'est un vrai échange de cadeaux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer à l'antenne, vous allez nous prouver que c'est vous qui devez avoir un échange de cadeaux et pas un autre, par exemple. Et puis, il va falloir vraiment nous envoyer le cadeau pourri. Et nous, moi, je vous l'échange pas contre un truc si je reçois pas le vôtre. Hein. Toff, par exemple, vas-y. T'as reçu quoi comme cadeau ? Bah j'ai reçu un très très beau costume. Et ben on va l'échanger parce qu'il est très laid. Voilà, voilà. C'est ça. Et pourtant c'est moi qui l'ai payé. Oui. T'as un beau costume. Tu t'es pas ruiné. Hein. Non bah, oh bah oui, mais bon écoute, mais c'est pas grave. C'est pas le prix qui compte. C'est l'intention. C'est vrai. Exactement. Exactement. Et ça m'a touché que tu m'offres ce beau costume. Bah t'as vu un peu. Hein. Bon Marine, reste avec nous. On a on a les appels aussi. Je suis bête là. Toi qui va se faire. Mais oui. Qui va essayer de se faire inviter. Bah oui. Bah puisque c'est réveillon. De quoi? Je l'invite, moi, si vous. Ah, c'est vrai. Avec ou sans costume. Ça porte de suite, en plus. Ah, bah moi, cool. Moi, j'ai le costume de Mère Noël. Voilà, ah, bah on sera bien. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. Bon, du coup, on va essayer de se faire. Enfin, Toff va essayer de se faire inviter quelque part hein, pour réveillonner. C'est l'esprit de Noël quand même, voilà, c'est ça, merde. Après c'est tout. Beau. Exactement, c'est il faut que ce soit beau. Bon, reste avec nous Marine, on va appeler le premier ce soir, là, tous les numéros, vous n'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui sont bah forcément encore debout, il y en a qui vont passer le réveillon, donc ils seront debout relativement tard, au moins jusqu'à minuit. Donc n'hésitez pas à nous donner ces numéros de téléphone là sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et on les appelle tout au long de la soirée. C'est parti premier. Allons-y, faisons nous plaisir. Allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier maintenant. Reste avec nous Marine, ne bouge pas de là. D'accord. On aura la colle, on a Tom, il y a Dounia aussi dans le standard là, on va prendre dans quelques minutes. Ah. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si je pouvais venir passer Noël chez vous. Mais t'as vu la Vierge toi mon gars. Bah non, pourquoi j'aurais vu la Vierge monsieur? Ah il a raccroché, très bien. Bon, ah bah quel homme sympathique. Ouais, oui, très gentil. Bon on le rappelle. Allez hop, c'est reparti, on le rappelle. Qu'est-ce que t'as? Bah non mais c'est pas esprit de Noël ça monsieur. Mais je m'en fous, esprit de Noël ou pas, tu t'invites pas chez moi, ouais. Bah si, c'est ça l'esprit de Noël, monsieur. Ah, y a plus. Mais non, monsieur, allô. Mais lui, il fête déjà, lui, je crois qu'il est déjà au nouvel an, lui, hein, vu comment ça crée. Ouais, ouais, c'est vrai. Bravo ouais. Bon, on le rappelle. Allez, c'est reparti. Allez. Allez, monsieur. Oui. Ouais, bah c'est vraiment pas sympa monsieur. Non t'es qui? Bah moi je m'appelle Toff. Toff qui? Bah Toff comme Toff et bon voilà, moi j'aurais trouvé ça sympa qu'on passe Noël ensemble. Bah devine où je suis hein, et viens vas-y hein. Bah je sais pas moi où vous êtes, vous allez me le dire, comme ça on se retrouve. Mais oui c'est ça. Bah oui, bon, c'est ça l'esprit de Noël monsieur. Oui, c'est ça l'esprit de Noël. Bah oui voilà, alors vous êtes où? Non mais lui il est déjà vraiment un nouvel an, lui, hein. C'est un bizarre quand même. Je sais pas où il est mais ouais bah, c'est la fête. Hein. Ouais, c'est la fiesta effectivement. Bon on le rappelle encore un coup quand même du coup hein. Allez. Ouais je sais pas quoi, c'est encore ça? Non mais c'est parce que voilà vous m'avez pas dit où on se retrouvait pour Noël. Bah viens à Puy-Saint-Vincent. Ah vous êtes à Saint-Vincent alors? Non Puy-Saint-Vincent. Puy-Saint-Vincent d'accord mais on se retrouve où à Puy-Saint-Vincent? Oh sur les pistes à 1004 hein. Ah, sur les pistes à 1004? Qu'est-ce ouais sur les pistes. Mais vous, mais vous êtes sur la piste? Bah ouais. D'accord, donc on se retrouve sur la piste alors. Voilà. D'accord, ben j'arrive alors, à tout de suite. Ok, à tout de suite hein. Putain. Connard. T'as reconnu non mais le pire c'est qu'il a l'air de s'éclater là avec la musique derrière. Ah ouais, opérette, là. Oh là là, une petite opérette sympathique comme ça on était bien. Tiens bon bah on appellera d'autres tout à l'heure là, d'autres personnes évidemment si vous avez des numéros de téléphone à nous donner pour qu'on les appelle ce soir pour bah, qu'on s'invite en fait tout simplement. Hein. N'hésitez pas sur le mail de Toff, vous envoyez ça maintenant, toph@funradio.fr. Sophie qui dit joyeux Noël et bonne fête, merci Sophie, Selena également, vous nous remontez le moral, merci Selena également. Gros bisous Ricardo qui dit sale Père Noël. Oui c'est la gueule de Toff que vous pouvez voir hein, sur le Facebook de l'émission facebook.com/michaelofficiel et Benjamin qui dit on dirait mon grand-père lol. J'embrasse et joyeux Noël Jérôme le boss et Barbara Polo hein. Ah c'est Polo. Quel susbite celui-là alors. Oh là là, je me dis tiens c'est marrant hein. C'est marrant, il embrasse Jérôme, le même boss que le même nom que notre boss, Barbara également et Polo, c'est bizarre. Baptiste également qui dit gros bisous de Bretagne, joyeux Noël et vive la musique bretonne. Fais attention, contrôle Bignou ce soir sur les routes. Ouais, faites gaffe aussi hein, si jamais vous allez prendre la route là, on sait jamais. En plus avec le vent, bref, tout ce qu'il faut pour avoir des emmerdes. On va sur le jeu de la rupture également ce soir. En plus, on va être bien ce soir, on va appeler dans tous ceux qui réveillonnent, là, ça va être cool. Donc si vous voulez jouer avec nous au jeu de la rupture, on va jouer dans quelques minutes. Eh ben appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Belgique. Le principe est simple, hein, donc vous allez être deux auditeurs, vous allez vous affronter, vous appelez chacun à votre tour quelqu'un au hasard, garçon, fille, vieux, jeune, peu importe, on sait pas, on ne saura pas à l'avance. Et si vous êtes capable d'avoir une conversation la plus longue possible avant de vous faire accrocher au nez, une conversation de rupture, eh bien vous repartirez avec un cadeau. Voilà, donc si vous avez envie de jouer avec nous, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On fera les échanges de cadeaux également dans quelques minutes. Il y a Dounia également de Lyon là. Salut Dounia. Salut. Comment Salut. Ça va? Ça va et vous? Eh ben ça va bien. Dounia t'appelle de Lyon toi? Ouais, très bien. Alors qu'est-ce que tu fais ce soir Dounia? Bah rien. Bah alors comment ça se fait? Bah je sais pas, je suis bien avec vous. Oui, ah. Non mais t'as raison hein, Dounia, c'est bien, reste avec tout seulement hein. En plus toutes les autres radios vous ont abandonné comme des merdes, ouais. Donc bah forcément il y a un moment. Scandaleux. D'ailleurs on récupère tout le monde, hein. Soyez les bienvenus, si vous venez d'autres radios là, Mickaël, c'est moi en l'occurrence, il y a Polo, il y a Toff, il y a Sandro, il y a le stagiaire, mais bon de toute façon lui on va pas le citer avec son bonnet du Père Noël, il est moche. Et nous on fait pas de différence, vous êtes tous les bienvenus. Exactement, ouais. Voilà, vous pouvez venir de n'importe quelle radio, on n'est pas raciste. Venez comme vous êtes. Voilà. Exactement. Vous êtes naturels et nous aussi. Et on est là tous les soirs de 23h à 2h en temps normal, ouais. Et le dimanche de 20h à minuit, sauf évidemment ce soir où on réveillonne avec vous depuis 20h et au moins jusqu'à minuit. Bon bah Dounia, bah du coup tu vas rester dans le standard un petit peu avec nous. Ouais bah oui. Tout comme Marine qui est là également, là, son mec il travaille, le petit il dort, donc du coup bah elle fête Noël toute seule. Enfin, ouais. L'occurrence, elle ne fête pas Noël. Bon, comme bah, chaque année. Eh bah comme chaque année c'est en plus. Jamais Noël en plus, c'est vrai. Non, eh bah voilà, comme ça tu passes Noël en famille avec nous. Oui mais voilà, ça impeccable. En plus tout à l'heure tu verras, on va vous passer un canular qu'on a eu l'occasion de faire pendant l'année. Où, est-ce que t'as entendu le canular où Toff s'est pris pour un grand acteur? Moi j'en avais entendu un où il faisait semblant de se faire tuer, je sais pas quoi là. Bah, c'est ça. Il y avait celui-là effectivement où à un moment il commence à gueuler là. Ils ont buté les deux. Voilà c'est ça. Ils ont buté les deux avec petit extrait hein. Allô. Ils ont buté les deux. Voilà c'est ça, bon, on le remettra dans quelques minutes, donc restez là puisque vous l'aviez demandé. Il y avait Yoann aussi qui nous avait fait rire là, c'était SDF là, qui t'avait appelé là complètement bourré. Qui ça? Ah Gilou. Je sais pas comment il s'appelait là, il voulait pas te lâcher. Il voulait pas te lâcher et il était chiant, t'avais essayé de dire de partir et à chaque fois il te disait oh, je vous aime et tout ça. Je sais plus comment il s'appelait déjà. Je sais plus, il y a un mois de ça et C'est celui-là? Je te sucerais le sang et tout. C'est cette voix là? Je crois, ouais. Ah bah voilà, mais c'est Gilou. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? C'est pas SDF, mais pas du tout. Michel. Mais c'est Gilou, qu'on récupérera tout à l'heure. Gilou, si tu nous entends, appelle-nous, là, 01 42 48 5000, s'il te plaît, là. Bon, bah restez avec nous, on va se mettre le son de Jason Derulo maintenant avec Marry Me. Alors c'est bien, c'est une bonne chanson ou pas du tout déprimante? Non, si c'est tout beau. Seul là. Ouais, on est avec vous, mais oui, au cinéma, là. On est amour. Voilà, Jason Derulo, c'est Marry Me, Mickaël No Limit en direct sur Fun. 105 is the number that comes to my head. I plan it all. Jason Derulo sur Fun Radio avec Marry Me. Bienvenue si vous venez d'arriver là, Mickaël No Limit. On est en direct, 20h35. La seule émission en direct. Mais oui, France, on est là. Belgique, on est les seuls à être en direct. Puisque tous les autres, évidemment, sont soit en best-of, soit ils ont mis de la musique, soit ils vous font croire qu'ils sont en direct. Mais en fait, il n'y a personne. C'est vrai, c'est quand même scandaleux. Et ça, c'est beau. Autant dire les choses, autant être franc, autant être honnête. Nous, on est honnête. On est là, on est en direct avec vous jusqu'à minuit, tranquille. Il y a Jean-Edouard aussi qui dit un message de bienvenue pour Benjamin qui bosse avec moi et qui vous découvre. Boulanger pâtissier, on est avec vous, les potos. Eh ben merci beaucoup. Attends, tu as un petit message pour un nouveau, tiens. Bah tiens, voilà. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, hop, bienvenue au boulanger. Hein. Il y a Tommy aussi qui dit je vous aime Mickaël, Polo, Sandro et Toff parce merci. Que Noël, c'est bien de passer Noël avec vous. Avec Mickaël No Limit, joyeux Noël et bonne année à tous. Merci beaucoup. Manu également, je déteste les périodes de fête, les repas de famille interminables et le reste, mais heureusement, Mickaël est là ce soir. Bah oui, heureusement que vous êtes avec nous aussi. Et Let's Be Freaks qui dit comme Toff, j'ai pris mon plastic bag pour ma paire de chaussures de rechange car les talons vont vite faire mal aux pieds. Ah oui, ça c'est sûr. Et Megumi qui dit bonsoir mes cochons, que j'aime, bonne fête à vous. Je sens que ma soirée va être longue. Bah qu'est-ce que tu fais Megumi? C'est ça la question aussi qu'on peut se poser là. Continuez à envoyer vos messages, on va se remettre le canular avec le ils ont buté les deux dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Et puis on va faire aussi le jeu là de cadeau pourri dans quelques minutes. Et puis on va également aussi se faire le jeu de la rupture. Mais avant ça, bah du coup c'est parti pour les cadeaux pourris. Hein. Alors Théo, Evan, David, comment ça va tous les trois? Salut. Ça va bien? Salut. Bon alors ouais. Théo qui appelle de Villefranche de Rouaigue, c'est ça? De Rouaigue. De Rouaigue, c'est dans l'Aveyron. Oui. Très bien, il y a Evan de Nantes. Salut. Ça va Evan? Salut. Ça ouais. va Evan? Oui, ça va. Très bien. Et enfin David de Sarcelles. Salut David. Comment ça va? Ça va. Bon, tranquille. Bon, alors, vous voulez échanger votre cadeau pourri contre un PC portable, si j'ai bien compris. Ouais. Bon. Voilà. Ouais. Alors, écoutez bien, vous qui êtes derrière la radio, puisque je vais avoir besoin de vous, c'est vous qui déciderez lequel des trois doit échanger son cadeau. Ah. Donc, alors, il va falloir envoyer le hashtag Mickaël sur le Twitter ou le Facebook, ou alors directement nous envoyer votre SMS en envoyant Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Vous devez voter pour Théo, Evan ou David. Alors, Théo, qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau? Bah en fait je suis pour l'OM au foot et j'ai reçu un ballon du PSG. Oh les enculés, qui t'a offert ça? Oh c'est bon ça. Non c'est un beau cadeau. Mais non mais quand t'es pour l'OM c'est scandaleux, qui t'a offert ça? Ma grand-mère. Oh là là, t'es gentil. Ouais mais elle y connaît rien. Elle savait pas en fait, elle a voulu l'OM et on lui a filé un PSG ou elle a pris le premier qui passait? Je sais pas. Oh là là là là. Bon, et Evan, t'as reçu quoi toi? Bah moi j'ai reçu une boîte de crème couleur. C'est bon. Ah c'est bon ça. Oh la honte. Mais c'est un super cadeau Eva, tu vas pouvoir faire des dessins pour ta maman. Déjà pour les courses. Des crayons de couleur, c'est génial. Oh c'est dur. Oh c'est très très dur. Ils sont bien foutus de ta gueule là. Complètement ouais. Et David, t'as reçu quoi toi? Moi j'ai reçu un Monopoly. Ah ouais Monopoly. Mais c'est bien Monopoly. Bah oui. Hein, tu vas te marrer. Bon après si t'es tout seul tu galères. De quoi? J'ai pas 7 ans. Non mais attends, Monopoly c'est à tous les âges hein. Monopoly c'est jusqu'à tout vieux hein, que tu peux jouer à ça. C'est pas les 7 ans, hein, c'est un peu compliqué. Ouais parfois. C'est même plus ouais. Mais après quand t'es tout seul évidemment c'est plus compliqué de jouer à ça. Bon très bien, alors attention. Votez maintenant, allez-y, hashtag Mickaël ou alors par SMS vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Il faut voter pour Théo, pour Evan ou pour David. Théo, pourquoi est-ce qu'on devrait t'échanger ton cadeau contre un PC? Donc toi t'as reçu le ballon du PSG. Ouais, parce que déjà j'ai plus de PC et que le ballon du PSG c'est nul, je sais pas quoi en faire et j'ai envie de vous le donner. D'accord. Evan? Bah moi parce que j'ai déjà des crayons de couleur pour les cours et en plus j'avais commandé à la base un PC. C'est énorme, des crayons de couleur. Ah ouais, ça y est, qui t'ont bien enfumé quand même, hein, le PC ou le PC, ah ouais, le PC ou les crayons de couleur. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Et David? Parce que moi j'ai plus 7 ans et j'aimerais bien changer pour un PC. D'accord, donc toi c'est le Monopoly. Bon, à vous de jouer maintenant, Théo, Evan ou David. Lequel doit nous renvoyer son cadeau et on lui enverra un PC portable, un netbook. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Vous nous rejoignez évidemment en envoyant aussi un SMS si vous voulez. Hein, tapez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. Théo, Evan, David, ne bougez pas de là. Marine, okay. Si t'avais l'occasion de voter, tu voterais pour qui toi? Qui doit échanger le cadeau là? Théo, Evan ou David? Bah Evan, il fait pitié avec ses crayons de couleur. Non mais l'arnaque quoi, un PC comme crayon de couleur. Non j'avoue. Dans l'affaire on est plus roulé hein, parce qu'on fait un PC portable contre des crayons de couleur, mais enfin oui, bon soit. C'est vrai, c'est bon, mais attends, bon. C'est des beaux crayons de couleur, il y en a beaucoup. Ou c'est des crayons de merde? Allô? Evan? Evan? Evan? Oh il est sourd. Evan? Non mais Evan, il est sérieux Evan? Ou alors ça a coupé, attends, on va... Ah oui, non, ça a coupé, autant pour moi. Attends, on va le rappeler en direct, là, Evan. Ça a coupé, autant pour nous, ça vient juste de couper à l'instant, c'est pas grave. Donc oui, c'est scandaleux. Et toi, Dounia, tu voterais pour qui, du coup? Pour celui qui a les crayons de couleur. Les crayons de couleur aussi, avec Evan, très bien. Bon, alors, à vous de jouer, les autres, hein. N'hésitez pas, évidemment, bien sûr, hashtag Mickaël. Merde, c'est le répondeur. Bah, pour l'instant, c'est pas lui, du coup. Hein. Bon, on verra. En tout cas, Théo et David, vous avez de la chance, ça décroche plus pour Evan. Pour l'instant, on en est où dans les votes, là? C'est plutôt c'est quoi? Evan, hein. C'est Evan, ouais. C'est plutôt Evan et les crayons de couleur. Mais vous avez, bah, pour l'instant, c'est pas lui, parce que s'il décroche plus, on prendra évidemment le deuxième, là, pour le coup. Donc, restez bien avec nous. Oui, Dounia, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a Théo aussi hein, un petit peu. Théo un petit peu aussi. Ouais, bon. David moins. Bon bah Dounia et Marine, restez avec nous. Théo reste avec nous avec le ballon du PSG. Evan c'était les crayons de couleur et David avec le Monopoly. Donc on va faire l'échange de cadeaux, le premier échange de cadeaux dans quelques minutes sur Fun Radio. Avant ça, évidemment, il y a Romain qui est de retour avec la colle ce soir pour repartir également avec un PC portable, un netbook. Romain, on y va. Attention, fais péter la colle. Alors c'est trois nains qui prennent un raccourci pour aller à la mine. Ouais. Ils font trois fois le tour du rocher, excuse-moi. Vas-y. L'un prend une pelle, le second la pioche. Et que prend le troisième? Alors, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer gratos sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. En plus, j'ai écrit la colle hein, sur le Facebook. Si vous voulez la lire, ce sera peut-être plus facile. C'est trois nains qui prennent un raccourci pour aller à la mine. Ils font trois fois le tour du rocher. L'un prend une pelle, le second une pioche. Que prend le troisième? Si vous avez la bonne réponse, eh ben vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 6322 depuis la Belgique. Et sur facebook.com/mikaelofficiel. Tu restes avec nous, Romain, on donne la réponse avant 10h. Ok, je peux voter aussi pour le cadeau pourri là. Ah bah vas-y, vas-y, tu voterais pour qui toi? Pour Théo, Evan ou David? Les crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'est Evan. D'accord, ok, très bien. Bon, on va essayer de le rejoindre hein, parce que pour l'instant, c'est toujours le répondeur. Je crois qu'il a plus de batterie là. Bon, on va voir. Bon, bah, reste avec nous, Romain. Ne bouge pas. Continuez les autres, évidemment. On vous reprend dans quelques minutes. Dans quelques instants également, le son d'Hardwell. Voilà, je vous cale Hardwell avec Dario sur Fun Radio. 20h42, on est en direct hein, pour le réveillon de Noël. On passe Noël avec vous. On passe Noël en famille donc. Il y a Ariel qui dit il s'est mis les crayons dans les oreilles peut-être. Il est devenu sourd. Ouais, il y a peut-être de chance aussi. Hein. Le prince Ney qui dit Evan, c'est très bien les crayons de couleur. C'est un cadeau d'une grande utilité. Ouais. Tu peux faire de beaux dessins. Il y a Ness également qui dit Evan, il est parti pleurer. Et Abdou qui dit pour Noël, j'ai reçu mon bulletin scolaire. Alors, quelle note, Abdou, le bulletin scolaire là? Je suis curieux de voir ouais, ça. Ça, on l'échange pas par contre. Non, ça, on va pas l'échanger. Allez, restez sur Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est le canular qu'on a eu l'occasion de faire il y a quelques semaines, qu'on va vous remettre dans quelques minutes. C'est Fun Radio, Mickaël No Limit. On est les seuls à être en direct ce soir pour le réveillon de Noël, les seuls à ne pas vous avoir lâché comme des merdes. Nous sommes là, j'espère que vous êtes là également. Merci en tout cas de nous écouter si vous êtes là. Il est 20h43, c'est Mickaël No Limit pour la soirée de réveillon de Noël. On revient juste après ça sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, attendez la suite. Mickaël, No Limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Ben oui, on est en direct sur Fun Radio là. Bienvenue si vous venez d'arriver, 20h48. On est en direct jusqu'à minuit, même pour le réveillon de Noël. Et oui, on ne vous l'a pas lâché. On ne vous a pas lâché. Et non, on est là. Ben oui, ouais. Pour le bulletin, 10,5. Mes parents sont pas contents. Donc argent divisé par 10, dur. Ah ouais, putain, les enculés. Ils ont divisé l'oseille par 10. C'est bien fait pour toi, t'as qu'à travailler à l'école. Ah ouais, ouais. Et la prochaine fois, tu fais 1. Parce que si tu divises par 1, t'es tranquille. Voilà. Il y a Jérémy Love qui dit bonsoir la famille. Heureux de vous voir ce soir entre cadeaux pourris et problèmes de cœur. Vous me réchauffez le cœur justement pour Noël. Eh ben merci Jérémy, bon courage à toi. Crazy Style également qui dit j'ai 14 de moyenne mais on offre des slips à cœur et mon année de 5e, je suis deg. Oh putain l'angoisse. Et DJ Coma qui dit les seuls qui ne vont pas nous laisser comme des merdes Mickaël, mais d'un côté je voudrais bien se demiser étoffe sur une croix. Oui, DJ avec plaisir. Comet, tu fais comme tu veux, hein, c'est pas un problème. Super soirée en panne de voiture. Ah oui, c'est un message qui est arrivé depuis l'application Facebook, Mickaël No Limit, ouais. Disponible sur iTunes, téléchargez-la gratuitement. Il y a Fabien qui dit je peux avoir en cadeau Sandro. Ah bah si tu veux, oui, avec plaisir, mais alors attends janvier, on va la solder. Ah, ouais. Ce serait con de la prendre maintenant alors qu'elle est chère quoi. Ah, oui. Et Megumi qui dit pour répondre à ta question de hier Mickaël, oui je ne pense qu'à toi quand je fantasme. J'attends la commercialisation du sextoy à ton effigie. Ah bah toi aussi dis donc, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui attendent que je fasse une poupée gonflable. Un sextoy à mon effigie. Bon, on va le faire. Ah, bah, le ouais, Mickaël gonflable à gonfler chez vous. Ouais. Et Guillaume qui dit salut l'équipe, je viens de le louper 45 minutes de l'émission, je suis deg dans ma voiture en direction du Québec. Je vous écoute grâce à l'appli Fun Radio et surtout grâce à ma 4G. Joyeux Noël à vous. Putain on écoute. Ça c'est fort. Allez Guillaume, il nous écoute dans la voiture au Canada. C'est génial. En 4G, ça c'est top quand même. Et Sandrine qui dit un très bon réveillon de Noël et un très bon réveillon de Noël en passage. Merci Sandrine et Shona qui dit bon réveillon tout le monde là, je prends ma douche en vous écoutant, c'est dingue. Ah bah oui Shona, oui c'est dingue, oui effectivement, c'est dingue, elle prend sa douche. Bah oui, bah voilà. Si elle veut, moi je lui frotte le dos. Non ça ira, je pense qu'elle n'est pas intéressée. Ah bon. Bon, 20h50 sur Fun Radio, on va se faire le canular avec le. Ah ils ont buté les deux dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son d'Hardwell maintenant avec Dare You. Et puis on fera également la suite avec Théo, Ivan et David là pour le cadeau pourri. Il va falloir savoir lequel va être échangé. Théo c'est pour un ballon du PSG, Evan c'était les crayons de couleur et David c'était le Monopoly. Lequel à votre avis doit gagner l'échange de cadeaux? Donc en gros on lui échange un de ses cadeaux contre un PC portable, un netbook. Voilà, pour l'instant on en est où là, en termes de vote? C'est plus Evan pour le moment. C'est plus Evan avec les crayons de couleur. Mais Théo est pas loin. Théo est pas loin. Théo est pas loin. Donc hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook. Et vous envoyez votre message aussi. Débutez le message par Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou au 30-44 depuis la Belgique. On écoute le son d'Hardwell maintenant sur Fun Radio. Hardwell avec Dare You. Bonne soirée. Le son d'Hardwell sur Fun Radio avec Dare You. Et puis dans la prochaine heure, je vous calerai aussi le son d'Asie. Avec Born Again, ce sera Asie. Il y aura aussi Gaga avec Do What You Want. Et je rappelle qu'il y a toujours la photo de Toff en mode Père Noël, hein, puisqu'il est habillé en Père Noël ce soir. Si vous voulez aller voir ça, facebook.com/mikaelofficiel. N'hésitez pas, évidemment, ça vaut pas du tout le détour, hein, mais si vous avez que ça à faire, allez voir. Hein. facebook.com/mikaelofficiel, il y a Claudia qui dit je pense bien fort à vous, je pars au boulot. Oh, bah Claudia, alors tu fais quoi, dis-moi. Il y a Caroline aussi. Caroline qui dit toujours le fun de vous écouter en direct du Québec. Encore ? Ici il est 14h51. Joyeux Noël à toute l'équipe de fun. Arrêtez jamais votre énergie. Ah bah merci Caroline, c'est gentil. Et puis il y a Cédric aussi qui dit même si je vais gagner le plateau de fruits de mer, il faut vraiment que j'écoute le canular, il est terrible. Bon, on va se le mettre dans quelques minutes le canular justement. Et Bébé Face aussi qui dit salut la famille, merci pour votre bonne humeur. Un message de bienvenue pour moi également. Bah gros bisous, oui d'accord, ok pour le message de bienvenue, on va te le mettre. Faut qu'on appelle Karima aussi là, c'est vrai qu'elle dit qu'elle passerait. Qu'on devait l'appeler en direct. Bon, on va le faire, pas de problème. Bon, alors un petit message de bienvenue. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse porter. T'as compris, enculé? J'adore. Eh, voilà. Ça passe bien, non? Ah, il passe crème celui-là. Ah, ah, il passe crème. Bon, vous êtes là, David, Evan, ouais, Théo. Ouais, on est là. Vous êtes tous là, très là, bien. Là. Donc, premier échange de cadeaux. On en fera d'autres évidemment tout au long de l'émission. On échange votre cadeau contre un PC portable. C'est un netbook qu'on vous offre. Théo qui a échangé son cadeau contre un ballon du PSG, Evan qui l'a changé contre des crayons de couleur et David qui l'a changé contre un Monopoly. C'est pour moi. Je tiens, les votes sont clos, ouais. David, plus la peine de faire de la lèche. Donc je disais que, attention Théo, David et Evan, on enverra votre cadeau à partir du moment où on aura reçu le vôtre. Ah oui, pas de soucis. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, non j'ai pas confiance en vous. Voilà. D'accord. Soyons honnêtes. Bon, alors, ladies and gentlemen, le premier n'est pas David. Oh, ah ouais. Désolé David. David, tu vas garder ton Monopoly, hein. Bon, c'est bien Monopoly, ouais. Tu vas voir, c'est cool. Bah ouais, tu feras une partie avec la famille. Mais oui, tu vas faire une partie avec la famille, ça va être cool. Bon David, je te souhaite une bonne soirée, un bon réveillon de Noël quand même, une bonne année. Et joyeux Noël. Salut David. Salut, joyeux Noël. Allez, à bientôt David, ciao à toi. Ouais. Théo et Evan. Oui. Ouais. Il y en a un, vous deux, qui va repartir avec le PC portable, je vous le dis direct. Ouais. Alors, j'aurais une tendance à préférer récupérer un ballon de foot que des crayons de couleur. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on pourra plus foutre le bordel à la radio. Ça aurait été quand même plus sympa. Mais malheureusement, pour moi en tout cas, c'est Evan qui gagne le PC portable. Bravo, Evan. Voilà, donc Evan. Ouais. Il va falloir nous envoyer ton pot de crayons de couleur là. Hein. Ouais, et dès qu'on l'aura, on t'enverra le PC portable. Ok, mais juste votre adresse, c'est 20 rue Bayard à Paris. Ouais, t'inquiète, Sandro va te donner tout ça pour être sûr de l'orthographe et tout. Okay. On va te filer ça hors antenne. D'accord, Evan? Okay, et embrasse tes parents. Mais oui, exactement. Ouais. Et, salut Evan et bonne joyeuse fête. Bah voilà, le premier qui repart avec le PC, on en fera un autre dans une heure. Oui, Théo. C'est possible de faire une dédie avant un pack fan, s'il te plaît? Oui, alors à une seule personne, hein. Attention, tu connais la règle? Bah, dédie à tout le collège Saint-Joseph, ma famille qui m'écoute. Très bien, bah, on embrasse le collège Saint-Joseph, c'est où ça, le Saint-Joseph? Très bien. Eh ben voilà, on embrasse tout le monde là-bas, il y a pas de problème. Salut Théo. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, on va t'envoyer ça. Aucun problème. Salut, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi et bonne fête à toi aussi Théo. Bon, on va se faire la colle aussi dans quelques minutes. Dounia et Marine, vous êtes toujours là? Oui. Très bien, bah alors impeccable, oh. Dounia et Marine qui vont pas bouger puisqu'elles sont là seules ce soir, donc c'est pas grave. On aura Salah aussi qu'on a eu hier soir en speed à l'antenne là. Salah qui est avec nous, salut Salah. Allô. Salut Salah, comment ça va? Salami, ça va. C'est drôle ça, c'est drôle, qu'est-ce qu'il est mauvais celui-là en termes de vache. Ouais, oui. C'est ça, ouais. Bon alors, Salah de Marseille, qu'est-ce qu'on va faire avec toi dans un instant, dis-moi? Ben, ce que vous voulez. D'accord, ok, va très bien. Fais attention, dis pas ça à Toff parce qu'il pourrait te faire des trucs dégueulasses. Hein. Ah bah moi. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Non mais apparemment, tu voulais qu'on appelle une meuf, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est quoi l'histoire en deux mots? Pardon? C'est quoi l'histoire en deux mots? Ben l'histoire en deux mots, c'est que en fait voilà, je l'ai rencontré sur le net. Ouais. Et j'essaie de l'appeler. T'as vu au début, bon, on tchatche ensemble, tout ça, et j'essaie de l'appeler. Elle répond pas au téléphone. Et après, ça l'a pas fait. Voilà, c'est ça. Non, ça Bah, écoute, on va essayer de gérer ça, Salah. Ne bouge pas de là. En attendant, on va écouter le canular qui a mis Toff au taquet, bien évidemment, ouais. Hein, bien entendu, avec ce, ils ont buté les deux. Nouvelle carrière. C'était exactement. C'est Fred qui est avec nous pour le canular. Là. Salut, Fred. Bonsoir. Je voudrais faire un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, c'est 20 ans, on a envie de. Ah, c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup. Ouais, d'accord. Un petit coup de pipe, ouais. Bon, bah très bien. Pipe ou un coup de pipe? Ouais. Les deux, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, mais très bien. Bon, écoute, on va l'appeler, mais est-ce que t'as une idée, un truc en particulier? Je voudrais peut-être faire une fusillade, une soirée en fait, un ami à moi qui aurait tiré

Okay. Wow. Okay, come on, motherfucker. You speak so well English. Yes, of course. Allez, il est 9h15 sur Fun Radio. On est en direct avec les échanges de cadeaux dans quelques minutes. On fera des appels encore avec Toff, hein, puisqu'il essaye de s'inviter chez les gens. Oui, pour le Noël. Réveillon. Exactement. Je ne sais pas quoi faire ce soir. Et on fera encore d'autres échanges de cadeaux pourris dans quelques minutes. On va également s'écouter le son de Lady Gaga. Lady Gaga avec Do What You Want. Et puis je vous rappelle que si vous voulez vous envoyer un petit message par SMS, il suffit de démarrer votre message par Mickaël suivi de votre message et vous envoyez ça au... Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Tous les soirs 23h-2h, Mickaël, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Et oui, pourtant c'est bizarre, hein. Pourtant c'est soirée de Nouvel An et on est quand même là. C'est Noël. De Noël, pardon. Ouais. Et on est quand même avec vous là en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. On est en direct donc 20h minuit ce soir. On reprendra l'horaire normal évidemment dès l'année prochaine. Hein. Dès l'année prochaine. Enfin bref, quand on sera de retour quoi. Donc à partir de lundi prochain. Si vous voulez balancer vos messages 23h-2h du lundi au jeudi et de 20h à minuit tous les dimanches. Un message de Selena qui est arrivé. Vous êtes trop con, c'est trop bien fait. Kelly qui dit réveillons avec la famille, ça fait plaisir, on vous écoute, gros bisous, et ben on embrasse tout le monde chez Kelly là. Patricia également, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Claudia aussi, je pense bien fort à vous, je pars au boulot, je suis infirmière. Oui, nous sommes malades, Claudia. Oui, ah oui, regarde, je tousse. Oh, qu'est-ce qui est mauvais acteur. Et Maxime qui dit je suis en famille ce soir, mais je préfère être avec vous, vous êtes au top. Et Ambre aussi, moi pour Noël, j'ai eu un jambon cru. Ah c'est bon ça. En fait mes parents m'ont annoncé qu'on partait à Venise. Oh ça va, ça va. Et Océane aussi, vous gérez, joyeux Noël à toute l'équipe, bisous, merci beaucoup Océane. Tous les messages aussi qui arrivent en direct évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. N'hésitez pas, il y a un Samsung Galaxy Tab 3 à gagner ce soir uniquement sur le Facebook. Donc c'est parmi les Facebookiens. Voilà, donc ceux qui vont faire un like et un partage sur la photo où je pose avec cette magnifique tablette Samsung Galaxy Tab 3. Si vous voulez la choper, c'est facile, rencard sur le Facebook, vous faites un like et un partage de la photo où je suis avec la tablette. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite bonne chance. Il est 9h18, on est en direct sur Fun Radio. On aura dans quelques instants Ismaël, Sébastien, Priscilla pour les cadeaux pourris. On aura Madame Son aussi dans quelques minutes. On aura Salah le retour. Et puis on fera encore des appels avec Toff. Le temps d'écouter le son de AZ maintenant sur Fun Radio. C'est Born Again. C'est Fun Radio avec le son de Asie à l'instant, c'était Born Again sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez, 9h22, on est en direct même si c'est le réveillon de Noël. Il y a Benoît qui dit bon réveillon à tous les auditeurs, il y a toute l'équipe de Fun. Je garde tout de même une pensée à tous mes collègues en poste. Il y a Alexandre qui dit je vous écoute car mes parents ont mis la télé, c'est nul. Le mieux c'est vous, merci beaucoup. Message de bienvenue également, une petite dédicace aussi pour Toff. Cause toujours enculé. Voilà, et le prince qui dit j'espère qu'il y aura un bon remix de Mickaël comme cadeau, ça ferait plaisir. Bah pourquoi pas, tiens, pourquoi pas. Ariel également, il s'est mis les crayons dans les oreilles. Ah oui, ça c'était tout à l'heure, ça, le message qu'on avait lu. Mickaël, ça fait plaisir de vous écouter pour ce réveillon. J'ai l'impression de me sentir moins seul au boulot. Oh. Au moins une radio qui donne du plaisir aux auditeurs en cette soirée. Bonne soirée à vous, c'est Benoît. Merci Benoît et Fabien qui dit je peux avoir un cadeau en cadeau la photo de Sandro. Oui, si tu veux, bien sûr. Et Fabienne qui dit Gilou, il réveillonne tout seul ce soir. Il faut l'appeler qu'il reste pas tout seul en tête à tête avec le père de ses gosses. Oui, on va essayer de l'appeler tout à l'heure. On va essayer de l'appeler tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Bon, allez, bienvenue si vous venez d'arriver. On va se faire dans quelques instants encore un petit échange de cadeaux. On aura Madame Son comme promis. On aura Ismaël, Sébastien et Priscilla pour les échanges de cadeaux. Et puis, bah, Toff va toujours se faire essayer en tout cas de se faire inviter. Hein. Bah oui, parce que je sais pas où manger ce soir. Bah, c'est ça, voilà. Donc, on va faire des appels grâce au numéro que vous nous avez envoyé évidemment tous les. Soir hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On fait l'appel là ? Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Toff tente de se faire inviter ce soir, donc bah, pour réveillonner, hein, pour éviter de réveillonner tout seul. Allez. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si je pouvais venir passer Noël chez vous. C'est une plaisanterie ou pas? Ah, ah non, pas du tout, madame. Je suis très sérieux. Ah bah écoutez, moi je pense que c'est plutôt une plaisanterie, monsieur. Bah non, c'est parce que je savais pas quoi faire et du coup je me disais que peut-être je pouvais venir chez vous. Mais pourquoi faire chez moi? Bah je vois pas le. Déjà je vois pas comment vous avez mon numéro de téléphone. Non, bah, vous avez fait à manger pour Noël? Non. Vous avez rien fait à manger? Eh non, pas du tout. Bah vous allez chez quelqu'un alors? Non. Vous allez rester toute seule chez vous? Oui. Bah voilà, alors c'est l'occasion, comme ça on mange à deux. Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que. Bah parce que quoi, madame? C'est pas esprit de Noël, tout ça? Eh bah, chacun esprit de Noël comme il a envie. Bah oui, mais c'est pour ça, faisons esprit de Noël à deux, comme ça au moins on est ensemble. Oui, c'est ça, oui. Bon, ah. Allez. Bah alors, on se retrouve à quelle heure? Ah bah on se retrouve pas apparemment, hein. Ça veut dire qu'elle a pas envie de toi, c'est bizarre, hein. Non mais rappelle-la, ouais, c'est pas cool, ouais. C'est pas cool, il est seul ce bouffon et personne là, veut de moi. C'est tête de merde est seul là et personne n'en veut, c'est dingue. C'est scandaleux. Bon, on rappelle, allez hop, c'est reparti, on y retourne. Bon, j'espère que tu vas te faire réussir à te faire inviter quand même. Bah j'espère. Bah oui, c'est ça. Allez. Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'étais avec votre femme et je lui proposais de venir passer Noël avec vous. C'est ma mère déjà. Et ah pardon. Non. Bah voilà, alors peut-être que comme ça on pourrait passer ça en famille, on aurait l'impression d'être ensemble. Voilà, c'est ça. Allez, non, ciao. Bah pourquoi non monsieur? C'est pas esprit de Noël ça? Ah non mais il s'en fout, il a nouveau raccroché. Bon, on le rappelle? Bah oui. Bon allez, c'est reparti, vrai. On le rappelle encore un coup, ça a dû couper malheureusement. Une catastrophe, en plus on est tombé sur le fils là, c'est parfait. Reste plus que le mari, on est au top. Oui, monsieur, c'est pas esprit de Noël, tout ça. Eh, tu comprends pas, espèce d'enculé de fils de pute? Bah si, mais ça, c'est l'esprit de Noël. Bah non, c'est pas esprit de Noël tu du tout. Tu veux que je te foute... Tu veux... C'est l'esprit de Noël, ça? Bah non, monsieur, c'est pas esprit de Noël. L'esprit de Noël... J'en ai rien à branler de ton esprit de Noël, espèce de fils de chienne. D'accord? Allez, mais ciao. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, monsieur? Cause toujours, enculé. Ah, il est chaud, lui, hein, il est chaud. On va le rappeler, attends, une seconde, parce que là, il est juste à point. Faut juste pas l'avoir trop cuit, mais... Attends, on le rappelle. Ah, il est au taquet. Monsieur, je comprends vraiment pas pourquoi vous le prenez comme ça. Bonjour, donc je suis une autre personne, un peu plus calme. Je suis aussi lieutenant de gendarmerie. Oui. Donc je vais vous demander de bien vouloir arrêter d'appeler, sans quoi je vais en référer aux collègues. On va vous remonter et on va voir ce qu'on peut faire pour... Je sais pas... harcèlement, entre autres choses. Oui, mais par contre, parce que vous êtes sûr que vous pouvez le faire, monsieur, ou pas? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on me promet et j'ai toujours rien eu. Donc là, j'aimerais. Ce serait mon cadeau de Noël, ça me ferait. Peut-être parce que vous êtes tombé sur d'autres personnes, mais je vous assure, si je commence à m'y mettre, moi, je vais vous retrouver, je vais vous pister, donc il n'y aura pas de souci. Mais promis. Par contre, après, oui, je vous promets que vous allez passer un très joyeux Noël si vous c'est continuez vrai comme ça. Mais promis. Oui. Bon, et ben. Continuez comme ça, me prendre pour un con. Et je mais non. Ça, vous allez avoir le droit, non pas à une petite brigade départementale. Non, bah non. Par contre, je pense qu'avec mes collègues de la brigade de la gendarmerie mobile, on va bien s'amuser. D'accord. Vous allez voir, on est très chaleureux nous. Mais vous venez me chercher ce soir ou pas? Ah bah si vous continuez comme ça, il y a de grandes chances. C'est vrai? Bon bah, bah écoutez, parce que moi ça fait plusieurs fois qu'on me promet, qu'on me dit ouais machin, des plaintes, tout ça, et j'ai rien. Et voilà, moi j'aimerais bien une avant la fin de l'année quoi. Bon autrement, on peut faire autrement si vous voulez, oui. Parce que vous me donnez votre adresse, puis on passe directement. Bah d'accord, alors je suis 20, rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Hein, et donc c'est dans le 8ème à Paris. Oh, le 8ème à Paris. Oui, c'est un très bel immeuble, vous allez voir. Il n'y a pas de souci. Par contre, n'étant pas sur Paris, je vais transférer ça à mes collègues. Vous allez voir, la gendarmerie de Satori, c'est les meilleurs. D'accord. Eh ben, je les attends alors. Hein? Bah, attendez. Hein? Voilà. Et surtout, passez un très mauvais Noël. D'accord. C'est pas esprit du tout Noël, ça, monsieur. Mais j'espère quand même avoir de vos nouvelles. Ah, j'allais dire que c'est pas esprit Noël. Là, il te souhaite un mauvais Noël. Oui. Une honte. Cause toujours. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Écoute, ça se fait pas. Je suis désolé, il y a un moment. Ça se fait pas. Mais c'est bien parce que cette semaine, on a quand même rencontré pas mal de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Je t'emmerde. Voilà, on a eu également rencontré celui-là. Non, mais vous êtes une ordure. Elle était très gentille. Puis après, il y a eu aussi ce dégueulasse-là. Je suis désolé, c'est pas esprit de Noël. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé. De gay. Comme ça, t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? C'est pas esprit de Noël non plus, ça c'est. Ah mais ça non plus, c'est ça pas esprit peut de Noël. Oh, bande d'abrutis. Bon, bah j'étais gentil, mamie. Bah voilà, c'est ça. Puis après, il y a celui-là qui était tellement. Qui reflétait la vérité. Ferme ta gueule! Du con! Voilà, c'était par rapport à Top aussi, ça aussi c'était le couple. Un peu comme le couple dans. Merde! Ah, à chaque fois que j'oublie sur M6. J'ai oublié. Scène de ménage. Scène de ménage, tu vois les deux vieux là? Non. C'est un peu le même délire. Ah, c'est d'accord. Un peu le même délire. Le prince avec Eliès fesse de fils de chienne. J'en ai absolument rien à foutre de son esprit de Noël. Oui, c'est pas bien. Valoche, ici, excellent, être vulgaire, ce n'est pas l'esprit de Noël. Mais c'est ça, c'est pas l'esprit de Noël. Ludivine également qui dit je veux bien accueillir Top. Il reste une place dans la niche de ma chienne. Quelle et sympathie. Encore, il est vachement trop bien là a priori. Virginie qui dit t'as qu'à venir chez moi, et Megumi qui dit je suis dans une dans la famille de ma coloc et son cousin me tourne déjà autour, le relou. C'est bon ça. Oui mais Megumi tu vas pas te plaindre non plus quand même en plus, hein. C'est quand même dingue ça. Bon et bah Eva qui dit restez le plus tard possible s'il vous plaît la famille. Bah écoute, on verra, de toute façon déjà jusqu'à minuit quoi qu'il en soit. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure. Donc restez bien avec nous sur Fun Radio. Et puis avant de faire l'échange de cadeaux, avant de faire le jeu de la rupture également, nous avons Madame Son avec nous au téléphone. Oui, bonjour Michael. Bon, bonjour Madame. Oh mais Madame Son, on l'a eu il y a longtemps. Oh putain, alors attendez, bah, vous étiez déjà vieille à l'époque, je vous explique, attendez. On l'a eu quand on a commencé la libre antenne avec Toff, c'était en 2003. Oui, on était jeunes. Je ne me rappelle plus. Ah bah oui, mais c'est tellement proche dans mon cœur, Michael. Mais vous étiez déjà, enfin, je suis content que vous soyez toujours là, quoi. Oh oui, j'étais déjà dans le troisième âge. Hein, ah bah oui, bah enfin là c'est le quatrième a priori quand même, hein. On n'en est pas loin, oui, bon. Mais on garde ça pour soi, on ne demande pas ça à une dame, Michael. Bah oui, évidemment. Et alors, qu'est-ce que vous devenez, madame Son? Mais écoutez, ça va bien, là, je fête Noël. Et, ah bon, en famille et, mais justement, je suis toute seule et j'apprends que Christophe est tout seul également. Tu t'appelles Christophe? Non. Si, tu t'appelles Christophe. Bah Christophe. Si, tu t'appelles Christophe. Christophe. Bah, quand il venait à la maison, on l'appelait le petit Christophe. Ah oh là là, quel bouffon alors, c'est dingue ça. Le petit Christophe est appelé. Mais bon. Qui est cette dame, Toff? Bah, Christophe. C'est une vieille connaissance. Oh, bah oui. Christophe, venez jouer avec son petit ballon de football. Il avait des t-shirts en éponge comme ça. Oui. Oh, quelle horreur. Oh, c'est horrible. Ah bah oui, ça c'est... Et Madame c'est... Son, racontez-nous une petite anecdote sur Christophe. Oh, écoutez, je me rappelle, c'était il y a fort longtemps, il venait jouer toujours avec son petit ballon, il jouait sur le parking du supermarché à côté de chez nous, et alors il était venu me présenter la photo du club de foot dans lequel il était. Ah oui, à Couille-Vever. Oui, il était beau, il était à genoux avec son petit ballon. Il était si fier. Ah bah oui, là, il était fier, oui. Bah, là, beaucoup moins maintenant. Il a mal tourné, Madame Son. Hein. Ah oui, là, depuis qu'on a plus de nouvelles. J'ai entendu qu'il faisait du trafic de mobilettes. Oui, alors il faisait des trafics de mobilettes et surtout, et ce n'est pas très esprit de Noël, il aime bien maintenant se faire attacher dans une cave avec une croix, en train de se faire solamiser par... Passagedudésir.fr. Non, voilà. C'est pas... Enfin, sponsorisé c'est par, oui. Donc, vous voyez, il a mal tourné depuis qu'il était jeune avec son club de golf, hein. Mais déjà, lorsqu'il était dans le quartier, il aimait bien aller jouer dans les caves des immeubles avec les gens. Je ne sais pas très bien ce qu'il y faisait. Vaut mieux pas savoir à mon avis, hein. Vaut mieux pas savoir, oui. Bon, et alors est-ce que vous voyez le petit Christophe alors pour Noël demain éventuellement? Mais j'aimerais bien, oui, je l'attends avec plaisir. Il me reste un morceau de dinde pour lui. Parfait. Et puis je viendrai chercher mes étrennes. Venez, oui, Christophe. Michael, j'ai toujours pour toi cette petite écharpe que j'ai tricotée. Ah, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, demain, je ne suis pas là. Ah! Mais écoutez, je t'attendais depuis un moment, alors je l'avais fait aux couleurs d'une radiophone, et puis après tu as changé, je l'ai fait aux couleurs de fun, hein. Ah oui, c'est très bien, mais c'est parfait, comme ça au moins je prendrai celle-là, et puis en plus avec les couleurs on sera bien, rose, bleu, jaune, l'écharpe du futur, c'est parfait. Ah voilà, c'est très bien. J'étais sur l'internet, hein, pour trouver les couleurs. Ah l'internet, oui, d'accord. Faudra présenter à Gilou éventuellement. Oui, je pense qu'il peut se passer un truc. Sauzère, ça peut être pas mal aussi, effectivement, oui, c'est vrai. Bon, Madame Son, en tout cas, je suis ravi d'avoir eu des nouvelles de vous, hein, dont vous n'avez plus eu depuis 2003, c'est pour vous dire. Oh, bah, oui. Sincèrement, j'ai cru que vous étiez décédé. Mais par contre, je tiens à préciser, ce n'est pas ma mère, hein, parce qu'il y a des gens qui me demandent là sur Twitter, ce n'est pas ma mère. Non, c'est tout comme Christophe. Oui. Tu venais toujours à la maison, tu avais ta petite grenadine. Et, et sa boîte à tartines. Sacré ouais, Christophe. Sa boîte à tartines aux couleurs des petits animaux. Le chien. Du dessin animé Foufure. Oui, ah, je ne connais pas Foufure. Ah d'accord, ok. Ah oui, très bien. Ah bah voilà, c'est parfait. Ah bah oui. Ça te rappelle les souvenirs, ça, Christophe. Oh bah oh là là, c'est que de nostalgie. Ah, on va l'appeler Christophe toute la soirée. Ah bah oui, merci. Christophe, c'est Noël, Christophe. Mais oui, Christophe, c'est l'esprit de Noël. Il faudrait qu'on appelle ta mère d'ailleurs pour fêter jouer Noël. Christophe. Mais oui. Oh là là. Il était déjà venu habillé en lutin le 24 décembre. Non. Michael, oui. Ah si vous avez les photos, on est preneurs, hein, Madame Son. Hein. Oh, je dois retrouver ça, je dois l'avoir en dia. Est-ce que tu as en diapositive pour lire les dia? Ah bah non, là on n'a plus. Mais enfin on va s'arranger. Oh, écoutez Madame Son, merci beaucoup en tout cas et joyeux Noël, hein. Un grand plaisir, joyeux Noël à toutes les personnes, tous les auditeurs de FUN. Non, très bien, parfait, merci beaucoup. Au revoir, Michael. Au revoir. Dit le grand saint Père Noël. Oui, au revoir, Madame Son. Et, bah, très gentil au demeurant. Très. Et donc, une amie personnelle de la famille de Toff. De Christophe. Oh là là. De Christophe. De Christophe. Très personnel. Très, très personnel. Et, ben. Et donc, il allait jouer comme ça sur les parkings. Bah, on fait ce qu'on peut. Hein. Ah, bah oui, je confirme. Bon, Alexandre qui dit magnifique, je vous adore. Gros bisous à toute l'équipe. Et puis, Paul aussi, je m'ennuie pour le réveillon, mais heureusement, il y a Michael. Et d'un coup, ça va mieux. Voilà, je peux avoir un message de bienvenue. Bah, avec plaisir, Paul. Un petit message de bienvenue. Alors, tu m'as pas dit si tu en voulais un dégueulasse ou pas. Alors, sinon, je suis là. Franchement, t'es qu'une grosse merde. Des mecs comme toi, j'en chie tous les matins, tu l'es de ta merde. Voilà, c'était Antoine, hein, bravo à toi. Et Paul, non, c'était pour Paul, pardon, et Précilien qui dit ma mère voudrait un message sympa, joyeux Noël à toute équipe, vous gérez. Alors, oui, un petit message pour maman. Alors, attends, faut pas que j'en mette un dégueulasse non plus pour maman quand même. Hein. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé là. Oui, bah, j'ai peut-être pas mal lu alors l'énoncé. Et Guillaume qui dit joyeux Noël à toute l'équipe de Fun. Bah, merci beaucoup en tout cas. Tous vos messages en direct, on va faire un petit échange de cadeaux là, maintenant, là, ça me paraît honnête là. Mais avec oui. Ismaël, Sébastien et Priscilla. Bonsoir tous les trois. Soirée. Bonsoir. Alors, Ismaël qui appelle d'Hersange en Meurthe-et-Moselle. Bonsoir. Ça va? Oula, oui, donc il n'est pas encore muet après a priori Ismaël, hein. Ben non, pas non, ça va venir, t'inquiète, ça viendra. D'un jour coup. Tu seras grand, tu auras des poils. Ben oui, tu vas voir, ça va être cool. Bon ouais. Ismaël, on va faire les échanges de cadeaux. Il y a Sébastien également de Saint-Étienne et Priscilla de Mimizan dans les Landes. Bonsoir. Voilà, est-ce que, parce qu'on avait également tout à l'heure une auditrice qui appelait des Landes, est-ce que toi aussi tu n'as plus de maison? Enfin j'exagère, mais en gros, est-ce que le vent est passé là, Dirk, la tempête? Ah oui. Ah elle est passée aussi hein. Bon ça va pas trop de dégâts quand même? Non ça va. Bon bah tant mieux alors parfait. Bon Ismaël, t'as reçu quoi toi pour Noël? Puisque je rappelle que c'est échange de cadeaux de Noël. Et que le principe c'est que bah vous devez nous dire ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël. En l'occurrence on a trois auditeurs. Et à vous après, vous qui êtes derrière la radio, de voter pour celui qui mérite d'être d'avoir un cadeau échangé. Donc celui qui l'a reçu contre un qu'on va lui envoyer, c'est-à-dire un netbook, un PC portable. Alors Ismaël, t'as reçu quoi toi? Ben moi j'ai reçu des slips avec des cœurs dessus. C'est bien. Et avec un livre qui c'est mon année de 5e, alors que j'ai 14,5 de moyenne générale avec les appréciations des profs. Ah ouais d'accord ok ouais donc ouais mais en même temps pourri. Ouais ouais et le truc c'est que je suis en train de réfléchir. Autant tout à l'heure on a échangé les crayons de couleur, donc on peut encore en faire un truc, tu vois, Sandro elle va dessiner, elle va être contente. Ouais. Mais avec des calbuts, qu'est-ce qu'on va foutre avec des calbuts? Ah bah, surtout que. C'est du 14 ans plus. Surtout à la taille. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Bon enfin bon écoute après, peu importe, hein, c'est pas grave. Donc Ismaël, toi tu as reçu des slips et t'aurais bien voulu un PC portable, j'imagine. Bah oui, j'ai commandé ça et j'ai eu des slips. Ah putain, mais ça c'est la commande, hein. À mon avis c'est la poste qui a dû échanger les lettres. Ah, on peut jamais compter sur la poste. Hein. Jamais. Ah bah ça. Que des erreurs. Bon, il y a Sébastien également qui est avec nous. Salut Seb. Salut. Comment ça va? Bah bien. Eh bah Sébastien qui lui a déjà mué, donc ça c'est une bonne nouvelle. Sébastien le Stéphanois. Ouais. Allez bon. Les verts. Eh oui. Allez. Mais oui. Ah bon alors Sébastien, t'as reçu quoi toi pour Noël? Bah moi une calculatrice. Ah bah c'est bien ça aussi. Ouais, scientifique ouais, c'est bien. Au moins. Ouais, scientifique ou une calculatrice de base? Comment? Une calculatrice scientifique ou de base? De base. Ah merde, putain, ah ouais. Genre plus, moins, fois et divisé quoi. Voilà. Oh putain, ouais, qu'est-ce que tu foutais que ça quoi. Oh putain, intelligent toi Sébastien, t'as pas besoin de calculatrice. C'est une Casio en plus. C'est bien une Casio, 10 x 10. Je sais pas. Non, t'es sérieux Sébastien? Bah garde la calculatrice, c'est mieux. Hein. Parce que mec, 10 x 10. Quoi? 10 x 10. Ça fait ça. Ah bah quand même, 10 x 12. Non mais attends, j'ai pas la calculatrice. Mais non, on s'en fout, 10 x 12. Ah j'en sais rien. Mais merde, 10 x 12 120. Voilà, et 10 x 0 0. Bah tu vois quand tu veux là, Sébastien là, pas mal. Bon, Priscilla également, donc qui elle a reçu quoi Priscilla? Un plaid. Oh génial. Oh, t'en as de la chance. Ah bah oui, quel bol. Un bon plaid. Il est beau au moins ou pas? Bah basique, noir. Ah bah voilà. C'est même pas un patchwork que ta maman elle a fait elle-même. Même pas. Non, pas du tout, c'est ma belle-mère en plus. Oh la belle-mère. Ouais. Oh les cadeaux des belles-mères, faut se méfier. Hein. Ouais, mais c'est bien un cadeau de belle-mère ça. Ouais, ouais, parfois il vaut mieux ne rien recevoir. Hein. C'est parfois plus sûr. Hein. C'est parfois plus sûr. Bah, c'est bien parce que si on l'échange contre le plaid, Sandro sera contente. Hein. Ah bah ça alors. Ma mère elle sera dans le bureau là, hop, avec le plaid, pépère. Et dans le studio quand la clim va trop fort, elle pourra mettre sur ses petites exactement, jambes. Exactement, exactement. Bon, alors du coup, Ismaël, maintenant vous allez défendre votre beefsteak, comme on dit. Hein. Ouais. À vous de persuader les auditeurs de voter pour vous. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous filer un PC portable en échange de votre cadeau? Ismaël, on t'écoute. Ben, parce que j'ai eu des cadeaux pourris et que justement, ben, j'aimerais bien avoir un PC portable, ce sera mon meilleur cadeau et que c'est tout. D'accord. Donc politicien Ismaël. Sébastien? Bah moi ça fait parce que des années je commande un ordinateur portable et ben j'ai tout le temps des cadeaux pourris et ben voilà. Bah t'as reçu un ordinateur portable, hein, une calculatrice c'est un ordinateur. Voilà, c'est un ordinateur de portable. Okay, l'année dernière j'ai reçu un caleçon donc. Ah bah tu vois ça évolue quand même hein. Ça évolue un peu. Ça évolue un peu. Et Priscilla, pourquoi on devrait te filer le PC portable au lieu du plaid? Bah parce que moi j'ai reçu, enfin j'ai eu une chienne il n'y a pas longtemps qui a pissé sur mon PC portable justement et du coup bah j'aurais préféré récupérer un PC portable qu'un plaid. Oh pauvre petit chien. Eh bah oui mais bon pauvre PC aussi quoi. Oui oui bah ça c'est sûr. C'était quoi comme chien? Genre ça? Genre ça? Ou ça? Ouais ça ouais. Ah le gros chien alors. Encore ouais. Petite pour le moment, mais elle va devenir grosse. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait alors. Bon, alors à vous de jouer maintenant. Hashtag Mickaël sur Twitter et sur Facebook. Et par SMS également, débutez le message par Mickaël, suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. Vous votez Ismaël qui a reçu des slips. Vous votez Sébastien qui a reçu une calculatrice. Ou vous votez Priscilla qui a reçu un plaid. Lequel on doit choisir pour l'échange de cadeaux. Vous restez tous avec nous, bien entendu. Et puis nous, on va revenir avec un petit chéri, je peux te faire concul dans quelques minutes. Allons-y. Voilà, on va également récupérer dans quelques instants eh bien, la colle pour savoir qui va repartir ce soir avec l'ordinateur portable. Ce sera avant 22h. Restez bien sur Fun Radio. Et puis bah, je vous rappelle aussi qu'il y a la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner hein, sur le Facebook de l'émission. Si vous souhaitez repartir avec votre Samsung Galaxy Tab 3, il suffit simplement de venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Donc facebook.com/MIKL officiel. Vous tapez MIKL officiel sur Facebook et vous nous rejoignez. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a DJ Comac qui dit merci à vous de passer le hall avec nous. Avec plaisir DJ Comac. Et Félicia qui dit on lui laisse la calculatrice, il est trop nul. Gloire qui dit je m'ennuie pendant ce réveillon. Bah oui mais on est là Gloire quand même. Message de bienvenue dans l'esprit de Noël. Avec plaisir. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà. Il y a Océane aussi qui dit en train de vous écouter à fond, en train de bouffer des pépites, continuez comme ça. Et Daoud Douida qui dit fou, il est pas si fou, hein, il est pas si fou fur que ça. Oui, c'est le générique du générique de Foufure. Ah oui, c'est vrai, le chien bleu, Madame Son qui nous en voilà. Parlait il y a quelques instants. Autant pour moi. Allez, restez sur Fun Radio. Je vous cale dans quelques minutes le son, je vous l'avais promis. Hein, de Lady Gaga. Avec Do What You Want. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde et joyeux Noël. On est en direct contrairement à d'autres radios, contrairement à toutes les autres radios qui sont soit en best-of, soit ils ont mis de la musique, soit ils font semblant d'être en direct. Alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. Hein. Ça s'entend si vous les appelez par exemple. Oui, il n'y a personne qui décroche. Exactement. Donc là on est en direct, il est 21h41 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue et merci d'être à l'écoute. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, et il y a Fabienne qui dit viens réveillonner à la maison, tu mangeras pas fauchon, mais l'ambiance sera là. Oui, d'ailleurs, on a reçu effectivement un chouette repas de Noël de Fun. Ouais. Fun Radio, c'est recevoir. Bon. Hein. Voilà. Ouais, la grande petit place. Repas de chez Fauchon, tranquille, pépère. Voilà, merci à Jérôme qui a douillé. Hein. Cher à mon avis, mais bon, ouais. Merci, en tout cas, merci beaucoup le big boss. Voilà, ouais. Salut GG, give me five. Bon, trop allez, sympa. Grave. 21h47 sur Fun Radio. On est en direct, les seuls à être en direct avec vous. On vous a pas laissé tomber comme des merdes. Hein. Est-ce que les autres radios se disent ah, moi je vais avec la famille, j'en ai rien à foutre, moi les auditeurs, je m'en bats les couilles. C'est la famille d'abord. Eh ben nous, c'est la famille d'abord aussi, mais la famille c'est vous. Donc on est en direct avec vous jusqu'à minuit minimum pour passer le réveillon ensemble. Pour ceux qui n'ont pas forcément soit la chance d'être en famille, soit qui ont une famille mais qui ont pas envie de passer les Noël avec eux, bah du coup on est là pour ceux qui sont seuls. En tout cas il n'y a pas de problème. 21h47 dans un instant, le chéri je peux te faire cocu qui était grandiose. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand on avait eu fait cet appel là. Tu vas dire à ta putain de salope derrière qu'elle va fermer sa gueule parce que moi je vais débarquer, je vais l'encastrer hein. Voilà, c'est un taquet hein. Non mais je t'ai dit depuis tout à l'heure, je te répète, de fermer ta putain de grande gueule de con, d'accord, parce que tu sers à rien. Voilà, il y avait ça aussi. Je veux vraiment péter un plomb. Voilà, elle avait pété un plomb hein, je vous le confirme. Voilà chéri je peux te faire cocu qu'on va faire dans quelques minutes. On vous fait les meilleurs canulars et meilleur chéri je peux te faire cocu ce soir depuis le début de la saison, depuis qu'on a commencé le 22 juillet. On a commencé il y a 5 mois et 2 jours. tout pile. Ah oui, quand même. C'est pas mal, quand même. Hein. Et on sera là jusque minimum le 30 juin. D'ailleurs, Jérôme, n'hésite pas d'ailleurs à signer le contrat un peu plus longtemps, hein, éventuellement. Voilà. Voilà. Le message est passé comme ça. Ça, ce serait esprit de Noël, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Qui m'appelle, qui me disent comme ça, ben on double. Hein, on double le salaire. On triple. Et on triple. Ah, comme allez, ça, il y aura doublé. Quadruple. On quadruple. Voilà. Et on signe l'année prochaine et tout. Moi, et ben ça, ce serait esprit de Noël. Moi, je dis, on va jusqu'à x10 et on discute plus. Voilà, c'est ça. Moi, je dis que ce serait esprit de Noël. En même temps, 10 fois pas grand chose, ça restera pas grand chose. Enfin, bon, ouais. Bon, ouais, on s'écoute. Pour nous, ce sera beaucoup. Ah oui, bah c'est sûr. Ouais. On s'écoute Lady Gaga maintenant sur Fun Radio avec Do What You Want. Joyeux Noël tout le monde. On est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit. Et il y a Guillaume qui dit heureusement que vous êtes là car moi je dois regarder la messe avec mes parents. C'est trop nul. Ah oui, la messe c'est dur. Hein. Bah, bon courage. Hein. On est là en tout cas. Il y a pas de problème. Et le chéri, je peux te faire cocu qui sera très esprit de Noël dans un instant après Lady Gaga. Do What You Want sur Fun. Lady Gaga sur Fun Radio, c'était Do What You Want, je vous l'avais promis, il est 21h52 sur Fun Radio. Il y a Nick qui dit je suis en voiture en ce moment, Mickaël t'es juste énorme, big up à toute l'équipe, merci Nick. Et on est là tous les soirs hein, de 23h à 2h du lundi au jeudi et le dimanche. De 20h à minuit, évidemment, voilà, sauf ce soir évidemment exceptionnellement. Il y a Titia qui dit plus que 10 minutes et je quitte le taf, je vais pouvoir vous rejoindre, enfin façon de parler. Oui Titia, mais après tu peux venir nous rejoindre, c'était pas loin de la radio, il n'y a pas de problème. Et Félicia qui dit aussi, ouais même moi j'ai laissé ma famille pour être avec vous, seconde famille, merci Félicia. Et SFJ également, même si je serais l'homme le plus seul au monde, je ne prendrais pas tof chez moi. Mais si j'étais SFJ. Par contre, tu devrais prendre des cours de ouais, français. Exactement. C'est con parce que sur l'iPhone, il y avait le Becherel qui était gratuit il y a deux jours. Voilà, je l'ai téléchargé, du coup, c'est pas servir. On et Lucas qui dit, ouais, pour mes 12 ans, je viens d'avoir un sac poubelle pour ranger ma chambre. Ah, c'est que c'était le bordel, je suis désolé, c'est que c'était le bordel, ils ont peut-être pas forcément eu tort au final. Bon, allez, on va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu. On va faire le jeu de la rupture aussi avec Anton et avec Quentin. Et puis, on va d'abord faire le résultat là pour l'échange de cadeaux pourris, bien entendu. Oh là là, j'ai presque oublié. Priscilla, Sébastien et Ismaël, vous êtes là? Oui. Oui, très bien. Bon, Ismaël qui avait des slips, Sébastien qui avait une calculatrice, Priscilla qui avait un plaid. Et lequel doit récupérer un PC portable en échange de son cadeau pourri? Alors, ladies and gentlemen, sur Facebook, sur Twitter et sur les SMS, ça donne quoi du coup? Eh bien, tu veux la réponse tout de suite ou je te fais un suspense à la Nikos? Non, bah non, on y va, on n'est pas Nikos là. Bon, bah c'est Sébastien alors qui gagne. C'est Sébastien, bah Sébastien, on va t'échanger ta calculatrice contre ton PC portable. C'est vrai? Eh bah ouais mec. Voilà. Enfin, il faut nous l'envoyer. Oui, par contre, effectivement, il faut nous envoyer la calculatrice et après seulement, le PC portable partira. Pas de soucis. Bon, très bien, je compte sur toi, Sébastien. Bravo à toi. Priscilla et Ismaël, je suis désolé tous les deux, mais vous revenez quand vous voulez, puis passez un bon Noël également tous les deux. Hein. D'accord, c'est à vous. Et Priscilla, profites-en pour faire des cochonneries sous le plaid. Oui, voilà, sur le plaid. Hein. On peut t'envoyer top si tu veux. Oui, je pourrais t'aider à profiter du plaid. Pas. Bah, combien mesures-tu, Priscilla? Ça y est, putain, même le soir de Noël. C'est pas esprit de Noël, ça, toi. Non, c'est esprit de Noël. Non, c'est pas esprit de Noël. Priscilla, combien mesures-tu? 1m58. Combien pèses-tu, Priscilla? 47 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 34. Ah oui. Oui, Toff va prendre le matériel, va s'occuper du plaid et pas que du plaid. J'arrive immédiatement pour faire des cochonneries avec sa grosse bûche. Voilà, c'est ça, tu parles de grosse bûche, ouais. Bon, et bah gros bisous. Avec ma compagne. Oui, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, lui il est pas dans le détail. Oh là, je suis pas jaloux. Voilà, bon Priscilla, je te fais des gros bisous, bonne fête. Gros bisous à vous. Salut Priscilla. Allez, vas-y, à une personne, profite. Bah, je fais une petite dédicace à mon boss Nico et puis à mes anciens voisins Chris Oran et à ma petite femme. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une seule personne, Priscilla? Pardon. Ah, il me semblait bien. Escroc. Tout ce que tu mérites, c'est ça. Voilà, sur les fesses. Oh, oui. Bon, c'est bien fait. Salut Priscilla, gros bisous et bonne fête. Salut Ismaël également, là, bonne fête également. À bientôt Ismaël, ciao à toi. Et on va se faire la colle également avec Romain avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. La colle avec Romain, t'es là Romain? Oui, je suis là. Allez, vas-y, fais péter la colle pour gagner le PC portable également. On donnera la réponse dans quelques minutes. Vas-y, Romain. Alors, c'est trois nains qui prennent un raccourci pour aller à la mine. Ouais. Ils font trois fois le tour du rocher. L'un prend une pelle, le second une pioche. Mais que prend le troisième? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse dans quelques minutes. Romain, ne bouge pas de là. Et puis on va se prendre, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant avec Daniel qui est avec nous maintenant là. Salut Daniel, comment ça va?

Bah écoute, hein, bon, vu que j'ai pris ta femme, pourquoi pas. Hein. Oh bah merci, ça t'es un pote, mais il mec. A traqué, lui aussi, ça mais t'es il un pote, mec. Vas-y, toi t'es cool. Eh vas-y, prends un verre, hein. Prends un verre à mes frais là. Attends, je vais demander à Véro là. Non mais. Eh Véro, hey, c'est pas bientôt fini votre putain de délire là. Va chercher à boire pour les hommes. J'en ai marre là. Va chercher à boire. Putain de Michel de gens de je sais pas trop qui ferme ta putain de grande gueule, ok. Oh, tu veux boire quoi? Tu fermes ton gueule là. Tu mets avec de la glace, tu demandes à Daniel ce qu'il veut là. Ouais, mais avec la glace. Un petit non. Sky, moi je veux. Un petit Sky, un petit Sky, bah tu me mets pareil. Oh. Putain, et je vais vraiment péter un plomb. Fermez vos putains de gueules. Eh, Daniel. Ouais. Ah, doit pas être facile tous les jours. Hein. Ah non. Eh, mais ferme ta gueule, toi, tu me connais pas, sérieux, ferme ta gueule. C'est pas facile tous les jours, tous les jours. Hein. Attends, je ferme la porte parce qu'on avait laissé la porte de la chambre ouverte. Bon, Emeline. Quoi? Eh, hey, tu vas arrêter. Est-ce que tu peux t'excuser de toutes les grossièretés que tu m'as dites? Non mais pourquoi je devrais m'excuser déjà? Vous allez craquer ou quoi? Et si je te mets une belle musique d'amour, tu sais, est-ce que tu serais d'accord éventuellement qu'on couche ensemble une fois? Que je te casse les pattes arrière juste un soir? Non mais peu importe ce que tu crois, je coucherai jamais avec toi. Regarde, je te mets une belle musique d'amour. Ouais, génial, du coup. Non mais attention, c'est moi qui joue de la guitare. Hein. Ah ouais? Regarde, bah c'est écoute, beau, ça peut-être au moins un truc que tu sais faire dans ta vie. Attends, donc, je vais chanter pour toi. Je chante pour toi. Attends une seconde. 3, okay, 4. Ouais. Et tu crois vraiment que je vais y croire? Non, mais tu c'est m'as bien, pris pour une conne. Hein. Attends une seconde, j'ai encore un petit peu à faire. Là, vas-y. Tu m'as pris pour une putain de grosse conne. Et franchement, avec la musique de merde, là. Attends, je le referai, attention, je te le fais pour toi. Non mais je m'en fous, j'ai la tout le temps. Eh, hey, garde ta putain de musique pourrie là, tu me casses les couilles, sérieux. Oh dis donc, ah bon mais d'accord, mais j'arrête alors, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est aigrie alors? Eh, hey, je t'emmerde. Tu veux que je chante une autre chanson? Ah non, je crois pas, non, parce que plus tu vas chanter et plus je vais avoir envie de raccrocher, tu vois. Ah non, pourquoi tu veux raccrocher? Non mais repasse mon copain là déjà s'il te plaît, enfin ce qui me servait autrefois de copain. Bon Daniel. Ouais, bah oui, je te repasse, hein. Je te repasse. Eh hey, ma chérie, tiens, je te repasse Daniel. D'accord. Mais quoi? T'es en direct sur Fun Radio. Oh là là, ça va Emeline? Emeline? C'est sérieux? C'est bah le chéri, oui. Je peux te faire cocu. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'elle est relou alors? C'est vraiment une grosse bande bah, de bâtards. Moi, si vous viviez avec. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est relou elle alors? Elle a quand même traité de bâtard. Oui, elle a traité de bâtard, effectivement, et ça ne se fait pas. Alors que nous, on était là en toute amitié et sympathie. Exactement, je te rejoue un morceau. Non! Surtout pas ça, je vous en prie, t'en fais. Oh, dis donc. Emeline, pipo pour toi, Emeline, dédicace. Allez. Ah putain. Et ça vous amuse en plus. Ah ouais, complètement, ah, ouais, ouais. Bon, c'est bien marré, ouais, alors, plutôt bien. Il y a Sandro qui joue le rôle de Véronique, tu veux dire salope ou pas? Hein? Non, je pense pas que c'est une salope dans la vraie vie, mais c'est la pire. Ah si, c'est pire encore hein, dans la vraie vie. Oh là là, t'inquiète pas. Je suis très bien la salope. Bon, Emeline, attends, parce que t'as pas voulu répondre, mais il y a quand même Toff, il y a des questions existentielles pour toi. Bien sûr, Emeline, oui. Combien mesures-tu? J'en sais rien, moi. Je dois faire 1m70. Combien pèses-tu? Je sais pas, mais c'est un interrogatoire ou quoi? Oui, je sais c'est pas, un interrogatoire, c'est la police. Oh, ouais, c'est la police. Qu'est-ce qu'elle est relou? Alors, combien tu pèses? Ah oui, attends, je vous l'ai dit, hein. Eh, mais ta gueule, toi aussi. Oh. Alors, bon. Emeline, ton poids? 55. Quel est ton tour de poitrine? Mais ça se dit pas, ça. Mais si, ça se dit. On sait déjà que c'est du C. 85. Ah ouais, c'est pas mal. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 38. Oh là. Ah bah oui, attention. Et tu sais que c'est seulement l'élite de nos auditrices qui a droit à cette chanson. La crème de la crème. La crème de la crème, le caviar du caviar. Tu fais partie du caviar. Super poussé, merci. Bah écoute, avec grand plaisir, Emeline. Bon, bah Emeline et Daniel, on va vous filer l'appareil photo numérique comme promis. On va le filer à Emeline alors, hein, Daniel, hein, sinon tu vas te faire massacrer la tête. Ouais, je pense, ouais. Ça éviterait qu'elle casse toutes nos affaires. Oui, voilà, c'est mieux, ouais, effectivement, ça me paraît un bon plan. Bon, bah gros bisous tous les deux. Hein. Bisous. À bientôt. À bientôt. Salut. Et si vous voulez aussi faire un chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert dès la rentrée évidemment. Hein. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi vous inscrire entre autres sur l'application iPhone qui est sortie il y a un mois maintenant de l'émission. N'hésitez pas, M-I-K-L, No Limit, tapez ça sur iTunes. Vous la téléchargez, c'est gratuit pour écouter l'émission en direct et... T'as participé au jeu? Bah oui. Par exemple, chérie, je peux te faire cocu, la colle, plein de trucs. Et également aussi, vous allez pouvoir être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Yannès qui dit Mickaël, quand tu joues de la guitare, c'est magique. Félicia qui dit vous êtes vraiment une bande de bâtards. Il y a Miguel qui dit mort de rire, you are crazy, Mickaël. Merci Miguel. Gink aussi qui dit vous êtes vraiment une grosse bande de bâtards. Mante, Dadou, qui dit des barres de rire, Mickaël, je suis grave plié. Et Abdou qui dit Emeline ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Ah, je le confirme. Antoine qui dit aussi mort de rire, vas-y continue, elle chauffe, allez vas-y gueule, mort de rire, continue, tu déchires, continue et dis attends je pars refaire un tour. Bon très bien, bah voilà. Et Robin qui dit j'ai reçu un porte-clés, wesh si. ouais bon ça va, il est pas mal le porte-clés. Bon c'est un porte-clés quoi. Il a la classe. C'est pas mal. Il y a Issan aussi qui dit moi j'ai reçu un livre pourri hard, c'est les fleurs du mal. C'est pas mal. Ouais, c'est une très belle lecture. Et Laurine qui dit bisous à vous, je pense à vous également. Joyeux Noël, merci Laurine. Allez tous vos messages qui arrivent ici en direct, on aura notre ami Jean-Pierre in Wonderland. Non, Sauzère. La star dans quelques minutes, qui nous a accordé quelques minutes alors que c'est Noël. De son repas de Noël, et ça c'est quoi? Exactement. La bûche et l'alcool. Ouais, je l'en remercie. On donnera la réponse à l'alcool dans quelques minutes également. On aura Quentin et Anton pour le jeu de la rupture, comme on le fait chaque mardi en fait au final. Hein. D'habitude on le fait de 23h à 2h du mat, mais là on le fait un petit peu en avance. Et puis on va s'écouter aussi dans quelques minutes le son de Tony Junior. Avec Track on Team sur Fun Radio. Tony Junior, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. On est les seuls à être en direct partout en France et en Belgique ce soir. On est les seuls à être en direct, ne cherchez pas ailleurs, ce sont des menteurs. Non, mais soit ils sont en best-of, soit c'est une fausse émission enregistrée. Bon, l'émission est vraie, mais elle est enregistrée quand même. Donc ça se fait pas. Voilà, je trouve c'est que mal, c'est mal de mentir Noël. Au jour on de Noël. On est là en mode esprit de Noël jusqu'à minuit. Toff, il a son horrible chapeau de Noël et sa tenue dégueulasse. Ah oui, et je peux remettre la barbe si tu veux. Ouais, non, c'est rare. Que vous pouvez voir d'ailleurs sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Vous attend. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs 23h 2h. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio 22h14. Je vous rappelle également qu'il peut y avoir le double fun à tout moment. Hein. On entend à mal. Tout moment. À tout moment. Je peux vous dire d'ailleurs qu'il passera avant minuit. Double fun de Eminem et Showtek. Si vous entendez Eminem, Rihanna et Showtek à la suite, eh ben il faut évidemment jouer en envoyant, en appelant le 3228 ou pour la Belgique en envoyant fun au 6322 par SMS pour tenter de repartir avec un iPad Air. Sympa. Hein non, c'est sympa. Moi, j'aime bien l'idée. Tout, c'est la grande classe. Comment vous dire que ce soir en termes de cadeaux, on a quand même offert le cadeau le budget de l'année. Hein. Ouais, là on a plus rien pour le reste de l'année. Voilà. Parce que c'est Noël. Donc dès que vous entendez le double fun, eh bien vous de jouer, vous appelez le 3228 pour la France et vous envoyez un SMS au 6322 en débutant le message par fun pour la Belgique. C'est Eminem, Rihanna et Showtek le double fun. Et je vous le dis, ça passera avant la fin de l'émission. Comme ça, vous savez tout. On écoute le son de Tony Junior maintenant sur Fun Radio Track on Team. Juste après, on aura Jean-Pierre Sauzère, la réponse à la colle avec Romain. Et puis on aura le jeu de la rupture avec Anton et Quentin sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, bonne soirée, même 22h15. C'est Mickaël No Limit, spécial réveillon de Noël, on vous tient compagnie, vous aussi d'ailleurs, hein, vous êtes avec nous, c'est plutôt cool, merci beaucoup. Il est 22h15, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit, bienvenue. Tony Junior sur Fun Radio, 22h18, on est en direct, il y a Cédric qui dit je me tape des barres en plein repas de Noël grâce à vous, merci beaucoup. Amy qui dit moi j'ai une pochette de feutre mais j'aurais bien aimé avoir un PC quand même. Ah bah j'imagine. Et Julio également qui dit allez la famille, go pour le bordel, c'est la merde au taf, alors faut motiver les troupes. Ah bah tu m'étonnes. Merci en tout cas d'être là avec nous ce soir, on est en direct sur Fun Radio pour cette soirée de réveillon de Noël pour tous ceux qui bah forcément ne sont pas forcément en famille ou qui sont tout seuls ou même ceux qui sont en famille qui préfèrent le passer avec la radio en plus. Donc merci beaucoup déjà tout ça. Hein. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. On va prendre Jean-Pierre Sauzère. Mais avant cela, la colle avec Romain. Romain, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Très bien. Romain, tu as donc balancé la colle tout à l'heure à plusieurs reprises. Il fallait envoyer la bonne réponse par SMS ou via le Facebook de l'émission. Et donc, si quelqu'un, la personne qu'on a sélectionnée, décroche et donne la bonne réponse, elle gagne et tu perds. Si jamais la réponse est mauvaise ou qu'elle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Romain. D'accord? D'accord. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant, donc. On appelle le gagnant ou la gagnante. C'est parti, Romain. et bien la colle sous tes yeux, hein, puisque tu vas devoir lui répéter à l'auditeur ou l'auditrice. Allez. Et pendant qu'il y a les 12 coups de Noël sur TF1 qui a dû être enregistré au mois d'août. Ouais. À peu près, je pense. Hello. Vous êtes sur Hello. Ah, bonjour. Mobile du 07 5 ans. Voilà, bonjour la messagerie. Hop là, on va laisser un petit message quand même du coup. Sonore. Une fois terminé, appuyez sur la touche dièse ou raccrochez. Bonjour la messagerie, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio, on t'appelait pour la colle de Romain. Romain, répète la colle s'il te plaît. Alors c'est trois nains qui prennent un raccourci pour aller dans une mine, ils font trois fois le tour du rocher, l'un prend une pelle, le second une pioche, mais que prend le troisième? Alors justement il fallait donner la bonne réponse, est-ce que le répondeur a la bonne réponse, sait-on jamais? Non, visiblement il n'a pas la bonne réponse, donc Romain, quelle est la bonne réponse? À la tête. Eh ben la tête. Ah. Eh ben bravo. Eh ben voilà Romain, c'est pas plus compliqué que ça, la tablette elle est pour toi, bravo. Une tablette, génial. Eh ben t'as vu un peu là, tu peux remercier l'auditeur ou l'auditrice, on est toujours sur le répondeur là, qui n'a pas décroché malheureusement pour lui ou elle. Bah oui, c'est dommage, mais surtout elle va avoir la rage hein, quand elle, il ou elle va écouter le message tout à l'heure après minuit éventuellement ou peut-être demain matin. Bon, eh ben Romain, bravo à toi, bravo pour la tablette Samsung et puis bah, bonne fête de fin d'année hein, Romain. Ah bah là elle commence super bien avec vous, merci. Eh ben voilà, avec grand plaisir Romain, à bientôt. A bientôt et merci encore. Avec plaisir, salut Romain, ciao à toi. On va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes, mais avant cela... Ah, c'est bien lui. Ouais, avec le petit donc là, supplément, en plus, on il écoute sur internet. Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Comment ça va, Jean-Pierre? Ouais, ça va, joyeux Noël à vous. Joyeux, ah bah, Noël, joyeux Jean-Pierre. Noël, Jean-Pierre. Joyeux Noël, Jean-Pierre. Joyeux Noël, Jean-Pierre. Coupe la radio parce que t'écoutes sur internet, donc il y a un retard de 15-20 okay. secondes là. Voilà, voilà, voilà, voilà, très bien. Ça va très bien. Eh ben, tant mieux. Bon, Jean-Pierre, alors, qu'est-ce que t'as prévu pour Noël? Bah j'ai prévu de mettre un peu de musique. Ah bah très bien, bah c'est une bonne idée, ouais, tiens. C'est une... Tu connais la fête de la musique? Ah bah bien sûr que je connais la fête de la musique. Direct. Non, tu vas la chanter en direct. T'es prêt? Ouais bah vas-y, vas-y, on attend que allez, ça. Allez Jean-Pierre. Vas-y. Mais je t'entends pas pendant ce temps-là que je te chante. Je parle pas, promis. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue. Et du coup Mario, et je souhaite un joyeux Noël. Attention c'est lourd, Jean-Pierre Sauzère en direct de chez lui. En direct live. Attends, c'est là qu'on va tourner. Je la culture, a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, toute la France se met au chantier. Vous trouvez par là je vais, et puis... Boire du champagne. Attendu? Ah bah nickel! Ouais. Ah bah voilà. Parfait, bravo! Oh, un peu oh, là, ouais mais c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais merci Jean-Pierre, c'est un beau cadeau, ça c'est cool. Oui oui, mais je peux chanter un petit bout, pays des merveilles peut-être. Ah bah Vanderland. Bah oui. Regardez où c'est calé, attends que je la passe. Ah bah attends, avec Cal est toujours en direct de chez lui, c'est fort et ça, oui, attention. Oui. Ah bah attention, alors vas-y. Non mais coupe la radio derrière ouais, Jean-Pierre. Ouais. Eh, hey, un coup de rock, écho de rock, un ah peu de rock. Ah bah, écho de rock, alors vas-y. Wow, rock and roll. Je dis ma chanson à tous ceux qui m'ont connu avec Max il y a 10 ans. Bientôt 20. La scène du monde entier. Yeah. On entend mes cris résonner. Mettant Christ dans la canon. Yo. Rock and Wall. La vie commence au présent. Premier rôle, et jamais plus grand. J'ai rêvé le plein drapeau. Un drapeau huet dans le nord. Je suis avec toi, avec tout le rock. Et pas un beau cœur. Ah ouais. On est bon là. Attention le refrain. Jean-Pierre Sauzère en direct de chez lui en live. Ah, le solo là. C'est bon. Ah bah nickel. Ah on est parfait là. Alors si tu peux éventuellement me faire Jean-Pierre une Wonderland, ouais, alors là la playlist. Je te la mets tout de suite, attends. Ah bah parfait, alors charge la playlist. Alors attends, parce qu'il y a plein de messages qui sont arrivés là. Salut l'équipe, je vous écoute dans mon camion pour nettoyer les rues de Paris 8ème. C'est Hakim, big up. Bah courage Hakim. Eh vas-y, passe dans la rue, fais-nous faire un tour. Ah ouais, bah viens, nous on fait un tour, hein. Passe rue Bayard, on est dans le 8ème aussi, Hakim. Il y a Félicia qui dit faut raccrocher, j'ai perdu mes oreilles. Il y a la Routasse qui dit je suis mort de rire, vive Jean-Pierre. Ouais, attends, il y a des messages. Le Jean-Pierre en direct live chez lui, c'est magnifique, c'est le prince Nadia. Il est trop fort Jean-Pierre, mort de rire, c'est Ticia. Il y a Norine aussi qui dit mort de rire la chanson de Jean-Pierre. Ah bah nickel. Ouais mais enfin c'est pas Wonderland ça. Il a cru qu'il était en concert ou quoi? En concert Jean-Pierre. En conserve. Jean-Pierre sans air. Moi je voulais Wonderland. Ma jolie chat. Je sais bien que ça se dit Wonderland mais c'est lui qui dit Wonderland. T'entends? Ah bah nickel, mais alors est-ce que tu peux me faire Jean-Pierre in Wonderland? Oui, je vais te la mettre. Eh bah playlist t'inquiète. là, tu la mets en playlist. Alors Jean-Pierre in Wonderland, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça hein. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Bon, et... vous dire, ouais nickel, vas-y alors on t'écoute, en je direct de chez lui là. Parfait. Un tube éternel. Que vous aimez tous. Yeah. Live from Picardy. On sent que la voisine est partie en vacances. Hein. En mangeant champignons comme des groupions, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit... Et je me suis... Attention, attention, Jean-Pierre in Wonderland. Direct de chez lui pour Noël. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapeau lissou, je me frotte les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin mort, je me saute la merveille. Attention, on enchaîne. Ah, il faut chanter là Jean-Pierre. On a perdu Jean-Pierre. J'avais oublié mon fusil dans le cœur de ma Ferrari. Heureusement, j'ai un chou-fleur, c'est utile en fait. Eh ben, ça sature un peu, Jean-Pierre, hein, mais... Et alors, je remarquais qu'un gros s'est caché pour la mes amis. Le son n'est pas au top. Et je me suis dit... Et je me suis dit, encore une fois... Et je me suis dit... Qu'il est Jean-Pierre. Jean-Pierre, au pays des merveilles. Yannès qui dit vive le concert de Jean-Pierre. Guillaume qui dit c'est unique sa chanson. Et Félicia qui dit je suis un walk and wall man. Ah bah oui. Je suis Jean-Pierre. Ouais. Ah bah parfait hein. Franchement merci beaucoup Jean-Pierre. C'était bah énorme. De quoi? J'ai intervallé le couplet à la fin un peu. Ouais, mais c'est... Ah, le couplet. Ouais, mais c'est le pas grave. Couplet. Ah, le couplet. Donc, est-ce que je te chante encore un petit bout? Ah, bah écoute, je sais pas, là, comme ça, tu me prends sec. Tu peux faire Super Disco. Bah, on la connaît, celle-là, bien. Je suis un producteur, en fait. Ah, bah, ouais, si tu veux, ouais. On va partir. Bon, alors, attends, Jean-Pierre. Ouais, vas-y, ouais. Jean-Pierre, t'as 5 minutes, comme ça on tease, tu vois, comme ça on dit aux auditeurs qu'ils préviennent leur famille, qu'ils se branchent sur Fun. Comme ça dans 5 minutes tu fais je cherche un producteur en live. Le procureur de la République? Ah bah par exemple, mais dans 5 minutes, comme ça, prévenez votre famille là, si vous êtes vous chez dans votre radio, mettez la radio à fond, parce qu'il y a Jean-Pierre, il va chanter en live dans quelques minutes, donc tu restes avec nous Jean-Pierre. Ouais ok, mais pas trop longtemps, je vous non. Chargé, là. Ouais bah je sais bien, non mais 5 minutes Jean-Pierre, 5 okay. minutes d'accord okay, bon bah parfait, bon bah, alors bouge pas Jean-Pierre. Attends, ça arrive pas tous les jours. Eh hey, cadeau de Noël exclusif, si vous trouvez ça voilà. Nul par ailleurs. Ah bah je confirme, ça n'arrive déjà pas tous les jours que Jean-Pierre chante pour nous, et qu'en plus il se volumeur. Il est live. Et il est en live exactement. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire aussi sur son Nimail sur live.fr. Il y a Félicia qui dit « Je me suis dit, je suis Jean-Pierre au Pays des Merveilles ». Il y a Soufiane qui chante trop bien. Il y a Ticia qui dit « Trop fort ce Jean-Pierre, mort de rire, nous avons trouvé la nouvelle star 2014 ». Et Océane qui dit « Toute l'équipe de Fun remet la magie de Noël. Allez, kiss ». Merci Océane et merci pour tous les messages que vous envoyez. Et Kimi qui dit « Coucou, c'est quoi le double fun ?» Bah, le double fun, c'est Eminem Rihanna, le morceau d'Eminem et Rihanna. Et si vous entendez juste derrière le son de... merde, j'ai oublié du coup, de Showtech avec Bouya, eh bien il faut appeler Fun Radio au 3228 ou envoyer un SMS depuis la Belgique au 6322 pour partir avec un iPad Air. Mais ça c'est quand on entendra le double fun. Évidemment. À l'occasion, il faudra faire un double fun Jean-Pierre Sauzère aussi pour voir. Ouais. Oh, ce serait bon ça. Ah, ce serait pas mal. Mais enfin bon. Bon, on va prendre Anton et Quentin là. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Comment ça va? Oui. Très bien. Bon, vous avez entendu Jean-Pierre Sauzère en live là? C'était énorme, non? Ouais. Magnifique. Et Quentin? Magnifique. Ouais, ah, il était là, Quentin aussi. Ah, très bien. Parce que j'ai cru qu'il était décédé, Quentin. Non. Bon, tu connais les chansons de Jean-Pierre Sauzère, les tubes, là, les hits? Non. Ah, ben il faut découvrir. Bientôt, il sera dès le 1er février sur iTunes. Ouais, sur iTunes voilà. Et sur Zambalade. Zambalade, voilà, exactement. Bon, alors, Anton et Quentin, on va faire le jeu de la rupture maintenant, comme on le fait tous les mardis. D'habitude, un peu plus tard, puisqu'on fait 23h, 2h en temps normal. Là, on est un peu en avance, mais c'est très bien quand même. Anton, Quentin, le principe est très simple. On va appeler des gens au hasard. Des gens que vous allez devoir. À qui vous allez devoir parler. On ne sait pas si ça va être des garçons, des filles, des jeunes, des vieux, on ne sait pas du tout. Et le but, évidemment, arriver à leur faire une conversation de rupture. C'est-à-dire. D'accord. Conversation où vous allez devoir casser avec la personne que vous aurez au téléphone, ok? Donc ouais, ne dites pas. Vous allez devoir casser, donc faire une rupture avec la personne que vous aurez au téléphone, comme si c'était votre copine que vous alliez lâcher, en fait, tout simplement. En disant, ouais, ça va plus du tout, machin, je veux plus de toi, etc., etc. Enfin bref, vous inventez ce que vous voulez. Et évidemment, il faut que ça reste cohérent, d'accord? Okay. Et on n'appelle pas pour dire qu'il y a une rupture. Non, parce qu'il n'y a pas de rupture. Quand tu casses avec ta copine, tu dis pas bonjour, ça va ma chérie, écoute, il y a une rupture. Je dis pas ça, ça ne veut rien dire. Non, on dit ça parce que c'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'on préfère le préciser. Ouais, il y a une rupture. Bah non, il n'y a pas de rupture, non. Bon, on y va, vous êtes prêts, Anton et Quentin, qui veut commencer? Bah, vas-y, qui commence? Ouais, tu veux que. Bah, très bien, bah, Quentin, on va commencer par toi puisque t'insistes. C'est parfait. Ah merde. Ah bah oui. On y va, c'est parti, Quentin, on appelle le premier, Quentin de Dijon là, on appelle le premier, premier maintenant. Si celui qui tient le plus longtemps aura gagné, c'est parti. Bonne chance Quentin. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô, ok? Ok. Allez, c'est parti. Pouf, je suis fatigué moi avec Jean-Pierre. J'ai chanté en même temps, ça m'a perturbé. Mais c'est vrai. Allô? Allô? Oui. Oui, je suis désolé, mais ça va plus trop entre nous et tout, et donc... C'est pour te dire que bah, en fait j'ai trouvé un autre gars et je suis vraiment désolé, mais c'est pas pour toi que je t'aime pas, mais bon ouais, j'ai couché un coup avec l'autre et ça m'a plu et enfin comment dire, je suis désolé de t'annoncer un jour de Noël, mais tu fais plus trop partie de ma vie et bah voilà, enfin bref, donc ça va casser entre nous, je suis désolé d'apprendre ça ce jour là Ça me fait autant mal que toi, mais bon, il m'en met plein la panse, l'autre, et voilà, ça me fait jouir et tout. Qui est-ce qui raconte? Désolé. Comment? Tu fais un monologue, là, non? Non. Je suis désolé. Tu m'en mets plein la panse. Non, hein. Ah, mais m'en veux pas, chérie. Ah, t'annonces ça jour de demain, toi. C'est quoi? Ah, mais excuse-moi, bébé. Bébé. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, sinon, ça va, toi? Ouais, ça va, tranquille. Ah, tu passes quand même ce soir, alors? Ouais. Ah, bah nickel, alors. Tu passes à quelle heure? 22h? Alors, merci, c'est à 22h30. Bah, je passe à minuit, comme ça, on fera Noël ensemble. Je suis rentré à mon nouveau copain, ok? Je t'ai dit le boulot à 4h, c'est possible. On comprend rien, ou tu l'as dit de mettre de son téléphone. Je t'offrirai des capotes, comme ça, tu pourras trouver une nouvelle copine. Attends, faut savoir, t'es gay ou pas? Bah ouais, ça aurait pu. En plus, on me le dit souvent que je suis gay. De merde. Mais non, mais en fait, je suis une fille. Et j'ai envie de changer mon sexe en homme, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris un peu la voix d'homme. Non, bah il a raccroché. Merde, du coup, j'ai pas regardé le timing. Une 47, Quentin. Pas mal, une 47. Il m'en met plein la panse. Oui, il m'en met plein la panse. Oui, ça ne veut rien dire. Bon, Quentin, 1 minute 47. Anton, faut faire mieux, hein. Ouais, non. Bah si, on va voir. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Anton, c'est à ton tour. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, c'est qu'il faut dire allô et commencer à... Eh bien, faire une conversation de rupture. C'est parti, on appelle. Bonne chance. Merci. Allez. Allô. Ouais, allô. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu m'as fait ça? Je devais confiance, moi. Pourquoi tu m'as trompé? Je t'ai vu avec l'autre connard là, dans le magasin, t'as acheté un cadeau là. Ok, d'accord. Bon, allez, salut. Oh, oulala, c'est bon, ça va aller. Oh, allô. Ah bah elle est partie. Oh là là, Anton, là, hein, pas mal, hein, on est bien là en termes de timing de merde là. Hein, Anton, tu étais mauvais. Ah, t'as fait combien là? Très mauvais, 20 secondes. 20 secondes, Anton, bravo. Ouais, ouais. Ah ouais, et par rapport à 1 minute 47 de Quentin, là, il y a quand même... 1 minute 27 de plus. Ah ouais, quand même, ouais. Bon, par contre, il y a une deuxième manche. Attention, c'est pas la peine de faire ton coq, Quentin, là. Il y a la deuxième manche, comme d'habitude. On va voir comment ça va se passer. On gardera évidemment le meilleur score des deux. Donc, si tu rappelles, Quentin, et que tu fais moins bien qu'une minute 47, bon, on gardera 1 minute 47. En revanche, si tu fais mieux, bon, on gardera le meilleur score. Anton, toi, de toute façon, t'as pas le choix, tu dois faire mieux. Hein. Pas de solution, quoi qu'il arrive. Il faut de toute façon faire mieux qu'une minute 47 minimum. Anton et Quentin, ne bougez pas, on fait ça dans quelques minutes. Juste avant, on récupère notre ami Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre ? Oui ! Ah oui, oui, très bien. Bon, alors tu vas nous chanter Je cherche un producteur. Bah, tu veux que je te chante quoi ? Ah bah, c'est Je cherche un producteur. Exactement ? Bah, exactement. Bah, j'avais classé le procureur de la République, moi. Ah bah, vas-y, mets le producteur de la République. Je fais un bon producteur de la République, hein ? Ouais, producteur de la République. Et après, je cherche un producteur. Ouais bah très bien, bah, allez vas-y. Ça alors. Bien ensemble, bah comme ça on fait voilà, comme ça on fait une partouze musicale. Bon, à tout de suite. Ah bah à tout de suite. Oui, tu vas où? Bah là il s'éloigne. Ah oui. Le petit de mettre sa cassette à fond. Oh les basses. Ouais, on est bon là. Je continue mon tour de chant. Son tour de chant. Avec l'écho, j'adore. Il doit avoir une machine à karaoké, tu vois. Bah, il chante pas ou quoi? J'aime le procureur de la République. J'aime les standardistes du pareil. J'aime les extraterrestres. Oh là là. Désolé pour ceux qui sont en voiture, là, et pour le mal de tête. D'ailleurs, quand on ira en concert, on va faire un duo avec Jean-Pierre. Ouais, grave, je pense qu'on sera à peu près dans le même rythme. 7 février. Oui. On va se mettre bien. Un peu plus molle celle-là. Hein. Ça ressemble à Drake. Ouais, Drake, ouais. Et un peu à Pharrell Williams avec Happy. J'aime les filles aigrettières. Je suis la tarte. Il y a Julien qui a envoyé un message sur l'application Mickaël No Limit. Une pause dans la soirée, les écouteurs dans les oreilles, je vais chier. J'entends Jean-Pierre, ça me met du bonheur de Noël. Ça sort tout seul. Oh là là. Il est bon, hein. Oh là, il est magnifique. Parfait. Il y a Félicette qui dit, je veux faire partie de la partouze musicale. Bah attends, monsieur Jean-Pierre prend toute la place. Hein. Je vous attends. Et bien, vous, bonsoir. Parfait. Parfait, parfait. Oh, bravo. Ah oui, ah, quel talent, quel talent. Pierre, tu sais que beaucoup d'auditeurs ont envoyé des messages là pour... ils sont en attente du 7 février quand tu vas faire le concert en Picardie, oui, là. Oui, oui. C'est confirmé, hein. il y a pas de problème. Ah bah très bien, parfait. Bon allez, avant de partir, encore une petite dernière là, la petite dernière. Je vais t'asseoir, je vais te mettre, je cherche un producteur. Je cherche un producteur, très bien. Mais mets la musique un peu moins fort parce qu'on entend mal parfois quand tu chantes. Voilà. Heureusement que j'ai dit mets la musique moins fort. Hein. J'ai toujours aimé la variété. Qui c'est que ça? Je crois que c'est Cherche un producteur. Heureusement que je dis mets la musique moins fort. Hein. Oh là là. Le vibrato. Mes oreilles saignent. C'est un message qui est arrivé de la route à sans vacances. Et Miss qui dit joyeux Noël en fait. Nathanaël qui est trop mal aux oreilles là, je vais devenir sourd, mort d'oreille. Et Léo qui dit c'est pas une partout, c'est du viol auditif. Ah, et puis il a fait l'entier, en plus on est content, on est bien, on entière la chanson. Je cherche un producteur, auteur, compositeur. J'aurais réussi à ma vie, pour ça j'ai besoin de lui. Donc là il chante en direct chez lui, hein. C'est-à-dire qu'il a mis la musique sans parole et il chante par-dessus en direct, dans son appartement. Et c'est ça qui est beau. Je cherche un producteur. Il y a Julio qui dit mort de rire, il me fait penser à Léo dans L'Arme Fatale, il a la même voix. Voilà. Eh ben parfait, bravo. Oh, Comment je l'ai fait vraiment à la comique là, tu vois. Non, mais bien sûr, attends, mais en plus c'était bien, donc franchement, c'est bien marrant, on a bien entendu et tout. Chanson, tu vois, un peu dans deuxième degré. Non, mais très bien, mais franchement, super, super. Même 10. Bah, Jean-Pierre, merci beaucoup. En tout cas, le 7 février. Sur scène avec Monsieur Marchand, qui m'a fait en tournée, j'imiterai que de François en chantant dessus. Oh, génial. Ah bah. Même imiter mes temps. Je bon, bah. Ah oui, oh là, l'imitation de Claude François, et tu la tiens parfaitement bien là. C'est Mitterrand que t'as imité là. Non, c'est Claude. Non, j'ai imité Mitterrand. Mais ce soir, je devais rencontrer Madame Chirac au Saint-Clair. Ah bah vas-y. Ben oui, je devais ce soir, j'étais invité au Saint-Clair à Compiègne. Ouais. Je parle bonjour à Romuel. Ouais. Il m'a invité, puis il y a Madame Chirac qui passe là-bas. Bon, l'embrasse. Cabaret. Eh ben, y a pas de problème. Rigette, mais justement, Vincent peut pas venir me chercher. Ah merde. Ah bah oui, c'est dommage, évidemment. Bah, il peut pas être partout. Hein. Non, bon, bah écoute, Jean-Pierre. Ce soir, j'ai souhaité un bon. Jean-Pierre, Noël à tous. Eh ben, je te souhaite un bon Noël également, une bonne année, et dès qu'on revient, on te reprend. Et tu peux voir Exégut. Oui, bah oui, mais là il est en vacances. Il est en vacances, Zégut. Je crois qu'on gère toutes les radios du monde. Il y a des gens qui me disent ouais, mais quand il arrête pas de se foutre ta gueule. Mais c'est faux. Jamais. Bah, regarde, t'as chanté sur avec Zégut. Non, mais t'as chanté 5 chansons là. 5 chansons, t'as chanté en direct à l'antenne. Bon, je te remercie. Bah, avec plaisir, Jean-Pierre, je te souhaite un excellent Noël et une bonne année. Et je vous embrasse, c'est tout ceci même, je vous souhaite un joyeux Noël. Très bien, parfait. Salut Jean-Pierre, merci beaucoup. Ben voilà, on a des stars sur Fun Radio. Ben ouais, les autres radios n'en ont pas. Qu'est-ce que les joueurs? Ah oui, enfin, en même temps, ils sont pas là, ils pouvaient pas exactement avoir grand monde. Bon, il y a Demi Lovato qui va arriver dans quelques minutes. Ce sera Neon Light sur Fun Radio. On revient en direct, il est 22h44, soirée de Noël. On est en direct avec vous. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël nos limites. 20h. Limite. C'est tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Je vais faire les jingles à la bouche dorénavant. Hein, parce que bon, ça fait 3 jours maintenant qu'on donne le mauvais horaire. Hein, mais bon. Il y a Nicolas qui dit l'émission de ce soir est énorme. Je suis mort de rire à table. Il y a Norine qui dit je crois que mes oreilles commencent à saigner. J'adore le jeu de la rupture. On va faire la suite. C'est Ness qui va envoyer le message dans quelques minutes. Il y a Fred Esquelman qui dit comme il s'y prend comme un manche sérieux, mais qu'il est mauvais. Et Valentin qui dit j'ai reçu une bouteille d'eau de 2 litres. Honte à Papa Noël. Oui, effectivement, c'est pas terrible. Il y a Kelly qui dit bonsoir, j'ai eu un parfum pour Noël, Bah, c'est bien, c'est un parfum. Enfin, ça dépend. Bah, ouais, cas, mais... ouais, ça dépend. Ouais. Ouais. Il y a Lucas qui dit aussi aujourd'hui pour Noël, ma copine m'a offert le livre Le sexe pour les nuls. Oh là là. Oh, le cadeau. Eh, file-le à Toff, ça va, il va s'en servir quand quand t'auras fini. Il y a Ahmed aussi qui dit frais l'émission. Big up dédicace à Soufiane de Liège et Angelo du Boxing Club Bressou. Bah, le message est passé à Ahmed et Maëva également qui dit putain, chez moi, je suis comme une colle en train de chanter mort de rire. Mon frère pète un câble. Tu m'étonnes. Et mes oreilles saignent aussi pour Célia. Il y a Maëlys qui dit trop fort. Bisous à toute l'équipe. Et Pierrick, joyeux Noël. Merci d'être là. Ben merci à vous aussi d'être là. On est là ensemble en direct jusqu'à minuit minimum pour passer le réveillon de Noël avec vous. On va encore faire des échanges de cadeaux dans quelques minutes. On va également faire la rupture là dans un instant, la suite, la deuxième partie avec Anton et Quentin. On va essayer d'appeler également notre ami Karima. Mais oui. Et hein. Puis on va même essayer d'appeler notre ami Bruno qui aussi. Il y a pas de raison. Hein, bah ouais. Joyeux Noël à tout le monde. Oui, c'est Noël pour tout le monde. C'est Noël pour tout le monde. Voilà, on essaiera d'appeler Bruno, on essaiera d'appeler Karima, on essaie d'appeler tout le monde histoire de faire chier parce qu'il y a pas de raison, hein, tu vois. Et voilà. On fait chier JB aussi. Ah bon, on va appeler JB aussi, évidemment. Ah oui, JB, faut l'appeler tôt parce qu'il est il est en direct de... Non, c'est Nouvel An, ça. Ah, c'est Nouvel An, ça. C'est va. Nouvel An, là, il est chez lui, il se fait chier comme un rat, là. À Toulouse, je pense. Bon, Demi Lovato, je vous l'ai promis, on s'écoute maintenant le son de Neon Lights. Bonne nuit avec Fun Radio. Be still my heart, cause it's freaking out. Be still my heart. Cause it's freaking out. Demi Lovato sur Fun Radio, Neon Lights. Bon, et restez bien là aussi, hein, puisque tout à l'heure je vous cale aussi. Comme promis, je vous l'avais dit justement, déjà le double fun qui va tomber pour gagner l'iPad Air. Double fun, ça veut dire qu'il y a le son d'Eminem et Rihanna enchaîné avec celui de Showtech. Et je vous mettrai également avant de partir, évidemment, parce que c'est un de mes sons préférés de toute façon et qu'il y a un moment il m'est tellement heureux que de bonne humeur qu'il faut le mettre. Un peu comme Jean-Pierre Sauter, quoi, tu vois, ouais. Les bonnes humeurs. Happy. Because I'm happy. Bon, je vous le mettrai tout à l'heure, évidemment, on va pas gâcher maintenant, ça tombe sur le sens. Bon, on va faire la suite maintenant avec la rupture. Le jeu de la rupture avec Anton et Quentin, vous êtes à tous les deux. Ah oui, non, bah ils peuvent pas être là parce que je vais pas bouger sur le bouton. Hop là, voilà, c'est fait, je m'en mets une. Voilà, ça y est, c'est pour moi. Bon, alors, Quentin et Anton. Donc, Quentin qui a fait 1 minute 47 au jeu de la rupture. Anton qui avait été très mauvais puisqu'il a fait 20 secondes. Et bah on va remettre la deuxième partie, la deuxième manche. Oui. Bon, ouais. Anton, tu dois faire absolument mieux. Quentin, on recommence avec toi. Si tu fais moins qu'une minute 47, on gardera ton meilleur score. Si tu fais plus, on gardera donc le nouveau score s'il est meilleur, évidemment. D'accord? Ok. Bon, on y va, je rappelle le principe pour ceux qui débarquent. C'est la deuxième manche, là, on a fait la première juste avant la pub. Il faut appeler des gens au hasard et leur faire une discussion de rupture, un petit scénario de rupture. Donc ne pas dire qu'il y a une rupture, ça n'a pas de sens. Mais simplement dire, voilà, comme si vous quittiez votre copain ou votre copine. C'est pas compliqué, par téléphone, en tant gros lâche, quoi, tu vois. En mode gros lâche. Bon, en tough. On y va, Quentin, c'est parti. On appelle dès que la musique s'arrête. Comme tout à l'heure, tu commences à parler, tu dis allô et puis t'enchaînes, ok? Ok. Allez, vas-y, ma gueule. Allez, bah ça va décrocher là en plus. On va faire des appels avec Toff aussi là, on est en retard. Oui, ça fait longtemps. Oui, bah je confirme. On va faire ça après. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Mon bébé. Oh oui, ça doit être pour toi. Attends, Angèle. Allô? Allô, bébé? Hein? Bébé? Bah en fait, c'était pour t'annoncer, je suis désolé. J'ai trouvé une autre fille parce que tu sais, je suis à Carrefour cet après-midi et puis rencontré une autre fille. Carrefour. Et on l'a fait dans les vestiaires. J'étais dans les rayons, je l'ai prise quoi. Et elle me plaît plus que toi et je suis désolé de te la monter tout ça comme un cadeau de Noël à l'avance, de pêcher comme ça. Et bref, voilà, ça va être fini entre nous parce que j'ai rencontré une nouvelle fille et elle me satisfait plus que toi et voilà. Oh, il a de la chance, hein. Qu'est-ce qu'il a comme chat. Écoute, il y a un connard, là. Allô. C'est qui? Oh là, bah, c'est Pépère qui arrive, là. Copain qui? Bah, le copain. Mais pas quoi, hein? Je lui annonce que j'ai trouvé une autre fille. Donc, je lui chie comme ça, comme un cadeau de Noël. Je suis désolé, hein, de vous la prendre comme ça. Moi, je m'appelle Quentin. C'est Quentin. C'est copain. C'est Quentin, c'est copain, c'est bien, ça rime. Non, non, mais je rigole, mais voilà, je vous ai dit comme ça. Allô. Allô. Allô. Allô. Ouais, bon, c'est ton problème, toi. Wesh, mon pote, viens. Hein? Viens. Excuse-moi, il y a un problème, écoute-moi, ça fait trois fois que tu essaies d'appeler chez moi là. Y'a pas un problème? De quoi? Tu t'es pas masqué là. Tiens, et ça y est, c'est reparti. Quoi? T'entends rien? T'es sûr? T'as un truc? Oh, il est chaud lui. Attends, ah, bah vas-y, viens, je t'attends, vas-y, viens, je t'attends, je suis chaud patate, moi. Mais viens, je vais t'en mettre un, moi, de pas la gueule, connard. Attends, tapez, sinon c'est moi qui va venir, compris? Mais non, ma il a de la chance, le bâtard. Tapis, s'il te plaît. Gros bâtard. Ici, y'a un mec, t'es des mecs. Ah, tu mais vas-y, je vais lui faire encore un peu de plaisir. Hier soir, t'as pas entendu, quand j'étais chez toi, je lui faisais la mort. Hein? De quoi? Qu'est-ce que ça dit, la connard? Bah, ah, il est chaud, hein. Je suis pas un connard, déjà. Non, mais quelle fille? Un beau-père. Quelle fille qui veut? T'es qui là? Mais bah, c'est son ex. Bah parce que j'ai trouvé une autre fille à Cutigny, à Carrefour. Mais t'es qui toi? Et ben bah, moi je suis son ex. À qui? Et bah à qui? À ton avis. J'appelle sur un portable de fille là. Et bah ta gueule, tu l'as vu? Bah vas-y. Viens, mets-moi une fessée sur les fesses. Tu veux que je monte à chômage là? C'est quoi? Tu veux que je monte à chômage, t'en mets une? Vas-y, viens, j'arrive chez toi. Bon. Alors, viens, je vois rien, je crois que d'accord, connard? Bah attends, bah passe-moi ta fille. Ah, il a raccroché, il a raccroché. Ah, enculé, t'as fait combien là? 2 minutes 35. Oh, 2 minutes 35 C'était oh là là. Bon, Anton, là, il faut faire mieux que 2 minutes 35. Ouais. Et il a eu la chatte de tomber sur un client comme ça, lui, deux fois de suite. Hein. Deux fois de suite, il a eu un bon client là. Bon, Anton. Ouais. Bon, tu vas quand même tenter ou tu préfères arrêter là? Ouais, j'ai tenté quand même. Tu vas tenter, t'as raison. Ouais, il est joueur. Allez, c'est parti, on y va. 2 minutes 35, c'est le score à battre. Tu fais moins, tu perds. Tant pis, Quentin reste avec nous. Et dès que t'entends plus la musique, tu dois y aller, tu le diras allô, Anton. Ouais. Allez, 2 minutes 35, c'est chaud, je t'avoue. Hein. Oui, allô? Salut. Allô? Je sais pas comment te le dire. J'ai pas envie de te blesser. Mais en fait, j'ai trouvé une autre fille. Quoi? Bah, j'ai pas envie de vous blesser en fait, mais je vous ai vu avec quelqu'un que j'aime pas en fait, et du coup, j'ai envie de vous quitter, je sais pas, vous pouvez pas me justifier. Allô? Oui? Bon, l'autre il a de la chance, bah, mais lui est mauvais. Pourquoi vous m'avez trompé en fait? Vous pouvez pas me justifier. Mais à qui vous parlez là? Bah, à vous. Mais c'est-à-dire qui? Bah vous en fait, c'est bon, arrêtez de faire l'innocent, vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît. Ah non, j'ai rien à expliquer. Je m'appelle comment? Pardon? Je m'appelle comment? Bah vous appelez comme vous appelez. Eh bien, c'est-à-dire, puisque vous me connaissez, je m'appelle comment? Bah oui, je vous connais. C'est pour ça que je vous appelle. Vous me connaissez? Oui. Ah, vous êtes reprenne. Attendez, là, il y a un problème. Bah je sais pas moi. Je m'appelle comment? Bah, mais je vous connais... Une 15, on n'est pas loin. Enfin, il y a encore une bonne minute à faire. Non, je vous connais pas du tout. Je vous connais pas du tout, je ne sais pas à qui je parle, cher monsieur. Ah bon? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, c'est peut-être... Bah, je sais pas, mais... Je sais pas, mais... Bah, il ne sait pas. Bah, s'il ne sait pas, il ne sait pas. Je peux rien vous expliquer parce que je ne vous connais pas. Mais il ne sait pas. Ah bon? Ah ouais. Bah, mais moi, je vous connais, vous pouvez pas m'expliquer, je sais pas de... Écoutez, je suis en famille, là, je fais le réveillon de Noël. Ah bah ça s'entend pas, hein. On sent le bonheur. Hein. Bah moi, je vois à qui je parle. Bon, mais moi non. Vas-y. 1 minute 58, tu t'arrêtes. Quand même un joyeux Noël, et tiens. Puis c'est tout, mais je ne vous connais pas, monsieur. Bah moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous quitte. Tiens! C'est un go... Mais tiens! Non, attends, elle est encore là. Allô? Ah, elle est sur la galère. Mais... Elle est encore là? Non, tiens! Elle est partie là. Allô? Hop là! Oh là là, 22. Oh putain, 2 minutes! 22. Oui. Quentin, t'as fait 2,47 toi, c'est ça? 2,35. Putain, il a fait 2 minutes 22 en ton là. Il était mauvais, mais il était pas loin quand même, hein. Mais fallait tenir. Il fallait pas qu'il parle comme ça, il aurait pu rester plus longtemps. Mais oui, Anton, en plus, pourquoi tu lui dis au revoir toi à la fin? Il te restait 15 secondes à faire, tu lui disais pas au revoir, tu disais non mais attends, t'essayais d'embrouiller d'une manière ou d'une autre. Non mais t'as eu raison de lui dire au revoir. Ah bah oui, là oui, bah oui, Quentin, ouais, forcément, j'imagine. Bien, ouais. Bon bah bravo Quentin, c'est gagné pour toi. Et Anton, bah malheureusement, tu retournes chez ta mère les mains vides, hein, Anton. Hein. Ouais, Ouais. Ah ouais, bah là malheureusement il y a pas de solution là. Je suis désolé Anton là. Bon, bah tu reviens quand tu veux Anton. Ouais, pas de problème. Bon, allez, salut Anton, à bientôt. Ouais, j'ai une petite question Mickaël. Ouais Anton. Ouais, tu peux passer à Clermont un de ces quatre. Bah, écoute, on va faire le tour. Enfin, on va faire le tour. On passera pas partout cette année évidemment, mais on va essayer de faire un maximum. De toute façon, je sais qu'il y a Toulouse qui est prévu, il y a Marseille qui est prévu également. On a un concert. On passera vous voir à Marseille. On viendra également le 7 février là Picardie. En Picardie. Je sais plus dans quel endroit pour faire le concert de Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Donc ça va être énorme. Et puis bah Clermont, bah écoute, on va essayer de passer hein, évidemment Anton. Top va chanter avec Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Bon, salut Anton. Ouais, allez, à plus. À bientôt. Et bah bonne fête aussi. Et bravo en Quentin. Tu retournes chez Sandro au standard. On prend toutes tes coordonnées, d'accord? Tu peux faire une petite dédie? Allez, vas-y, à une seule personne, on t'écoute. Alors, je fais une dédie à ma meilleure amie, puis à toute sa famille. Joyeux Noël. Ok, ça roule. Salut à toi, à bientôt, Quentin. Ciao. Salut. Allez, bye bye. Et puis bah nickel hein, comme ça c'est parfait. On va faire un petit appel avec Toff également. Ah oui, ça fait longtemps. Parce que Toff a essayé de se faire inviter pour Noël hein, oui. Pour le repas de Noël. Bon là ce sera plutôt le dessert voire la bûche. Bah oui. Plutôt oui, la bûche même. Oui, enfin, je viens pour le réveillon, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour réveillonner, pour pas réveiller tout seul. Et là, apparemment, on a le numéro d'un Corse. Ah, vous savez qu'on aime bien les Corses. Ah, on les adore. Donc on y va, les Corses n'aiment pas Toff, mais nous on aime bien les Corses. Donc on y va, on appelle pour que Toff se fasse inviter à la maison. C'est parti, merci à tous les auditeurs qui ont envoyé des numéros de téléphone comme tous les soirs, vous avez été au top. Sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Si vous avez encore des numéros de téléphone à nous envoyer, ce sera avec plaisir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que voilà, je savais pas quoi faire pour Noël et je me disais que peut-être je pourrais venir chez vous. Ah, certainement pas parce que je suis pas là. Ah bon, mais vous êtes où? Moi, je suis en Corse. D'accord, et pourquoi je pourrais pas venir en Corse? Ah ben, ma foi, j'en sais rien. Hein. Et pourquoi vous viendrez chez moi? Bah, pourquoi pas? Mais certainement pas, hein. Bah, pourquoi, monsieur, c'est pas esprit de Noël, ça? Bah, non, monsieur, c'est pas esprit de Noël de se faire enculer. Pourquoi enculer, toi, là? Mais moi, je veux juste faire Noël avec vous, monsieur, c'est tout. Mais certainement pas, hein. Mais monsieur, soyez gentil. Parce que je suis pas chez moi. D'accord, mais vous êtes pas chez vous, mais je peux venir vous retrouver, y a pas de souci. Mais non. Mais pourquoi non, monsieur? Ouais, ça va, tu me casses les couilles, ça te va? Bah non, ça me va pas, monsieur. Mais tu vas te faire enculer, ça te va aussi? Mais non. Tu m'emmerdes plus, tu raccroches et tu m'emmerdes plus, t'as compris? Mais c'est pas du tout esprit de Noël, non, ça, monsieur. Ça va, tu m'emmerdes plus, t'as compris? Mais enfin, monsieur. Bah tu vas te faire enculer. Mais non, monsieur, tout ça n'est pas esprit de Noël. Ah oui, mais il est raccroché là. Attends, c'est vrai rappelle. Que c'est pas super esprit de Noël. Mais non, ça se fait pas. Bon, on rappelle. Allons-y. Allez, c'est parti, on rappelle. Et on fera encore les échanges du cadeau dans quelques minutes, hein. Allez. Alors. Oui, monsieur. Alors, oui, monsieur, c'est pas du tout esprit de Noël ce que vous me racontez. T'as décidé de me casser les couilles ou quoi? Mais non, j'ai décidé qu'on allait passer. Je te dois quelque chose. Mais non, je veux juste qu'on passe Noël ensemble. Je te dois quelque chose, espèce de con. Hein? Non, où c'est. Où que tu es là? Moi, c'est juste pour qu'on passe Noël ensemble, monsieur. Non, je te demande où c'est que tu es. Mais je suis à côté, monsieur. Hein? À côté de quoi? Mais à côté de chez vous, je suis pas loin. Pourquoi tu voudrais passer Noël avec moi, espèce de con? Bah, parce que je sais pas avec qui le passer d'autre et je me disais. Non, tu fais comme tu veux. Et tu ne m'emmerdes plus. Ça te va? Bah non, c'est pas esprit de Noël du tout ça, monsieur. Écoute, je m'en fous de l'esprit de Noël. Je te dis que tu ne m'emmerdes plus. Tu trouves quelqu'un d'autre. Bah oui, mais c'est pas gentil, monsieur, parce que non, moi... Non, j'en ai rien à foutre, gentil ou pas. Tu vas pas m'emmerder toute la soirée, hein. Parce qu'on était ensemble, on s'était trouvés... Non, on n'est pas ensemble. On aurait pu passer une bonne soirée tout le temps. Je ne connais pas. Bah non, mais on aurait fait connaissance. Non, mais t'as pas fait connaissance. On aurait mangé... Je te dis que tu m'emmerdes plus. On aurait bu un peu de champagne, mangé un gros saucisson. Je n'apporte rien du tout. J'en ai pas du champagne. Bah je vous en apporte, moi. Non, mais tu n'apportes rien du tout. Franchement, vous êtes pas sympa, monsieur. Mais je m'en ai rien à poutre. Eh ben, c'est vraiment pas gentil. Ah, allez, tu trouves quelqu'un d'autre, ne m'emmerde plus. Ah, il a raccroché, ouais, donc ça c'est... Bon, bah, trouve quelqu'un d'autre, je pense que tu n'es pas le bienvenu. Non, j'ai cru comprendre. A priori, en tout cas. Bon, bah, c'est pas grave, on va refaire, on va rappeler encore. Il y a Étienne qui lui a offert ses chaussons pour Noël, ce sont juste les moins virils au monde. Ah oui, c'est pas horrible, c'est pire que ça. Hein. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, c'est une espèce de grosse chaussette rose avec deux petites... comment on appelle ça, des petits trucs... Des bonbons, oui. C'est très laid, Étienne. Hein. Avec ça, des c'est glands. Glorieux. Et Ticia qui dit « Vive la politesse !» Eh ben, je confirme. Phil également qui dit « Qu'est-ce qu'ils étaient mauvais, là, tout à l'heure ?» Non, mais juste un en particulier. Il y a Valentine qui dit « Je peux échanger un cadeau ?» Bah oui, si tu veux, appelle-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va faire ça dans quelques minutes. Antoine qui dit « J'ai reçu un balai pour nettoyer ma chambre perso. Grave deg. Ah bah, il fallait en prendre soin, voilà. Norine aussi qui dit « Franchement, ce mec, s'il est neuf, je crois qu'elle le fait cocu. » Guillaume qui dit « Joyeux Noël à toute l'équipe !» Et Miguel également qui nous envoie un message qui est dans la catégorie « Bouffon, ce mec a pulvérisé de record. » Et Marine Océane aussi, salut toute l'équipe, merci d'être là pour ne pas nous avoir laissé comme des merdes. Joyeux Noël à toute l'équipe, je vous aime, gros bisous. Benoît aussi, on t'aime, Marine, voilà. Et puis Larry aussi, mort de rire, je pleure de rire, c'est parti en couille. Et GTR qui dit mort de rire, il va à Carrefour trouver une nouvelle meuf, le gars tout à l'heure là pour oui, c'était dans la rupture. Et Ness qui dit pour une fois qu'une radio est en direct un soir de réveillon, je pouvais pas rater ça. Ben, je te remercie Ness et je suis content que tu le soulignes. En effet, restez sur Fun Radio, peut-être le double fun dans quelques minutes. Si vous entendez Eminem enchaîné à Showtech, eh bien il faut appeler le 3228 puisqu'il y a un iPad Air à gagner. Et si vous êtes en Belgique, vous envoyez un SMS, vous envoyez FUN Fun au 6322 pour tenter de jouer justement. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, ce qui va arriver de manière certaine, c'est ça. Eminem et Rihanna. Et si jamais c'est enchaîné avec ça, faut appeler le 3228, c'est par téléphone, pour toute la France et pour la Belgique, vous envoyez FUN au 6322 et on vous appelle dans quelques instants, peut-être pour vous offrir votre iPad Air. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, joyeux Noël tout le monde, on revient en direct sur Fun Radio juste après. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck, Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, 23h10. Et oui, réveillon de Noël, on est là quand même. Hein. Ouais. Il y a toujours la Samsung Galaxy Tab 3. C'est la toute dernière qui est à gagner sur le Facebook. On tire au sort avant minuit. Donc dans moins de 50 minutes, si vous voulez tenter votre chance et gagner votre Samsung Galaxy Tab 3, eh bien il suffit d'aller faire un like et un partage sur la photo où je suis avec le Samsung Galaxy Tab 3. C'est pas très compliqué, c'est la toute dernière que j'ai mise. Vous y allez et puis bah, si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous offre votre Samsung Galaxy Tab 3. C'est pas plus compliqué que ça. Jeu gratuit et en plus, je peux vous dire que ce soir, vous avez plus de chances de gagner puisque bah forcément, il y a moins d'auditeurs que d'habitude puisqu'il y en a plein qui passent le réveillon en famille. Ouais. Donc, bah ouais. Et regardez bien les messages autres. Et regardez les messages autres puisqu'on vous demande votre numéro de téléphone. On vous enverra un message si vous êtes tiré au sort pour vous demander votre numéro de téléphone et si vous répondez, bah forcément, on vous appelle en direct et quoi qu'il arrive, pour gagner, il faut passer à l'antenne. Voilà. Donc comme ça, vous savez tout. Bonne chance tout le monde. Il est 23h10 sur Fun Radio et je vous l'avais promis. Eminem, Rihanna, The Monster. Si juste après, je vous cale Showtech, vous appelez le 3228 ou alors le 6322 depuis la Belgique, vous envoyez votre SMS avec FUN et vous repartirez peut-être avec l'iPad Air. Ce sera donc à ce moment-là un double fun. Bon alors, je vous le mets ou je vous le mets pas le Showtech? Moi, si je vous le mets, c'est le double fun. Si je vous le mets pas, ben, c'est pas le double fun. 3228 pour nous appeler si jamais c'est le double fun. Ou alors FUN au 6322 pour la Belgique. Et ouais, je sais pas. Allez, je le mets. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. Eh ben, le double fun est passé là. Double fun avec Eminem et Showtech. Et l'iPad Air a gagné. Donc 3228 pour nous appeler maintenant. Vous appelez en studio directement 3228. Ou alors pour la Belgique, vous envoyez FUN au 6322. C'est un euro le message. Et puis bah bonne chance tout le monde pour choper votre iPad Air. On donne on appelle le gagnant ou la gagnante dans 30 secondes. Allez, une minute, le temps de sélectionner tout ça. Le prince Nadia qui dit Mickaël, Tof, Polo et Sandro, vous êtes des bons animateurs. Ouais. Merci le prince Nadia. Océane qui dit je me suis tapé un fou rire à cause de vous, la pétage de câble. Il y a Alexandre qui dit à peine sorti du réveillon, à l'écoute des rares qui sont en direct. Mais c'est pas des rares, on est les seuls, hein, t'emmerde pas, hein, mais c'est gentil. Et Eric qui dit un beau cadeau de Noël aurait été de nous épargner Jean-Pierre Sauzère. Et... bah oui, mais qu'est-ce que tu veux. Oh, et ça arrive. Non, mais il était bon esprit. Mais oui, il était de bonne humeur en plus. Voilà, soir. Exactement. Bonne fête, Mickaël, Sandro, Polo et Toff. Merci, Oya. Bonne fête à vous aussi. Bonne fête à tous ceux qui êtes derrière la radio là actuellement. Merci beaucoup d'être là d'ailleurs tous les soirs. On va se faire l'échange de cadeaux aussi avec Jean-Marcel, avec Mylène, avec Ryan. Bonsoir tous les trois. Salut. Avec Jean Marcel. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est bien. Bon, ça tant mieux. Alors, je rappelle le principe, vous allez devoir voter pour celui qui pour vous mérite qu'on échange son cadeau contre un ordinateur portable, c'est-à-dire un netbook. S'agit-il de Jean Marcel, de Mylène ou de Ryan? Alors, on va commencer par Ryan. Ryan, t'appelles de Colombes, toi, dans la région parisienne? Oui. Bon, très bien. Bon, et qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau, Ryan? J'ai une manette PlayStation 3. Bah c'est bien, t'as une PlayStation 3 ou pas? Mais non, j'ai une Xbox. Personne. T'as quoi? Mais y a personne qui joue avec moi. Ah. oui, forcément, oui, évidemment, vie comme ça. Bah dans l'absolu, le cadeau est sympa. Bah oui. Voilà, c'est con que t'aies personne pour jouer avec toi, effectivement, oui. Mais tu veux pas qu'on te trouve un ami plutôt? Ouais, tu veux pas plutôt trouver un ami plutôt que d'échanger? Moi, je préfère l'échanger. Tu préfères l'échanger, j'imagine. Bon, très bien, comme ça au moins on sait. Mylène qui est avec nous de Toulouse. Salut Mylène. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va Mylène? Ça va très bien et vous? Bon, oui, ça va bien Mylène. Bon alors, dis-moi Mylène. Moi, c'est ma grand-mère qui s'est chiée sur son cadeau. Elle a pas vu que j'ai grandi, donc moi j'ai 28 ans. Elle m'a offert une chemise de nuit genre pic t-shirt avec des gros nounours dessus. Non, oh, mais c'est mignon. Écoute, pour qu'on s'en rende bien compte, faudrait que tu la mettes et que tu te prennes en photo avec. Si tu envoies polo@radio.fr. Si tu pouvais juste laisser un sein dépasser, ça serait parfait. Oh, c'est ça. Tu la mets en... Si je la mets, j'ai pas un seul vote tellement qu'elle est moche. Mais justement, on t'aura tous les votes alors. C'est ça le truc. Bon, ok, ça on a noté. Et Jean-Marcel qui est avec nous de Lyon. Salut Jean-Marcel. Salut. T'as reçu quoi toi? Un prénom de merde. T'as reçu quoi JM? Moi j'ai reçu des piles. Des piles? Des piles? Mais des piles pour quoi faire? Justement je sais pas. T'as reçu des piles? Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un autre cadeau qui va arriver dans lequel il faut mettre les piles? Non je crois pas en fait hein. J'ai eu juste ça. T'as eu des piles crayon? T'as eu des piles quoi? Aérocell. Aérocell? Je sais pas, c'est une vieille barque pourrie. Mais attends, ils sont foutus de ta gueule. Ah ouais, là, je pense qu'effectivement ils sont foutus de ta... Ou alors vous deviez vous faire des petits, tu sais, genre quand parfois on fait des trucs comme ça, tu sais, on va allez, cadeau à 5€ maximum et puis tu sais on se trouve des conneries à s'échanger, s'offrir pour le fun quoi. T'en as reçu 200 ou 300? Il y en avait 8 dedans. Ah génial. Putain, ah ouais, cool, ridicule. 8 piles, c'est bien. Moi je serais content d'avoir reçu 8 piles. Ah bah attends, avec 8 piles, je peux te dire que tu peux tenir des années avec une télécommande. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, dis-toi que c'est un investissement, c'est pas mal. Bon, très bien, on a fait le tour des trois maintenant. À vous de voter. Vous envoyez avec le hashtag Mickaël sur Twitter et Facebook, ou alors vous envoyez votre avis sur les SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de du message. Vous envoyez le tout au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Donc Ryan qui a reçu une manette de PS3 et il voudrait l'échanger contre un PC portable. Mylène qui a reçu une chemise de nuit de grand-mère et elle voudrait l'échanger contre un PC portable. Et Jean-Marcel qui a reçu des piles et qui voudrait l'échanger contre un PC portable, à savoir évidemment que pour recevoir le PC portable, il faudra d'abord nous envoyer le cadeau, hein, la pile, la chemise de nuit ou la manette PS3. Vous êtes bien conscient de ça? Pas de problème. Très bien. Je verrai Toff, mais comme un gant, avec la chemise de nuit de Mylène. Si c'est la chemise de nuit qui gagne, tu la mets. Je la mets. Parfait. Bon, alors, si vous voulez voter, hein, n'hésitez pas. Et Mickaël, hashtag et Mickaël sur Twitter et Facebook. Et sur les SMS également. Et Mickaël, suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Jean-Marcel, Mylène et Ryan, vous restez avec nous? Ouais, bon, bougez pas de là. On va prendre Célia aussi dans quelques minutes. On aura Aurélien. Et puis, on va appeler le gagnant du double fun maintenant. Attention, c'est parti. Ah bah, parfait. C'est un fax. Bien. Attends, on envoie un fax là. Non, je sais pas ce que c'est, mais attends, on va essayer de rappeler, on sait jamais. Hein. Attends, une seconde. Il y a bien... Ah bah non, ah oui. On a dû faire une erreur dans le numéro de téléphone. Bah, c'est pas grave, on va sélectionner quelqu'un d'autre. En attendant, on va peut-être appeler Karima. Hein. Mais oui, après, oui, c'est parti. Hein, Karima qui a fait Starfloor avec moi d'ailleurs. Karima. Ah oui, qu'elle était belle. C'est vrai. Bon, et Karima qui était avec nous la semaine dernière aussi, hein, dans Moi Boss de Fun Radio, c'était jeudi dernier, avec la Migale. Ah oui, qu'elle était belle. Ouais, elle était pas mal. Hein. Voilà, donc on avait dit qu'on l'appellerait pour Joyeux Noël. Attends. Elle va pas décrocher, tu vas voir. Allez, Karima. Oh là là. Oh, ça se fait pas. Ah non, ça se fait pas. Elle avait promis en plus. Exactement, ouais. Ho ho ho ho. Désolé, je ne suis pas là, mais laissez un message et je vous rappelle très vite. Ah, il y a une voix de bonasse. Ouais. Ah, grave. Karima. Ah ben, on voulait te souhaiter joyeux Noël. Oh là là, tu nous as déçus, Karima. Oh putain, on est en direct à la radio. Là, tu nous dis appelez-moi pour Noël et tout. On t'appelle et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, un échec total, échec cuisant. Ah, on est déçus. Déçus. Ou alors, elle a vu simplement qu'en fait, c'est un numéro masqué. Elle a cru que c'était Toff. Elle s'est dit, oh putain, cette tête de con, je décroche pas. Ou alors, elle a vu Toff habillé en Père Noël sur le Facebook et elle a dit, je décroche pas non plus. Ouais, ça, c'est une possibilité également. Bon, bah tant pis, Karima, on souhaite quand même un joyeux Noël. Elle est morte torchée dans un coin. Ouais, ou alors elle est morte effectivement torchée. Oui, ça c'est une possibilité plus que probable, et j'ai envie de dire. Bon, mais gros bisous Karima, joyeux Noël, bonne année, blablabla, blablabla, bla, bla, et blablabla. Bla, et rendez-vous en 2014. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, au revoir Karima. Oh, déception totale du public. Complètement. Ah, totalement. Bon, on a le numéro du double fun là, c'est parti. Le son d'Eminem et le son de Showtech qui sont passés tout à l'heure. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante, c'est parti. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on mettra Pharrell Williams après, et ça c'est cool. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Tu as entendu un double fun? Oui. Quels étaient les titres du double fun? Enfin, en tout cas, les noms. Rihanna et Eminem, The Monster. Oui. Et Showtech, Booyah. Oui. Eh ben, bravo. L'iPad Air est pour toi. Comment? C'est pas vrai, oh. Non, c'est pas vrai. Bon, on va le garder justement, tiens. Non, je plaisante. Il est pour toi. Bravo à toi. Et petite question, vite fait comme ça au passage. Comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin. Bah bravo. Bah écoute, bonne fête, joyeux Noël et Papa Noël vient de t'offrir donc l'iPad Air, hein, pépère. Ouais, merci beaucoup. Merci. Tranquille la soirée. Tu fais quoi pour Noël là? Ben là, je vais sortir. Ah bah d'accord. Ok, très bien. Eh ben écoute, sors bien. Fais attention. Ouais. N'oublie pas Sam. Hein. Ok, ouais, il n'y a pas de problème. Eh ben très bien, je compte sois sur prudent. Toi. Exactement, ça marche. Salut à toi, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Eh ben voilà, le double fun c'est passé. Restez encore à l'écoute de Fun, évidemment. Le double fun peut arriver à n'importe quel moment. Dès que vous entendez Eminem, Rihanna enchaîné avec Showtech, il faut donc appeler le 3228 pour choper votre iPad Air. C'est comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Plutôt bon esprit. Bah, c'est beau, classe. C'est beau, j'aime voilà. Bien. Ça, c'est esprit de Noël. Exactement. Il y a Emis qui dit t'es génialissime. C'est un plaisir de vous écouter tous les soirs. Mais merci Emis. Il y a un chaton de Noël qui dit je peux enfin vous écouter, Mickaël. Heureusement qu'ils sont là. J'ai passé un réveillon pourri en famille. Bah, c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Et Blast Bleu aussi. Joyeux Noël à toute l'équipe ainsi qu'à tous les auditeurs. Merci à toi. Et Ariel qui dit le même pour moi. Je compatis totalement pour la chemise de nuit. Une ceinture de chasteté est plus sexy. Et Norine qui dit joyeux Noël à toute l'équipe. Et merci d'être là ce soir avec grand plaisir. Merci à vous aussi. Et Ticia qui dit joyeux Noël à toute l'équipe. Merci Ticia, merci à vous toutes et tous d'ailleurs d'être là tous les soirs. Ça fait plaisir, vraiment plaisir. Bon, on fait encore un petit appel avec Toff. Oh oui, ça fait longtemps. Oh bah oui, ça fait longtemps. Ça me manque. On y va, tu vas toujours essayer de te faire inviter hein, pour passer le réveillon. Bah, il est temps là, parce que c'est bientôt minuit. Bah oui, là c'est bientôt minuit, c'est bientôt le réveillon de Noël, donc il serait peut-être temps effectivement. Donc on y va, on appelle. Hein. Allez, c'est parti. Allez, tout à l'heure on a appelé chez un Corse qui t'a insulté. Bon, bah comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment eu de surprise, quoi. Non. Voilà. Non. Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si je pouvais venir passer Noël avec vous. Attendez un minute. Oui, oui. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, c'est pourquoi? Oui, je voulais savoir en fait si je pouvais venir passer Noël avec vous. Vous m'emmerdez. Mais enfin monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah bah oui, bah pourquoi? Parce qu'il y a de raccrochonner. Ah, attends, oui. On va le rappeler là, attention le monsieur, il avait l'air gentil hein. Oui, très sympathique. Oh là au premier abord, au premier abord, hein, il avait l'air gentil. On le rappelle. Allô ? Oui, oui, excusez-moi, j'étais en communication mais on a été coupé. Ah, ah bah voilà, ah bah ça voilà. C'est fait. Et bah voilà, et Karima qui vient de m'envoyer un message. Prévenez quand vous appelez en privé les gars là. Joyeux Noël, plein de bisous. Genre le filtre. Karima, c'est sérieux. Elle se prend pour une resta hein. Ah ouais, grave. Alors ça alors, tout ça parce qu'elle a eu une migale alors maintenant ça la ramène. Ah ça c'est franchement scandaleux. Il y a Céléa qui dit je déprime parce que je fête pas Noël, heureusement que vous êtes là. Mais on fête pas Noël non plus, on est là, on est entre potes, en famille. Le prince Nadia qui dit le ho ho ho du Père Noël est moins bon que le hey ho de Michel. Oui mais alors c'est pas le même principe non plus hein, pour le coup. Hein. Bon allez on va continuer l'émission maintenant avec Céléa qui est avec nous là. Bonsoir Céléa. Bonsoir. Bonsoir Céléa, qu'est-ce qui t'arrive Céléa? Un petit peu mal à la gorge, je désolée. Un petit peu mal à la gorge, très bien, mais ça arrive même au meilleur, Célia. Hein. Voilà. Bah voilà. Bon, Célia, tu nous appelles. T'appelles de Suisse. Oui. Comment ça va en Suisse? Tranquille. Hein. Eh ben, tranquille, t'appelles d'où, dis-moi? De la Chaux-de-Fonds. Eh ben, c'est où, tout près de où? Neuchâtel. Neuchâtel, d'accord. Et il y a de la neige en ce moment. Bah pas encore. Oh, arrête. Il y en a. J'ai envie de la brûler, cette neige. Ah, il y en a déjà déjà. Ah, et puis comment? Putain, mais dis-nous, et nous on vient, moi je prends ma planche et tout, on vient faire un peu de snow là. Ah bah viens. Eh bah attends, mais on va venir, on arrive, deux fois hop, qu'une. On est déjà là. Mais tu nous écoutes comment, par internet, j'imagine, parce qu'on n'a pas d'émetteur. Hein. Par mon téléphone, internet, et puis à la maison, internet. Eh bah voilà. Ah bah oui, bah c'est ça, on n'a pas d'émetteur là-bas. Non, c'est cuit, hein, parce qu'ici, les radios sont pourries. Hein. Ah bah je confirme. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Surtout, non, mais c'est vrai. Couleur 3. Là. Couleur 3, c'est vraiment de la voilà, merde. On embrasse ah, Julien, c'est... qui est très mauvais d'ailleurs. Très mauvais, je voilà. Crois que c'est le pire animateur qui est au monde. Bon, Célia, alors qu'est-ce qui t'arrive, toi, ma chérie? Bah voilà, j'ai connu un mec de Valence, français, ouais. Bien sûr. Et puis, j'ai caché avec lui parce que j'avais peur d'aller plus loin. Et puis maintenant, je le regrette. C'est-à-dire d'aller plus loin jusqu'à Valence? Non, j'ai déjà été à Valence, j'ai été chez lui, il est venu chez moi, tout s'est bien passé. Ben, on est resté presque un an ensemble, en fait. Ah oui, quand même. Hein. Mais quand ça devait se concrétiser, pardon, ben, j'ai fait un pas en arrière et puis j'ai commencé à lui dire que je l'aimais plus. Que j'avais bon, plus t'es une gonzesse, quoi. C'est-à-dire que tu veux plus. Bon, t'as voilà. Plus, tu reveux. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est que voilà, j'avais peur. En plus, moi je suis suisse, lui il est français. Oh, grave. Ah, compliqué, hein. Non, parce qu'après, t'as un problème avec les passeports et tout, c'est compliqué. Je me disais, en tout cas, ça va faire un sacré patafon là-dedans. Bah oui, c'est ça. Non. Et puis, le problème, c'est surtout de faire commun, quoi. Bah voilà, c'est ça, ouais. Et puis après, j'ai bien réfléchi, puis je me suis dit que j'étais une vraie petite conne là-dedans, et puis je laissais souffrir. Bon, et tu veux qu'on l'appelle en direct? Ouais. Oh, c'est mignon. Eh ben, ouais, on va le faire dans quelques minutes. En plus, c'est l'esprit de Noël, tout ça. C'est parfait. Ouais. Hein, c'est totalement l'esprit de Noël. Oui. On va réconcilier des gens. Tout à fait. C'est beau. Regarde, on a une petite clochette. Oh, c'est mignon. C'est parfait. Oh, ça, c'est l'esprit de Noël. Mais on a mis ça sur notre sexe. On ne lésine pas sur les moyens chez Fun Radio. Célia, tu restes avec nous. On va se mettre une chanson qui, elle, est totalement esprit de Noël, justement. Pharrell Williams avec Happy, tu connais? Oui. Eh ben voilà, on va se la mettre maintenant. 23h30 sur Fun, on est toujours en direct. On va donner également les résultats là pour Jean-Marcel, Mylène et Ryan. Et comment ça se passe, Top? Je suis super déçu. Pourquoi? Bah parce que en fait c'est JM. Ah pour l'instant c'est Jean-Marcel. Ouais, Jean-Marcel, ouais. Bon bah continue à voter Jean-Marcel, déçu, donc qui a reçu les piles. Mylène qui a reçu une chemise de nuit de grand-mère. Alors et Ryan qui a reçu. Bah ouais. Et Ryan qui a reçu une manette PS3. Lequel des trois on doit échanger son cadeau pour lui offrir un PC portable? À vous de voter maintenant. Hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Et puis bien sûr aussi sur le SMS si vous voulez envoyer votre SMS, si vous n'avez pas internet sous la main. Vous mettez Mickaël suivi du message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Happy maintenant? Mais oui, Williams. Allons-y. Eh ben c'est parti, allez, bonne soirée tout le monde et joyeux Noël. Ah, on est bien avec Pharrell Williams à l'instant. Happy sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde et puis bah joyeux Noël également. Il y a Coralie qui dit je vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël remplies d'amour et de bonheur. Merci Cora. Il y a Gink aussi qui dit le jour où je remonte sur Paris, je passe vous voir et je retourne Toff et Polo sur la table. Très bien Gink, avec plaisir. Et DJ Comac qui dit l'esprit des enculades de Toff. Ah oui, ah, exactement, oui. Exactement. Bon, avant de reprendre Célia pour appeler son ex qu'elle veut récupérer, on va faire également un point dans quelques instants sur les cadeaux pourris et puis bon, on a essayé d'appeler Karima tout à l'heure qui se la ramène là, tu sais, qui décroche pas les appels masqués. Hein, ouais, ça c'est. On essaiera peut-être de l'appeler si on a encore un peu 5 minutes là. Et puis on va appeler Bruno Guillon maintenant là. Où on va se prendre le répondeur. Son Altesse. Son Altesse suprême. Allez, c'est parti. Maître du morning. Tout à fait. Bon, déjà ça sonne pas des masses donc. Ah voilà, là ça sonne. Il doit se dire, qui m'emmerde avec un numéro masqué à 11h35. Allô? Allô? Allô? C'est chiant le blanc, hein, quand tu... Sale connard, bah. Je me dis, putain, il est en relou ou pas? Ouais, mais je me dis, putain, il est en train de vérifier qui c'est. Et comme je fais une voix de merde, il va se dire, putain, c'est un relou. Eh ben, joyeux Noël, Bruno! Joyeux Noël! Bon Noël, les amis! Eh ben, bon anniversaire, c'est bon ou pas? Non, bah, pas encore. Bon alors en famille, j'allais dire nouvel an, putain, oh là là, on est bon là. Non, c'est Noël. Écoute, j'ai l'impression qu'avec avec le plateau Fauchon que t'as dégusté, il n'y avait pas que de l'eau minérale en fait. Bah écoute, figure-toi qu'on a bu que de l'eau parce que en fait, c'est-à-dire que Jérôme, qui est donc le patron, a dû se faire influencer par le sous-chef qui est Lucas et le sous-chef qui est Pedro, et du coup on a eu que de l'Evian. Ce qui est bien dans l'absolu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de bulle. Il va falloir que je te réexplique la négociation avec la direction. Écoute, avec plaisir, avec plaisir. Il y a une négociation à faire en particulier ? Bah écoute, moi j'ai l'impression qu'avant de partir en vacances, on a tous eu une bouteille de Ruinard en champagne à toute l'équipe, offerte par la direction. Oui. Donc visiblement, ouais, tu t'es fait arnaquer, ouais. Non mais je l'ai reçu, mais on l'a reçu la semaine dernière. Même Toff, il en a eu deux, il en a volé une. J'ai volé. Exactement. J'ai volé Farida. Tout à fait. Ouais. Et comment ça va les fions ? Eh bah écoute, on va plutôt bien là, tranquille, en mode pépère, en mode joyeux Noël. Ouais. Toff est habillé en Père Noël, c'est l'horreur. Tu verrais comme je suis beau, Bruno. Oh, tu parles. Mais mec, t'es toujours beau. Oh, merci Bruno. Une vraie angoisse. Tu n'hésiteras pas à aller t'acheter une paire de lunettes, Bruno. Donc, me fait plaisir qu'il y ait Bruno là. Je vais pleurer. Oui, c'est vrai, on est mon cadeau. On est ému. Mon cadeau de Noël. On est ému. Bon, Bruno, il fait quoi pendant les vacances ? Alors Bruno, écoute, il est avec sa famille à Tignes dans les Alpes. Très bien. Et là, au moment où tu m'appelles, mec, tu tombes pile au bon moment, je suis en train de faire picher mon Labrador. Il fait moins 45 degrés. Parfait. Il fait moins 45 degrés et il veut pas chier dans la neige. Et donc, c'est une galère. Je marche depuis 20 minutes, mec. J'ai l'impression d'être dans l'âge de glace. Et ce con de chien va pas poser une pêche. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Toons. Toons ? Ah bah très bien, voilà, ouais. Toons. En même temps, il a froid au cul, hein, le pauvre, hein, tu penses ? Bah je te confirme, c'est ce que je suis en train de me dire. Je me dis que si on m'amenait à poil pour aller cailler dehors, je suis pas persuadé que j'arriverai à faire un truc non plus. Tu m'étonnes. Bon bah en tout cas, c'est tellement Noël cette discussion, parle de merde. C'est ça, c'est bon. À 23h30, c'est bien. Le chien de Bruno n'arrive pas à chier dans la neige. Voilà, c'est un très très bon sujet. Si on avait su, on t'aurait pris à 20h. Bon, bon bah merci Bruno en tout cas. Bah bonne fête, bon réveillon, bon joyeux Noël. Et puis bonne année, bon enfin tout le merdier. Les auditeurs de Fun Radio et tout ce qui va avec. Parfait. Bon bah salut Bruno, ciao à toi. Ciao. Bisous les amours. T'as vu ? Lui c'est pas l'enculé, il décroche aux appels masqués, pas comme Karima. Voilà, bravo Karima qui ne décroche pas aux appels masqués là. Putain, je te jure, c'est comme ça les gens qui se la ramènent. Bon, salut Bruno. Ciao Bruno. Ciao à toi, bye bye. Bon, allez hop, après on va appeler Jérôme, le boss de la radio. Attends, normal, faut lui souhaiter joyeux Noël. C'est normal, c'est joyeux Noël ou pas ? On n'appelle pas les sous-chefs, on en a rien à foutre. On va appeler directement le Big Boss, comme ça on saura directement si on part en vacances demain et qu'on ne revient pas. Non mais c'est mieux, comme ça au moins t'es tranquille, tu vois, tu sais si tu dois rester, si tu dois pas rester, hein, tant qu'à faire, hein, autant se faire virer quand t'es en vacances. Ouais c'est mieux, tu vois, c'est plutôt mieux que quand t'y es pas. Bon, allez, on va appeler, on va récupérer Célia là, t'es toujours là ma chérie ? Oui. Très bien, allez c'est parti, on va appeler ton mec, donc ton ex, puisque puisque tu l'as viré parce que t'as pas réfléchi, hein, parce que tu voulais plus. Je sais pas comment commencer la phrase moi. Tu comment ? Je sais pas comment commencer la phrase. Bonsoir, ouais. Majuscule. Une phrase se commence à majuscule, se finit par un point. Exactement. Non mais vas-y, t'inquiète pas, nous on est derrière au pire. Moi j'ai les petites clochettes. Tu vois, on est sauvés. Ok. Tout est là. Ouais. Bon, allez. Je te souhaite bonne chance. On appelle. Ouais. Comment il s'appelle ? Fred. Fred. Bon, j'espère que pour Noël, ça va bien finir, hein, parce que sinon, ça va nous foutre la poisse pour toute l'année, cette connerie. Ah. Allez, c'est parti. Ah, moi aussi. Bon. Messagerie orange. Ah bah ça faisait longtemps, tiens. Ouais. Putain. Tu sais que toute la semaine, on a fait des appels des gens qui voulaient se maquer avec quelqu'un ou qui voulaient casser avec quelqu'un. À chaque fois, on se ramasse ce putain de répondeur. C'est un truc de dingue. Bon, et qu'est-ce qu'il fait, tu crois, à ton avis, là ? T'as plus de nouvelles de lui depuis quand ? Depuis 3 jours. Ah, depuis 3 jours. Donc tu sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il passe Noël en famille ou quoi, non, je sais pas. Je pense pas, non. Bon, non. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de le rappeler d'ici quelques minutes. Peut-être qu'il est en conversation là avec quelqu'un, je sais pas. Donc. Il écoute Fun Radio ou alors il a entendu. Oui, bon, enfin ça n'empêche pas de répondre et de dire merde éventuellement, tu vois. Il est pas obligé de faire l'autruche. Ah. Ouais, ok. Bon, ouais. Surtout si tu l'aimes, si c'est beau. Qui plus est. Bon, Célia, ne bouge pas, oui. On va te reprendre dans quelques minutes. On va d'abord récupérer Mylène, Ryan et Jean-Marcel pour l'échange de cadeaux. Je vous rappelle que toute la soirée, on a échangé des cadeaux. Si vous aviez reçu des cadeaux de merde, eh bien, on vous les échangeait contre des PC portables, en l'occurrence ce soir, ou des tablettes. Alors, Jean-Marcel qui avait reçu des piles. Mylène qui avait reçu une chemise de nuit. Et Ryan qui avait reçu une manette PS3. Et quelle est ? Donc, on a fait un petit best-of de toutes les réponses qui sont arrivées sur Facebook. Facebook, Twitter et sur les SMS. Et donc, qui, lequel des trois déjà va nous quitter? Nous quitte, c'est Ryan. Ryan! Oui. Malheureusement, tu garderas ta... Enfin, malheureusement, c'est pas mal. Ta manette de PlayStation 3 que tu as reçue pour Noël, Ryan. Prends-la, Ryan. Bon. Ah bah, dommage. Eh bah, c'est pas grave. Bon, bah, Ryan, passe une bonne soirée quand même et joyeux Noël. Merci. Salut, Ryan. Bon, il reste Jean-Marcel et Mylène. Oui. Mylène qui a reçu une chemise de nuit de mémé. Et Jean-Marcel qui a reçu des piles. On sait pas très bien de qui. T'as reçu des piles de qui, au fait? De ma grand-mère. Ah, de la grand-mère. C'est gentil, bon. Mémé. Bah, écoute, c'est bien. Décidément, les grand-mères, ouais. Bon, alors, du coup, quel est l'heureux propriétaire d'un PC portable? Eh ben, ma grande déception, c'est Jean-Marcel. Eh ben, Jean-Marcel, ouais, bravo! Ouais. Eh ben voilà, bravo Jean-Marcel. Par contre, tu auras le PC portable que quand tu nous auras envoyé les 8 piles. Ah ouais, y a pas de problème. Bon bah très bien, bah parfait. Eh ben écoute, c'est parfait. Tu nous envoies les 8 piles et nous derrière on t'envoie le PC portable comme promis. Eh ben bravo Jean-Marcel, bonne fête, joyeux Noël et bonne année. Ben merci à vous aussi. Hein. Salut JM, à bientôt. Hein. Allez, ciao. Ciao. Mylène, bah désolé Mylène. Je voulais proposer à Mylène de lui échanger sa magnifique chemise de nuit contre un sextoy passagedudésir.fr. Ah bah oui, tu veux pas Mylène? En tout cas, ça la fait rire. C'est déjà le principal. Hein. Allez, deux sextoys. Je t'envoie le pack huile, crème, voilà. Douceur, tout ce que tu veux là, avec les boules de geisha, tu vas kiffer. C'est plaisir d'essence. Allez, plaisir d'essence offert par passagedudésir.fr. Voilà, Mylène. Ben on va t'envoyer ça. Très bien, bien. Tu vois, ça c'est esprit Noël. C'est ça. Bon, voilà. Comme ça, nous. Bon, je te fais des bisous, Mylène. Oui, bonne soirée. Bon, allez, merci beaucoup Mylène, gros bisous à toi et merci d'avoir été à l'écoute de Fun. Bon, on va revenir dans quelques minutes nous en direct sur Fun Radio et on va se mettre qu'est-ce qu'on va se mettre comme son, tiens? Je ne sais pas. Attendez que je regarde là, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme son? On peut se mettre Happy, non? Bon, on va la Jamie si t'écoutes ouais, un peu. On va le remettre? Bah oui. Bon, ah, Tof, tu prends l'entière responsabilité de ça, Tof. Non, ouais. c'est vrai que c'est esprit Noël. Ouais. T'as l'impression de chanter dans la douche et tu ne connais pas les paroles. Tu es happy alors que tu fais I'm a winner's friends, not a winner, voilà. Allez, on se réécoute ça, tiens, du coup, ça va nous faire plaisir, ça va nous être bien ça. Et puis on appellera Jérôme, le big boss de la radio, pour lui souhaiter un joyeux Noël. Ouais. On n'a pas eu qu'à arriver, on a eu ce répondeur, on a eu Bruno, là, après c'est Jérôme, juste après. On fait ça dans quelques instants sur Fun Radio, joyeux Noël tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck! Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Et on est de retour en direct sur Fun Radio, dernière ligne droite avant minuit. Et surtout, il reste 12 minutes là avant Noël. Attention, il y a Bilo qui dit Mickaël, je suis de l'Algérie et je passe de bons moments en votre compagnie là. Vous êtes les meilleurs, les gars. Continuez. Merci Bilo. Et j'ai regardé Elephant Man, j'ai cru que c'était Tof et One qui avait envoyé le message. Oui, je peux concevoir que ça puisse faire peur. Avant de partir, on se mettra également le calmeur, je sais pas si vous vous souvenez, de Mehdi qui voulait piéger son père avec une histoire de poker. Il est énorme. Ah, c'était caviar. Énorme. Il était au caviar celui-là. Vous allez voir, c'était une tuerie monumentale. Et je vous avais dit qu'on allait se remettre parce que c'est ça l'esprit de Noël aussi. Le son de Pharrell Williams avec Happy. Et attention également, puisque je vous file dans quelques minutes, eh bien, votre Samsung Galaxy Tab 3. Attention, c'est sur le Facebook que ça se passe. Vous envoyez, vous allez simplement sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like et un partage de la photo où il y a le Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite bonne chance. Pharrell Williams maintenant, c'est Happy maintenant. Yes. Deuxième passage, allez, on se fait plaisir. Alors, en mode tranquille ce soir avec Pharrell Williams et Happy, on est en direct sur Fun Radio, ouais. Il est 23h53. Et oui, ne cherchez pas ailleurs, il n'y a aucune autre radio en direct. Ou alors ils vous font croire qu'ils sont en direct, mais en fait c'est faux. Ou alors ils ont carrément mis du best-of et ils sont pas fait chier. C'est des bouffons. Et voire pire, ils ont même enlevé tout pour mettre de la musique. C'est mauvais. Voilà, oh là là, c'est mal fait. Il y a Sad qui dit joyeux Noël, il y a Lacrim aussi qui dit putain, trop bien Noël avec vous, joyeux Noël, merci. Max Dionze qui dit les studios des autres radios sont vides, mais sur Fun c'est en live. Exactement, c'est ce que je viens de dire, tout à fait, Max. Vincent qui dit joyeux Noël à vous et vivement 2014. Et Mathilde qui dit salut Mickaël, je sais pas si on peut encore en changer nos cadeaux, mais moi j'ai reçu du gel douche. Quelle honte. Du c'est gel douche pour Noël. Oh putain Mathilde, non t'es à la bourre là. Et Abdou qui dit un message de bienvenue pour moi, j'en ai pas eu alors que je vous écoute depuis des mois. Un bah sale, oui, mais Abdou, un bien sale pour Abdou. Abdou. Alors attends, j'en ai un bien sale. Bah, je l'ai déjà mis tout à l'heure, mais c'est pas grave, il est tellement bon. Je t'ai éjaculé à ta face de pédé, de guerre. Comme ça t'as pas de ride au pédé que tu es, t'as compris? Voilà. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Oui, il a l'air un petit peu énervé, je voilà. confirme. Joyeux Noël Abdou. Ouais, voilà, c'est ça. Joyeux Noël Abdou. Bon, avant de récupérer Célia et avant de faire le canular avec Mehdi, eh bien, on va. Bon, là, c'est le moment. Suce-boule, hein. Donc on va appeler le patron. Hein. Ah bah, ah, on n'a pas eu Karima, mais on a essayé, on a eu Bruno. Donc on va appeler. Merde. Hop là, on va donc appeler Jérôme, hein, le grand patron. Merde, il faut qu'on l'appelle JB aussi. Ah, ah oui. Ah bah ouais, attends, on va le faire chier, mais en pleine nuit, après minuit. En même temps, c'est dans 16 heures. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il dormira pas comme ça. Ce sera bien. Votre Altesse. Oui. C'est ça. On va voir s'il est comme Karima, s'il décroche pas les appels masqués. Allô Jérôme. Ouais, salut Mickaël. Eh bah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Je mets les petites clochettes. Votre Altesse. Voilà, merci. C'est ça. Donc là, on est en mode. Hein, on frotte balle. Voilà. Ça va, vous êtes total détendu là, vous êtes bien. Ah bah on est plutôt pas mal. Merci pour le repas fauchon, Jérôme. Ah oui, merci. Merci beaucoup, c'était très sympathique. Ce fut succulent. Hein? Non, je suis content parce que moi je vous ai un petit peu écouté, on a passé une super soirée. Ah bah c'est bah tu te fais chier si tu nous écoutes, Jérôme. Je suis content que les autres aient mis du best-of, du machin, etc. pendant que nous on était en direct. Exactement. Ouais, et ça m'a fait bien plaisir et je pense que les auditeurs ont bien kiffé aussi quoi. Mais oui, mais la raison est simple, les autres animateurs s'en battent les couilles des auditeurs, voilà. C'est tout. Et nous on les compliqué. Aime. Bah oui, mais bon, mais c'est vrai, ouais. Hein, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, bah en tout cas merci Jérôme. Bon, je vais retourner voir mes enfants, je vous embrasse. Oui, bah merci beaucoup et Jérôme. Joyeux Noël aux et enfants. Merci pour Fauchon, hein, joyeux Noël à la famille. Et à plus tard. Très bien. Salut Jérôme. Ciao. Bon, et ben voilà, hop, comme ça au moins on a fait le petit moment frotte-balle. Voilà. Hop, ça c'est fait. Vous avez vu, ça a été rapide. On est bon hein. Ça a été rapide. Ah, j'aime bien, je nous aime bien qu'on oui, est comme ça. Oui, c'est vrai. On essaiera d'appeler JB aussi dans quelques minutes. Et puis, Célia, alors de retour, Célia. Oui. Bon, alors oui, Célia, très bien. Bon, toujours de Suisse, alors hein, t'as pas déménagé depuis? Ah bah non, j'aimerais bien. Bah oui, bah, écoute, bah, c'est bien la Suisse aussi. Bon, Célia, on va appeler donc ton ex de nouveau puisqu'on s'était de répondeur tout à l'heure. J'espère que ça décrochera. Sinon, bah écoute, on peut éventuellement rappeler quand on sera de retour. Ah bah non, c'est le répondeur de nouveau là. Et hop là. Bon, Célia, malheureusement là. Ah, il est sur Facebook. Bah ouais, peut-être que Dis-lui d'allumer son téléphone alors. Peut-être que son téléphone est plat. Ah, dis-lui d'allumer, on le rappelle dans 10 minutes. Tu parles. Bah dis-lui. Non mais dis-lui. Après ça se trouve, si tu lui dis d'allumer, que tu vois qu'il a lu le message et qu'il décroche pas, bon bah voilà, c'est plié, passe à autre chose. Et si jamais il va décrocher, on sait jamais. Non, je pense qu'il a entendu. Non mais envoie-lui le message, t'as rien à perdre. Et la Suisse, tu nous entends? Hein? Allô. Célia, qu'est-ce que t'as à perdre à lui envoyer le message? Bah rien. Bah voilà. Bon. Oui. Tu lui envoies le message, on te reprend dans 10 minutes, d'accord? D'accord. Bon, allez, c'est parfait, comme ça. On donnera également le gagnant du jeu là sur Facebook là pour gagner la Samsung Galaxy Tab 3. Il vous reste 5 minutes là pour vous inscrire. Enfin, un petit peu plus parce qu'on va faire le canular. Facebook.com/MIKAELOfficiel, allez-y. Et puis souvenez-vous, c'était le canular avec Mehdi qui voulait piéger son père. C'était juste énormissime. Alors écoutez ça, joyeux Noël tout le monde. Là, c'est Mehdi qu'on a avec nous là. Comment ça va, Mehdi? Ça va ou quoi? Oh, les l'OM. Eh oui. Eh ben oui, évidemment. Tu suis un peu le foot ou pas? En ce moment, l'OM, ils vont se faire un peu enculer. Par un peu tout le monde. Hein. Oh là là, ouais. Putain, pour une surtout fois que par Sandro, hein. Ouais, ah oui, surtout par Sandro, ouais. Mais pour une fois qu'on entend un Marseillais dire en ce moment, l'OM vont se faire un petit peu enculer. C'est bien. Ça fait bizarre. D'abord, tout foyer, c'est toi qui as besoin. Ça fait, oui, moi aussi, oui, effectivement, je te confirme. Bon, Mehdi, puisqu'on va pas parler de foot. Mais non. On n'a pas le temps. Bon, on t'appelle on pour le canular. De sexe avec ça, mais oui. Bah ok, on va parler de sexe avec Sandro si tu veux. T'as envie de la pêcher ou pas? Mais juste pour les nuits, parce que sinon elle rend fou. Hein. Juste au téléphone, elle me rend fou alors. Hein. Ah, juste au téléphone, elle te rend fou. Écoute, et quand on passera à Marseille, tu passeras nous voir. Bien sûr, comment et tu peux héberger Sandro? Bien sûr. Parfait. Elle dormira sûrement. Ah bah parfait. Je savais que les Marseillais étaient gentils. On va aller manger des sardines. Ils ont la main sur le cœur. Exactement, ils peuvent recevoir. Il a la main de sa soeur ou sa copine si elle veut, y a pas de soucis. Très bien. La porte elle est grande ouverte. T'es pas dans le détail, c'est bien. Y a pas que la porte toi. Ouais, y a pas que la porte, non. Bon, alors Mehdi, on va faire le canular maintenant, on va faire quoi là? T'as une idée? Ouais, je vais dire que j'étais en train de jouer au poker avec des collègues. Attends, mais tu veux piéger qui d'abord? Tu veux piéger qui? Mon père. Ton père, d'accord, ok, très bien. Pourquoi père il joue c'est un joueur? Mon père, c'est un grand fan de poker. Non, très bien, parfait, ok. Alors tu vas lui faire croire quoi que... Tu vas lui faire croire quoi que t'as joué avec des potes et que t'as perdu? Voilà, et je vais dire que mon pote il a invité des autres. Ouais. Et après ça s'est mal tourné et j'ai perdu 3000 euros. J'ai joué 3000 euros qui m'a prêté mon collègue et je les ai perdus. D'accord, très bien, parfait. Et ok. Bon, et ton père, il aurait les moyens de lâcher 3000 euros ou il est juste?

Vas-y. Tiens, je lui repasse. Tu vas t'assurer. Putain, c'est vraiment des connards à Marseille. Oh, putain. Tiens, vas-y, je te le rends. Eh, Mehdi, tiens, tiens. Tu peux prendre. Eh, Mehdi, Mehdi, tiens, il y a ton père au téléphone. Le coup de ta race pourri. Oh, pété de Parisien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas qui il y a, toi. On a qui il y a, toi. Non, attends, je te repasse ton fils. Mehdi. Allô. Mehdi. Allô, c'est qui? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il y a la daronne qui arrive. On est pas dans la merde. J'ai joué. J'ai perdu 3000 euros. Et j'ai joué, j'ai perdu 3000 euros. Voilà, et moi j'ai fait là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu as en train de me rendre fou là? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton problème? Quel poker? Qu'est-ce que tu me racontes? Ah ben je suis parti, j'étais censé aller chez mon collègue. Où tu es là, maintenant? Où tu es maintenant? Où tu es là? Je sais pas, il m'a mené chez pas où. Est-ce que je peux reparler au père? C'était fini. C'est qui parle là? Est-ce que je peux reparler au père? Où tu es puissant? Qu'est-ce que c'est toi? C'est quoi ton problème? Lui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Est-ce que je peux reparler au père? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Oh, écoute-moi, je te parle. Qu'est-ce que tu fais avec mon fils là? Bah rien, moi j'attends de récupérer mon argent qu'il a dépensé. Quel argent t'as dépensé? Écoutez, il voulait jouer au poker. Il voulait jouer au poker, il a gaspillé 3000 euros. Et il faut que je le récupère. Je n'ai rien à foutre. Où tu es avec mon fils là maintenant? Dis-moi. Là on est chez un collègue à lui là. Donc on va pas tarder à partir, on va revenir, on va venir voir votre mari, puis il va me donner mon argent et moi je redépose le petit. Eh ben viens, putain, on attend que ça. Ben viens, chercher l'argent, y'a pas de soucis. Ouais, mais je vais pas venir chez vous là, parce que moi je connais à Marseille, hein, je sais comment ça marche. Hein. Ouais. Non, tu dois pas savoir comment ça marche. Parce que si tu savais comment ça marche, même pas tu m'appelles, même pas tu touches mon fils. Non, mais moi je veux parler au mari là. Je veux parler au mari. Comment il s'appelle ton père? Tu sais ce que ça veut dire, c'est ta mort. Comment il s'appelle ton père là, Mehdi? Hein? Donne-moi le téléphone. Tiens. Écoute-moi bien. Tu as vu, je vais te montrer qu'est-ce que c'est la mafia, moi. Bon, je vais vous enculer à tous. Non, arrête un peu, là. La dernière fois qu'il y a eu un Paris-Marseille, qui c'est qui a enculé qui? Hein? La dernière fois qu'il y a eu un Paris-Marseille, qui c'est qui a enculé qui? C'est moi, je vais les niquer, moi. J'ai pas besoin de la police. Vas-y, ouais. C'est moi la police. C'est moi la police. Je m'en bats les couilles, la police. Ouais, à Paris, c'est la police. C'est la police de toute la France. C'est la police de toute la France à Paris. La police de toute la France, excuse-moi. Écoute, où vous êtes? Écoute, ce que je te propose, c'est que... Je ne propose rien, c'est moi qui propose. Non, moi, c'est moi qui propose. Non, je vais chercher mon fils, la PD. Quel grossier. Quelle grossièreté. Oh. Tu touches mon fils, il a 15 ans et demi. Écoute. Hein? Écoute, je te ramène ton fils. Tu me donnes rien. Ah, voilà que j'ai l'accent marseillais maintenant. Je te ramène ton fils. Tu me donnes rien. Tu me ramènes là? Tu me donnes c'est rien. Qui, c'est Mehdi ou tu me donnes, Ilan? Tu me donnes rien avec Mehdi, avec papa, Mehdi. Papa. Et tu paries la prochaine papa. Fois sur Paris. Papa. Tu fais un pari sur Paris la prochaine fois. Quel pari? Bah sur Paris, sur le PSG. Non, je m'en pas les couilles du PSG, ramène-moi mon fils. Mais il est là, alors, il va bien. Mehdi, dis-lui à ton père que tu vas bien. Ouais, Mehdi. Papa, en plus c'est un collègue à eux, il s'appelle Gilou, il me lâche pas, écoute-le, regarde ce qu'il dit, passez-lui. Qui c'est ça, Gilou? Tu me racontes, Mehdi, je comprends rien, moi. Ah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein? Y'a pas de recul, non? Y'a pas quoi? Oh, arrête de me faire bander. On va laisser ta mère, je te fais bander, moi, je vais t'inculer, je vais te montrer comment tu vas bander, au grand pute. On va faire l'amour, je vais vous montrer. Quand ton Kistori, on va jouer tous les deux la marraille. Oh, grosse pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, bah, comme t'es branlé 3-4 fois, c'est tout. Hein. Oh, tu viens de me faire, moi. Bon, Mehdi. Oui. Bon, dis-lui à ton père, le pauvre. Papa. Quoi? C'était pourri, j'étais sur Fun Radio. Mais oui. Comme de ta race, pourri, Mehdi. C'est une radio, il m'a dit. Bonjour maman. Bonjour maman. Allô, oui, c'est Mickaël. T'es sur Fun Radio avec Mehdi. Oh, qu'est-ce qu'il est con celui-là. Bête, hein. Quel sale gamin. Oh, Mehdi, c'est sa mort ce soir, Mehdi. Mehdi va me dire de l'aimer. C'est ta mort, Mehdi. C'est ta mort ce que tu m'as fait là. T'as vu, je commence à trembler. Mettez-lui une chaise pour moi, maman. C'est comme des fous. Mais oui. C'est toi que tu rates. Exactement. Voilà, Mehdi, tout c'est ce que toi. Tu mérites. Des bonnes claques dans ta gueule. Oh. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est rien, mais oui, c'est Fun Radio, c'est Mehdi, il voulait faire une blague. Non, d'accord. Ah, mais par contre, je veux bien les 3000 euros. Hein. J'ai gagné 3000 euros. Non, moi, je veux bien les avoir. Ah ouais, hey, dis donc, papa. Oui. Eh, hey, allez Paris, hein. Non, jamais, allez l'OM. Oh, non, à la mort, allez l'OM. Allez, Ibrahimovic. Ah, mais ça va. Vive Fun Radio. Ah, merci. Ça c'est bon, vive ça va. Vive Fun Radio. Là, on et est d'accord. Vive l'OM. Voilà, exactement. Oh. Allez, Marseille. Non, mais bon. C'est vrai, c'est Fun Radio. Mais oui, c'est la radio. Mais dis-lui. Oui, papa. Oui. Mais je crois que c'était Ilan, moi, j'ai dit la 15 et demi. C'est toi. Oh putain, Mehdi. Je crois que c'était Ilan. Il est parti à l'entraînement. Ah, ça va? C'est vrai, c'est Fun Radio? Ouais, ouais, qu'est-ce que ça, si je te le dis? Putain, je me suis bien survêt, tu me les sentais, c'est parisien. Aïe, aïe, aïe, santé, oh. C'est sûr, ah, papa. C'est sûr. Oh. Tiens, le bonjour de Gilou, écoute-le. Arrête, oh, conneries. Oh, ah, qu'est-ce que c'est cette émission? Y'a pas de refus, non? Bon, allez, oh, bah, Mehdi, comme promis, tu vas gérer le cadeau, on va voir le stock là avec... T'aimes bien le skate ou pas, Mehdi? Le skate. Le skate, faire du skateboard. Je préfère Sandro, moi, tu le sais. Eh bah écoute, je t'envoie Sandro sur le skateboard électrique. J'ai testé le skate électrique, il voilà. Claque de folie. Exactement, ouais. Bah, allez, vas-y, je prends. Tu vas gérer ça avec Sandro standard. Non, c'est un skate qui déchire, on a mis la vidéo sur Facebook, faut aller voir. Et des vitesses et tout. Hein. Mais ouais, c'est de la folie. Bon, allez, salut tout, salut merci à vous deux, merci. Merci beaucoup, Fun Radio, merci beaucoup, que votre radio dure encore plus longtemps. Eh bah, et allez l'OM. Allez l'OM, merci, chef. Ciao. Allez. Bon, en tout cas, on va refaire d'autres canulars évidemment dès qu'on reviendra, hein, bien entendu. Je viens de vous mettre la petite photo de Noël. On vous souhaite un joyeux Noël sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour aller voir ça, liker et partager. En tout cas, je vous remercie tout simplement d'être avec nous tous les soirs. Il est 10h11. On va donc avant d'appeler JB, notre ami JB qui fait la nuit d'habitude. Célia est avec nous de retour, donc on va essayer d'appeler ton mec, ton ex en l'occurrence. Hein. Célia, est-ce que tu lui as envoyé le message sur Facebook? Bah écoute, j'ai envoyé un message sur WhatsApp. Ouais. Et puis il me fait genre qu'il est avec sa mère. Et quel est le rapport? Il peut pas décrocher? Alors il dit qu'il sait plus où il en est. Qu'il est relou. Oh, qu'il est relou. En même temps, c'est bien fait pour toi. Hein. Tu l'as viré, maintenant tu le veux et c'est lui qui réfléchit. Bah bien fait, hein, c'est bien. Bah, hein. Oui. Ah bah voilà, hein, bah voilà. Bon, on essaie quand même de le rappeler ou on laisse tomber, on a rappel à la rentrée? Bah essaye quand même de le rappeler. Mais oui, bon, parce qu'elle va pas passer des mauvaises vacances. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle. Et c'est le répondeur. Messagerie. Bonjour. Ah. Bon, eh bah écoute, ça va te laisser le temps de réfléchir un petit peu et puis on te rappelle quand on rentre. D'accord, bon, je vous remercie beaucoup. Bah on fait ça comme ça. Soirée. Eh bah bonne fête à toi et joyeux Noël, Célia. Merci de même. Bisous à vous. Salut, à bientôt, Célia. Ciao à toi. Bon, bah maintenant en même temps, j'avais oublié de couper le répondeur, donc comme ça, il est au courant. Voilà. Bravo! Oui, ah bah écoute, ça va, hein. Ok, j'en méritais une. Très bien. Il y a Monté aussi, Monté Lado qui dit: ça fait deux plombes que j'essaie d'écrire, je suis pété de rire avec les Marseillais. Il y a Emise qui dit: les pauvres parents, le prince Nadia par rapport au canular. Hein. Prends ton clitoris, on va tous les deux jouer à la barrelle. Cette phrase marquera à vie. Serge également qui dit: mais que c'est bon de réécouter ce canular énormissime. Il y a Valoche aussi qui dit: trop fort, Mehdi, et tes parents, c'est excellent. Et le prince Nadia qui dit: le père de Mehdi s'emballe, je vais te montrer que c'est la mafia, ok? Et Megumi qui dit: pas besoin d'échanger nos cadeaux car notre véritable cadeau, c'est vous tous, Mickaël, Sandro, Toff et Polo. Merci beaucoup. Beau. Mais pas le stagiaire. Non, le stagiaire ne mérite pas. Non, mais là, il a précisé, c'est bien. Et Fred qui dit: une belle équipe de Père Noël. Ouais, bah allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Vous allez voir comme on est beau. Bah, Toff en mode Père Noël, évidemment. Hein, on était là avec le Père Noël dégueulasse de Toff. Donc, qu'est-ce que je vous dis, moi? Je me trouve trop beau. Qu'il est laid. Un drame, quoi. Et on voit bien le stagiaire. L'autre. On voit qu'il a essayé de gratter sur la photo. Hein. Il est là, en mode caché. Stagiaire. Je peux venir sur la photo. C'est pour Noël, s'il vous plaît. Allez, c'est pour Noël. Et Sandro, est-ce qu'il sait un duck face, ouais. Vous avez vu un peu le... Ah, ouais. Elle serrait un peu la bouche. Elle était en mode duck face. Tu sais pourquoi est-ce que ça fait plus mince? Bah oui. Bon, et je suis armé, moi, comme d'habitude. Bon, avant de faire, avant d'offrir le Samsung Galaxy Tab 3 sur le Facebook, on va d'abord appeler JB, Jean-Baptiste. Oh. Jean-Baptiste qui fait la nuit d'habitude sur Fun Radio. Et donc là, il est numéro 1 ce soir. Hein. Et normalement, il est à Toulouse. Oh, on va l'appeler. Tu vas voir, il n'a pas décroché, hein, ce bouffon. J'espère qu'il a une vanne, hein, s'il décroche. Hein. Ah oui. Ouais, il est obligé. Obligé. c'est comme un toc chez lui. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà, il fait sens. T'as vu, alors que Bruno décroche, direct il décroche, tu ouais, vois. Ouais, Bruno, ça a pas rigolé quoi. Voilà, la différence entre les grands et les petits. Voilà, et voilà. J'aime Jean-Baptiste. Je pour le oh, quel répondeur de merde. JB, on t'appelait pour Twitter, joyeux Noël, trou du cul là. Et l'autre, oh. l'autre il se la ramène, il décroche pas parce qu'il voit un numéro masqué. Bon, JB, je te laisse une minute. Dans une minute, je te rappelle, si tu décroches pas, je peux te dire que Anne, nous a, bah, Anne qui gère Fun Radio dans le sud de la France, Anne nous a laissé un dossier, tu vas prendre très cher quand tu vas rentrer. Je te laisse donc une minute. Voilà, je raccroche, je te rappelle. Ne fais pas l'enfant, JB. S'il ne décroche pas, bon, on va filer le Samsung Galaxy, tu en attendant. Samsung Galaxy Tab 3, en attendant de rappeler notre ami Jean-Baptiste. Allez, c'est parti, on y va, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit sur le Facebook. S'il décroche, il gagne. Deuxième sonnerie. Allez, ça va bien se passer, j'y crois, ou pas. Devrait aller. Tu seras illustré et tout, tu verras. Bah oui. Non, il va pas nous laisser en plan quand même. Ah bah si. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Non. Vous pouvez lui laisser un message. Avec plaisir. Elle vous rappellera dès que possible. Ah. À la fin de votre message, on va si faire vous souhaitez le modifier. Non, je pense pas. Salut, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour t'offrir ta Samsung Galaxy Tab 3. Et malheureusement, tu n'as pas décroché, ce qui est bien dommage. En plus, t'avais fait ton like et ton partage sur le Facebook de l'émission. C'est dommage. Bouh, pas de ah chance. Oui, c'est dommage. I'm happy. Exactement. Bah du coup, tu vas rester là, on va appeler le gagnant qui gagnera grâce à toi et du coup hein. Enfin, s'il décroche évidemment. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Hier, c'était Alex qui avait gagné le Samsung Galaxy Tab 3. Alex Choupinet, c'est sur, c'est son nom sur le Facebook. Oui, c'est ça. Allez hop, on y va, on appelle le deuxième maintenant. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Nathalie. Salut Nathalie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. T'as fait un like et un partage sur une page Facebook ? Oui. Pour gagner une Samsung Galaxy Tab 3 ? Oui. Eh ben comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, bravo ! Ouais ! Eh ben félicitations Nathalie ! Samsung Galaxy Tab 3, c'est pour toi, en toute simplicité. Voilà Nathalie, on va envoyer ça dans quelle ville ? Bah oui, sérieusement, j'avais dit, si vous êtes tiré au sort et que vous passez à l'antenne, vous gagnez. Bah c'est fait, hein, t'as été tiré au sort, tu passes à l'antenne, t'as décroché, t'as gagné. D'ailleurs, tu peux remercier l'autre auditeur, on est sur son répondeur actuellement, parce que t'as été la deuxième tiré au sort. Hein. Le premier n'a pas décroché, donc il est là, on est sur le répondeur. Tu peux le remercier, grâce à lui, tu gagnes, ou elle. Ah bah oui, en effet, merci beaucoup. Alors. Et bah voilà, et bah là, on peut lui raccrocher au nez, hein, voilà, hop, c'est fait, hop là, ça y est, c'est fait. Au revoir. Et bah voilà, et bah Nathalie, la Samsung Galaxy Tab 3, elle est pour toi. On va envoyer ça où ? Sans coin. Où ça ? Sans coin, c'est dans le Cher. Ah d'accord, ok, sans coin. J'avais compris, Tourcoing. Donc c'est un truc, c'est rond chez toi. Oui, voilà, c'est ça, c'est sans coin, exactement, oui, voilà, oui, tout à fait. C'est la blague de ma ville. Ah oui, bah j'imagine. Bon, et bah écoute, bravo Nathalie en tout cas pour la tablette. Et puis on va te souhaiter un joyeux Noël. Ah bah il commence déjà, enfin c'est un très joyeux, enfin oui. Ah bah il commence pas mal. Moi, là, je tombe un peu des nues là, je suis... Non mais il faut pas tomber des nues ma chérie, c'est pas grave, tout va bien, hein. C'est bien une petite tablette comme ça pour finir l'année ou commencer la nouvelle. Oui, à voir. En tout cas je vous remercie beaucoup. Hein. Avec grand plaisir, je te fais plein de bisous Nat. Bah moi aussi je vous embrasse tous et puis joyeux Noël à tout le monde. Avec plaisir. En plus, bon, on va mettre ton nom sur le Facebook, hein, donc il y en a plein qui vont essayer de te dire ouais si jamais t'en fais rien, je la veux bien, blablabla blablabla. Donc t'inquiète, hein, tout va bien se passer. Je te fais des bisous Nathalie, à bientôt et bon Noël. Ciao, bye bye. Merci, merci vous aussi, bisous à tout le monde. Ciao. Bon, et avant de partir, avant de laisser la place à Miko et avec Party Fun, je propose quand même de mettre le morceau qui a marqué cette année 2013. Hein, oui. Ça me paraît honnête. Oui. Ouais, moi je suis d'accord. Morceau qui a marqué 2013 justement. Je propose que nous écoutions maintenant ce magnifique morceau, cette personne que nous avons eue en live tout à l'heure. Jean-Pierre Yves Vonderland, Jean-Pierre Sauzer, en intégralité maintenant sur Fun Radio et en exclu total. Bientôt le remix de Mico C. Exactement, j'ai commandé les ACAP pour faire un bootleg. C'est parti, JPS. Jean-Pierre Sauzer. Ouais. Avec Jean-Pierre Yves Vonderland, maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit et joyeux Noël tout le monde, c'est mon cadeau. Ne me remercie pas, c'est comme ça, je suis trop bon. Ma bonté me perdra. Non, c'est vrai, hein. Un de ces quatre, elle me perdra. En mangeant champignons en forme de gonflons, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Et je suis dit, je me suis dit. Chante. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, le grand lama blanc avec les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de merveilles, le grand lapin blanc veut me croquer ma merveille. Allez, attention, c'est parti, deuxième. Allez, Miko. On continue, allez, Miko, parti fuck, là, putain de merde. Allez. J'avais oublié mon fusil dans le coffre de ma Ferrari. Heureusement j'avais un chou-fleur dans le cas de malheur. C'est alors que j'ai remarqué qu'un gros steak était caché vers mes amis. Et je me suis dit, et je me suis dit, allez. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, le champ de merde. Non, des orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de mes rêves, le grand lapin blanc veut me manquer ma merveille. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, le mois le soir j'écoute Nico, c'est sur Fun Radio. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles, et s'il n'y a pas Nico, c'est la vie de vos pages vitales d'être vécue. J'improvise, là, c'est du live. Il est mauvais. Non, mais c'est du live. Ah ouais, bah ouais. Laissez l'artiste. Et je me suis dit. Allez, Jean-Pierre. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le grand lapin blanc, vous ne croquez les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de mes rêves. Le chapeau d'un blanc, vous ne croquez ma merveille. Je suis Jean-Pierre au pays des merveilles. Le chapelier fou, je me trompe les orteils. Je suis Jean-Pierre au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc, je me trompe ma merveille. Je suis Jean-Pierre. Bienvenue sur la radio Zouk. Bienvenue à la Réunion. On va aller se faire dorer le cocotier. Tout à fait. Bah Jean-Pierre Sauzère à la fin, là, justement, à la fin de l'émission. Ah, dommage, ça aurait pu passer avant 22h30, ça aurait été du quota. C'est dommage. Quota français. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Tiens, le prince qui dit heureusement, j'avais un chou-fleur, c'est utile en cas de malheur. Oui, c'est vrai. El Nicolito qui dit quelle bande d'enfoirés, bien sûr. Didier qui dit en Père Noël, on dirait Félix dans Père Noël, tu l'endures, toi. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Un peu de ça, ouais. Bah, c'est Gérard Junio, je l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Damien qui dit à l'écoute de Fun avec un verre vodka coca, je suis à la bien. Eh bah, profite. Hein. Cindy qui dit belle équipe, merci pour cette bonne humeur, avec plaisir. Ariel qui dit Toff est tellement beau quand on ne le voit pas. Je te remercie, Ariel. Et Sandra qui dit joyeux Noël à vous, quelle équipe de choc. Et Yanis qui dit les boss. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été là. On va d'abord appeler encore un coup JB la nuit là, qui se la ramène là. Genre il filtre les appels. C'est genre lui c'est aussi une star. Quoi. Genre c'est une star parce qu'il a fait plus 166% d'audience. Alors du coup il se la ramène. Mais qui êtes-vous ? Oh, JB ! Oh ! Eh, hey, tu te la ramènes un peu, là, JB, la nuit, là, non ? La honte ! Non, mais attendez, les gars, moi, je suis en repas familial, là. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on a appelé Bruno Guillon, qui était également en repas familial, il était en train de promener son chien dehors. Mais paf ! Et lui, décroche directement, il se la ramène pas, genre, c'est un numéro masqué, je décroche pas, je suis une rosta. C'est un grand homme. Les gars, rappelez mes audiences. Comment il se la ramène ? Qu'est-ce qui se la ramène ? Ouais. Parce que bon, plus 166% de pas grand chose, ça reste pas grand chose. Hein. Non mais c'est vrai, c'est comme d'autres radios qui sur un 21h minuit se branlent parce qu'ils ont fait plus de 100% de rien. Donc, parce que je rappelle que 100 fois 0, ça reste 0. Ça reste 0. Voilà, ouais. Enfin bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, JB la nuit va bien ? Tout va bien, tout va bien. Je remercie Polo pour son cadeau de vendredi dernier. Je le teste ce soir. Ah oui, il a reçu un sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Et d'ailleurs, on fera un petit point sur le top tweetos dans quelques minutes également. Donc, bah, plutôt bonne nouvelle alors. Plutôt bien là ce soir. Hein. Ah, mais plutôt très très bien. Et au fait, Mickaël, tu l'as vu son statut Facebook ? Lequel ? Bah, son statut Facebook. À qui ? C'est une vanne. À mon cul. Ah, la vanne de merde. C'était grillé, il attendait que tu dises à qui. Oh, c'était nul, JB. Eh, la honte, JB. Tu sais, je m'attendais vraiment à une vraie vanne, tu vois. Je me dis Noël, ouais. Ça fait une semaine qu'il est pas à l'antenne. Je me dis, il a eu le temps de réfléchir, il va y avoir un truc lourd, quoi. Ouais. Bah non, c'est de la merde. Et noyau Joël. Il est content. Rigole tout seul. C'est son rire qui démarre. Ouais, c'est ça. Bon, comment va la ville rose ? Très bien, elle vous attend, vous venez quand là ? Bah, pas trop tôt, hein. Ouais. Bah tu nous diras quand t'es pas là quoi, comme ça on est sûr. Il y aura moins de blagues quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moins de blagues, ce sera mieux, en fait, finalement. Hein. Et je vais vous dire un truc. Vous me manquez. Et je vais écrire des nouvelles vannes pendant mes vacances pour qu'en janvier, ce soit vraiment un haut niveau, tu vois. Mais, ouais, mais. Mais est-ce qu'on peut te donner un conseil? Non, tof. Ah bon. Va voir Philippe Bouvard. Avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, enfin, j'allais dire prendre des auteurs, quoi. Voilà. Je suis très, très bien loin de tof, hein, Philippe. Ouais, je bah. Je vais rester à Toulouse, peut-être. C'est dommage, parce que toi, tu me manquais beaucoup. Voilà, c'est ça. Il voulait te rouler un patin, tout ça. Du coup, il va devoir rouler un patin à Miko ce soir, là. J'avais très envie d'essayer ton nouveau jouet. Ouais, c'est vrai. Tu sais que ma grand-mère est sur Facebook, j'ai mis ma vidéo où on s'embrassait. Elle me fait, dis donc, on t'embrasse des hommes maintenant. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Bon, JB, on va pas te déranger plus longtemps, hein. On voudrait pas déranger une star de la radio. Ah oui. Oh oui. Non, mais me rappelez pas. T'inquiète pas. Y a pas de danger. Eh, c'est lui qui pleure sur Twitter. Rappelez-moi, rappelez-moi, rappelez-moi. Moi. Mais ouais, non. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais pas moi. Oui, oui, bah bien sûr. Ouais. Bon allez, JB la nuit, la bonne nuit. Joyeux Noël. À plus dans le bus et Noël Joël. Putain. Tu sais quoi, je te raccroche au nez. C'est tout ce qui mérite de toute façon. Va-t'en, hein. Vilain. Non mais c'est parti. Déjà, je vais déjà raccrocher au nez. Là, c'est bon. Oh là là, ça suffit amplement là, amplement. Bon, Miko qui va prendre l'orlais dans quelques minutes là pour passer le réveillon avec vous. Oui. Vous avez vu que même party fun, Miko est là en direct. Ouais. Et ça c'est beau. Toujours. Alors que l'autre, il y en a, ils sont, joyeux Noël, alors qu'ils ont enregistré ça au mois de juillet. Ouais. Alors que non, lui, Miko, il est là, il a rien à foutre, lui, il a les couilles. Oui, ouais. Il est 1422. C'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, Miko qui est avec nous et Miko qui s'est engagé hier à faire un bootleg avec Jean-Pierre Sauzère. Ouais. Oui c'est ça, on va voilà. Non mais oui, je vais aller au bout de la vanne. Non non mais très bien, mais t'as raison. Et surtout que je suis sur le délire, enfin sur le dos pour essayer de trouver la musique, enfin juste la cape. Oui, la cape mais il va nous l'envoyer directement. Ah oui bah il va l'envoyer, oui. Il va venir à la radio. On va trouver la capella. Il va t'envoyer la séquence midi, tu vas rigoler. Voilà, c'est ça. On va bien se marrer, y a pas de problème. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous êtes bien marrés. Pour ceux qui étaient seuls ce soir, j'espère qu'on vous a fait passer une bonne soirée. En tout cas, on a tout fait pour. Nous, on s'est bien marrés aussi. On a été contents de passer la soirée de réveillon avec vous. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir, malgré que, bah, justement, c'était le réveillon. Merci à Maeva. Il y avait Kafinga. Il y avait Fanny qui était là. GTR. Il y avait Abdou. Il y avait Yorlorio également. Fred S. Il y avait Verratti également qui était connecté ce soir, Fabienne, DJ Comac, il y avait qui également, la Greg 67000 qui était connecté également, Monte Dadou, j'ai pas le temps évidemment de tous vous citer, tous ceux qui sont connectés et qui étaient connectés sur le Facebook de l'émission, en tout cas merci, puisqu'en 5 mois, à 2 jours près en tout cas, 5 mois on a quand même on est quand même 314 785 sur le Facebook, donc ce qui est quand même plutôt un beau score. C'est pas mal. Ouais. C'est quand même plutôt un beau score en 5 mois. Qu'est-ce que ça va donner la fin de l'année si ça continue comme ça? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis bon, on va faire le top tweetos aussi avant de partir. Mais top tweetos, les 10 premiers, attention. Allons-y. Ah bah ouais, 10 premiers et c'était le numéro, je sais plus combien. Il gagnait. Je sais plus. J'ai oublié. Ah, on peut faire 2 et je sais pas, 2 et 8. Bah 2 et 8 alors très bien. Bon, numéro 10. Alors numéro 10 c'est le prince Nadia. Ah bon, oulala, perdu des plumes le prince Nadia. Heureusement qu'on l'était jusqu'à 10. Hein. Non, tu vas voir. Ah bon, numéro 9. C'est Sheva GTR. Numéro 8 du coup, premier gagnant ou première gagnante. C'est Didier. Didier, bravo pour le sextoy offert par passagedésir.fr. Numéro 7. C'est une belle boîte aujourd'hui. Ah oui, en plus c'est une boîte collector. Numéro 7. Le prince Nadia. Encore ? Oui. Bah comment ça ? Bah elle a deux comptes. Elles ont deux comptes. Ah bah bravo, bah que ça à foutre. Numéro 6. Cédric. Numéro 5. Fred S. Numéro 4. Ness. Numéro 3. Fabienne. Le suivant gagnant, numéro 2, hein, ou une. Félicia. Eh bah Félicia, bravo Félicia, sextoy et boîte collecteur en plus. Mais oui. Puisque c'est Noël offert par passagedésir.fr. Et numéro 1. DJ Comac. Eh bah DJ Comac, bravo. Dommage pour rien DJ Comac, hein, parce qu'on n'a pas offert au premier. C'est ouais, con. Mais il en a eu un hier, donc ça va. Ah oui, bon bah alors très bien, alors c'est parfait, très bien. Bon bah impeccable, merci à vous tous en tout cas. Et puis bah on se retrouve bientôt dans une grosse semaine, hein, on sera là. Mais rassurez-vous, on sera également là sur le Facebook, hein, on part en vacances là, on mettra des photos, on mettrai une petite photo chaque jour. Voilà, je m'engage à mettre une photo chaque jour. Je vais essayer d'avoir c'est internet beau, c'est là où je vais. Mais je veux m'engager. Oui voilà, c'est ça, une petite photo chaque jour, ça devrait bien se passer normalement. Donc voilà, merci à Polo également d'avoir été là ce soir en plein taquet. C'était avec plaisir. Voilà, merci au Père Lutin Ordure d'avoir été là également. Ça enfant m'a fait plaisir. Voilà, Dexter le stagiaire, hein, qui était là avec son petit bonnet. Tout plaisir était pour moi. Voilà, Sandro également. Oui, joyeux Noël à tous. Ah ben joyeux Noël également. Et Sandro qui a passé des vacances chez Ducon. Hein? Ouais. Tu as passé un stage chez Ducon. Ah oui, Régime. Demain matin, régime. Eh oui, allez, c'est ça. Parti. Voilà, pour tout reprendre quand arrête, on va rentrer. Mais non. Exactement, oui, c'est ça. N'importe quoi. Ouais. Voilà. La bon, merci beaucoup. Et puis, bah, Miko, c'est qui va débarquer là en pleine forme. Hein. Oui. Au moins jusqu'à 2h. Bah, c'est ça, au moins jusqu'à 2h. Ouais. En tout cas, bah, tu vas chanter le générique avec nous du coup pour partir. Allez. Ah, bah, chouette. Ah, bah, c'est parti. Allez, générique, le dernier de l'année là. On y va, c'est parti. Allez, allez, hop, hop, hop, hop. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, tape dessus, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur. Mon oncle, l'encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Mon oncle, t'es un enculé. Toute la journée. Heureusement que Jérôme n'écoute plus. C'est l'esprit de Noël. Exactement, oui, tout à fait. Dans ton cul, au connard. Cause toujours, enculé. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie. Ta gueule, connard. Ils sont canadiens. Espèce d'enculé. Espèce de petit pili de merde, va. Enculé, toi, l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des vies, t'as dessus, c'est toi, l'enculé. T'as l'enculé, toi, t'as un enculé. C'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Allez, Lilou. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci, Lilou. L'esprit allez, de Noël. Bonnes vacances, tout le monde. Passez une excellente année 2014. On se retrouve l'année prochaine en pleine forme. Toujours avec 23h, 2h la semaine. Et puis, bien entendu, de 20h à minuit, tous les dimanches soirs, c'est Miko, c'est Party Fun. Oui, avec Tony Junior qui va prendre les platines dans un instant, juste après un peu de réclame, parce qu'il faut payer ton salaire. Exactement, tu parles, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, salut tout le monde. Et on se retrouve très vite sur Fun Radio. Ciao. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Joachim Garraud, DJ Avan Abraham, Grégory Klossmann, Sébastien Bennett, Mike Candies, Hardwell, Nicky Romero. Ce soir, c'est Tony Junior qui vous lâche 2 heures de mix dans Party Fun sur Fun Radio. Are you ready for this? Yeah. Party fun. Allez, joyeux Noël tout le monde, je m'appelle Mikosé. Oui, on est en retard. À la faute de qui, si on est en retard? Incroyable. Minute 32. Il n'y aura pas d'heure sup, hein. Marche pas comme ça. Minute 32, Party Fun. On passe la soirée de Noël ensemble. Donc, joyeux Noël à tous. Le son de Party Fun qui va se poursuivre jusqu'à 6h. Dès 2h, c'est Adrien Thomas qui prendra le relais. Et une fois qu'il aura fini son repas de Noël et son digestif, il sera là. D'ici là, c'est. Pardon? Il y aura Jean-Pierre Sauzère, non? Ah, peut-être il y aura Jean-Pierre Sauzère un jour dans Party Fun, une fois qu'on fera le remix. Si Mickaël s'engage à poster une photo de tous les gens pendant ses vacances. T'inquiète, c'est géré là. On va c'est faire un petit deal comme ça. Ok. Tony Junior qui prend les platines jusqu'à 2h du mat. Sur Fun Radio avec tous vos sons préférés. Et Sardine Incredible dans un instant avec Carnage. Et on y va maintenant avec le diplôme, le Sally Duff, jusqu'à 2h du matin pour fêter le jour de Noël. Tony Junior est aux platines de Party Fun et c'est en direct sur Fun Radio. Soirée tout le monde depuis minuit 30. Bah oui, Mickaël a un peu débordé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est Party Fun en direct sur Fun Radio. On est là évidemment jusqu'à 6h du matin avec Adrien Thomas qui prendra le relais tout à l'heure dès 2h. Et nous on se fait plaisir avec Tony Junior. Ah, j'ai cru voir passer un Père Noël. Fun Radio. Bonnes vacances à l'équipe de la Libre Antenne. Ils se prennent de retour. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre ton micro. Bonnes vacances, Miko. Mais oui, bonnes vacances à toi aussi. Voilà, c'est parti. C'est quand le retour? C'est début janvier, le 6. Le 6 à 23h. Ah bah très bien. Vous avez bouffé marrant. Bravo. Le son dance floor. Allez, joyeux Noël à tous. On est de retour dans un instant avec Tony Junior en platine de Party Fun.